Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 121e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour de mon dernier VR. Oh là là, il a chopé quoi ? Drama ? Drama ? Que se passe-t-il ? Demandez-moi, allez, ciao. Non, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Et ben salut tout le monde, salut de se retrouver, ça fait plaisir de se retrouver après deux semaines de pause. Il y a des choses qui se sont passées ces deux dernières semaines. On va revenir là-dessus avec toute l'équipe de VR for Player. Mais par contre, je ne vais pas hoster cette émission, je vais passer les clés à Majo. Qui va formidable être de cérémonie à partir de maintenant. Je les attrape. Il va présenter sa gouaille et puis reprendre les choses en main un petit peu. Voilà, Majo, c'est à toi. Formidable. Je suis de l'autre côté du coup. Ah non, c'est comme ça. T'es là, moi. Ah merde. Oula, merci, Sei. Bon, ben alors, grand retour. Bonsoir à tout le monde. On nous a harcelé, on nous a demandé oh là là, prochain podcast, c'est pour quand, VR for Player, on vous voit plus, qu'est-ce qui se passe, c'est l'abandon, c'est la fermeture, non, enfin pas de tout le monde en tout cas, mais en tout cas on est là, voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir de nous revoir, alors bon, plus que l'actu, hein, mais j'ai envie de vous dire maintenant on est un peu habitué, et puis il y a quand même de belles choses qui arrivent. Évidemment, on n'est pas tout seul. Il y a la Dream Team ce soir. Il y a tout le monde. On est très content de recevoir tout le monde avec Sei, comme vous l'avez entendu. Et puis bonjour Sei. Et coucou. Comment vas-tu du coup ? Bah ça va bien. Écoute, très très bien. Ça fait longtemps. Contrairement à ce que certains pensaient, je me suis embrouillé avec personne de l'équipe. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Qui a pensé ça ? Donc, j'avais vu ça sur le Discord. Ça m'a fait marrer. Sur la raison de l'arrêt du... la grosse pause du podcast. Non, c'est juste que plus le temps, plus l'énergie. Donc voilà, mais sinon ça va très bien. Je continue à jouer gentiment et c'est cool quoi. Ça mode à fond ? Ça mode un peu, ça mode un petit peu. Je fais pas que ça, je joue pas mal en plat aussi. Je fais pas mal de jeux en VR et puis ouais, évidemment quelques modes sur UEVR, ça marche pas mal. Et voilà quoi. Bon, merci mon petit Sei. On a aussi la chance d'avoir... notre accent chantant du groupe, qui n'est pas là souvent, mais qui ce soir nous fait l'honneur d'être là. Comment vas-tu, Steph ? Ça va, ça va. Et vous ? Ah ben, nous, j'ai envie de te dire habitué, on est là souvent, mais en fait, pas du tout. On est presque au même rythme que toi, maintenant. Ah ben, c'est ça, exactement. Du coup, on a aussi Lolo, qui a fait aussi son grand retour avec un petit dossier très récent qui, j'ai envie de dire, est presque tombé à pic avec quelques jours d'avance par rapport à l'actu. Encore une fois, c'était bien choisi. Et qui a fait réagir. Voilà, un petit peu. Moins qu'on l'espérait, mais un petit peu quand même. Il y a eu quelques réponses intéressantes. Donc, salut Lolo, comment vas-tu ? Ben ça va très bien, ouais, dossier qui est tombé au bon moment, mais on était prévenus, hein, parce que fin décembre, on savait déjà qu'ils allaient virer 30% en 2026, par contre, ils n'ont pas traîné, hein, je ne m'attendais pas à ce que ça tombe 15 jours après, et puis bon. Il fallait faire passer les fêtes. Ouais. Alors après, c'est là que tu te rends compte, par contre, qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui s'intéresse à tout ça, parce que c'est vrai que... Il y a eu pas mal de commentaires, je crois qu'on en a eu 200 ou 200 commentaires, un truc comme ça. Ouais, dans la presse, il n'y a eu rien. C'est très calme. La presse généralisée. Calme, ouais. La presse généralisée, effectivement, n'a rien fait. À balayer le sujet, mais même pas, en fait. On voit le désintérêt total pour la presse généralisée jeux vidéo, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on a les derniers, ceux qui font vivre la chaîne en ce moment. J'ai envie de vous dire merci, messieurs, parce que vous avez fait quelques jeux, quelques tests, quelques previews. Merci beaucoup. On a le plus actif, El Rocco. Comment vas-tu ? C'est la voix. La nouvelle voix officielle de ChatGPT. Pour ceux qui ont un pas peu entendu moins sexy. Les dernières news en vrac. Ah ouais, les dernières news, elles m'ont achevé. Elles m'ont achevé. Dernière news en vrac, c'est Barry White. C'est ça. Un petit peu plus masculin. J'ai eu que des compliments, mais ça va. On sait pas si c'est le rythme. Ça fait plaisir à entendre. On sait pas si c'est le rythme ou la qualité des news qui t'ont achevé, pour le coup, mais en tout cas. Eh ben, si franchement, on fait bien attention, il y en a une, mais vraiment, qui m'a mis mais complètement à plat. Clairement. C'est vers le milieu, c'est vers le milieu, sur les updates. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux, on t'entend avec plus. Un petit peu plus, ouais. Je suis passé de 2 à 3, ça va. On a aussi Gantz. Salut Gantz. Salut. Notre nordiste. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien. Formidable. Je fais pas mal de tests, pas mal de previews. Ah, ça tourne. Des jeux magnifiques. Donc je me fais plaisir. Bon. Et le dernier, la voix la plus suave du groupe. Caviar. Fait craquer. Le dernier, le dernier arrivé. Comment vas-tu? Ça va super, et vous les gars? Bah nous ça va. Oh. Ah, ils nous enterrent tous là. Comme on disait à Steph. Ça va super, ça va. Ravi de retrouver tout le monde, non vraiment, ça fait plaisir. Vraiment tout le monde pour le coup, puisque bah on n'avait jamais, pour ma part en tout cas, fait un podcast avec toute la team et les plus on anciens jamais aussi. Fait. Donc franchement, faut que ça dure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On verra, on verra. Ça dépend. On verra. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. Petit instant promo parce que ça n'a pas changé. Vous pouvez nous retrouver sur normalement toutes les applications de podcast qui existent, Spotify, PodCloud, feu Google Podcast, ça n'existe plus, donc nous cherchez pas à ce niveau-là. Deezer et tout ce qui s'ensuit, la chaîne YouTube évidemment, la chaîne, on va aussi. Mais ça, Caviar, d'ailleurs, si tu veux en parler, faire un petit mot là-dessus, activer quelques shorts, histoire de comment dirais-je, de parler un peu de l'actu de la chaîne sur ce qu'on présente, essayer de mettre un peu plus en lumière chez un nouveau public, on va dire un peu plus jeune. Et c'est toi qui vas t'en charger. Non pas qu'on soit vieux. T'es le plus, ouais, exactement, t'es le plus expérimenté sur le dossier. Donc si tu veux parler un peu de ce que t'as prévu là-dessus. Ouais, ben ouais, c'est ça l'idée, c'est que alors. Pour ceux qui me connaissaient avant mon arrivée chez Verfor Player, je faisais justement des short reviews sur TikTok. C'est un format qui me plaît plutôt bien, assez dynamique, qui change des formats longs et qui, comme tu l'as très bien dit, Majo, peut aussi convenir à d'autres publics. Et ça permettrait de se diversifier, d'aider la chaîne aussi à remonter parce que ça n'a pas toujours été facile. Encore une fois, merci El Rocco de ton investissement parce que voilà, ça n'a pas toujours été simple. Donc dans cette idée, la première vidéo que j'aimerais faire, c'est une vidéo à propos en fait de la PS5 et de la PS5 Pro, puisqu'on n'a jamais fait une vidéo qui couvrait les potentielles améliorations sur différents jeux. On n'a jamais vraiment pris le temps de le faire aussi. Ne vous attendez pas à de grands changements, hein, par rapport au catalogue, mais je vais prendre le temps de tester un petit peu tous les jeux et de faire une petite vidéo, enfin une grosse vidéo en tout cas sur le sujet, que je vais ensuite promotionner via les shorts. Et si ça plaît, eh ben on réitérera pour d'autres sujets également. Ok, bon, en tout cas, on a hâte de voir ça, j'espère que vous aussi, et puis on va terminer tout ça par le Discord, évidemment, qui est toujours disponible si vous voulez nous rejoindre, avec tous les différents salons qu'on a sur thématique pour faire des parties ou simplement discuter entre gens passionnés et courtois, évidemment, toujours, hein, n'est-ce pas? Et puis ben, le Tipeee classique, voilà, si vous voulez faire un petit don pour les jeux qu'on ne nous enverra plus. Parce que je peux vous dire, avec les derniers qui sortent, il y a peu de chances pour que les studios soient encore peut-être généreux avec nous. Donc bah, écoutez, si jamais l'envie est là, ça nous aidera toujours à en acheter quelques-uns. Voilà, donc cet instant. Heureusement que le podcast est en français, hein, parce que ça les fasse galérer un petit peu sur ce qu'on va dire. Parce que bon. Si ah qui comprennent pas directement. Enfin, maintenant avec l'IA, hein, bon, il faut faire un podcast de plus de 3 heures. Merde. Comme ça, on est sûr que ça sera pas traduit. Chat GPT, au bout de 20 minutes, il abandonne. C'est à peu près. Bon, enfin, en tout cas, après cette intro traditionnellement beaucoup trop longue, on va attaquer. Ça va. On va attaquer le vif du sujet. Alors, comme on a 2 ans de retard, on a fait une petite jeu sélection. Numéro 1. Qui fait le 512e? Une petite sélection exhaustive. Donc, pour ceux qui aiment les podcasts longs, on a visé les 10 heures aujourd'hui. Non, je plaisante. Évidemment, je rigole. On va parler des jeux les plus importants à nos yeux. En tout cas, on va éviter tous ceux qui ne méritent pas de passer ici. Et on va commencer par un jeu que j'estime, et pas que moi d'ailleurs, sous-coté. Et c'est Caviar qui va nous en parler, puisque c'est Off Lies and Rain. Yes, Off Lies and Rain, du coup, je ne me souviens plus du nom du studio, mince alors. Peux-tu m'aider là-dessus? Il y en a un qui n'a pas fait ses devoirs. Pas du tout. Castelio, studio italien, du coup. Petit studio de... Alors, je crois qu'ils sont moins de 10, hein, très clairement, puisqu'on l'a mis en Ligue 2, si je me souviens bien. Et du coup, ce studio nous a sorti un Off Lies and Rain qui était du coup en Early Access pendant pas mal de temps sur Steam. Et qui a reçu énormément de retours des joueurs pour qu'ils s'améliorent, pour enfin arriver à voir le jour sur notre cher PSVR 2. Et ce jeu, en fait, il est souvent comparé alors, à Alyx. Moi, malheureusement, je n'ai toujours pas fait cette magnifique expérience, donc je ne pourrais pas tenir la comparaison. Mais il est surtout comparé pour son système, notamment de canne à pêche pour récupérer les objets, comme beaucoup de jeux l'ont fait par le passé, mais aussi par son ambiance, par son côté un peu créatif. Ce jeu, je trouve que c'est... très clairement ce dont on risque de ne plus avoir le droit prochainement. Je m'explique, c'est le côté artistique en fait. J'ai apprécié vraiment être dans un univers créé de toutes pièces, j'ai apprécié au-delà du gameplay la proposition artistique vraiment. Et en fait, pour un double A, je trouve qu'il a un niveau de production qualitatif. En fait, c'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande de marcher, d'être cohérent, d'être équilibré. Et tout ça, il l'apporte. Il a un gameplay équilibré, qui se renouvelle. Il a des graphismes qu'on peut, par moments, trouver pas terribles. Mais dans l'ensemble, c'est quand même cohérent. Et puis on a une durée de vie quand même qui fait les 8-10 heures. Donc on en a pour son argent. Je sais plus combien il est vendu. Je sais pas si quelqu'un se souvient. 40 euros. 40. Il est à 39,99. Niveau réalisation, il y a quand même énormément. Alors, je sais pas si c'est une features exclusive à la PS5 Pro, mais en tout cas, il y a énormément d'améliorations et de choix visuels. Enfin, oui. On est sur ce qui se fait aujourd'hui sur console traditionnelle où tu peux choisir le mode qualité, le mode performance. Tout à fait. T'as plusieurs types de filtres anti-aliasing. Voilà, l'anti-aliasing, l'anti-crénelage, tout ça. Il y a énormément de choix et c'est vrai qu'on voit bien la diff en fonction de ce que tu choisis. Donc là-dessus, on est sur quelque chose de relativement quali. Ouais, et pour le coup, sur une PS5 FAT, ça tourne très très bien avec ces paramètres-là. Heureusement. Sur la PS5 Pro, alors moi j'ai joué du coup sur les deux. Et en fait, je le dirai sûrement dans la vidéo aussi que je prépare, mais tu as un gain en fait de netteté sur la distance. Tu vois beaucoup plus loin, beaucoup plus net. Et en fait, c'est vraiment minime. Je pense qu'il faut quand même être un joueur confirmé pour voir un petit peu ces nuances, parce que c'est pas non plus hyper transcendant. T'as peut-être un peu plus de fluidité aussi. Ouais, faire la comparaison peut-être entre les deux versions aussi. Si tu la fais pas, du coup, ouais, c'est ça. Forcément la diff. Totalement. Totalement. Mais en tout cas, le travail d'optimisation est déjà tel que, même sur, voilà, comme sur une FAT, ça tourne très très bien. Et après, au début, moi j'avais commencé à y jouer en reprojection. Donc j'avais trouvé ça un petit peu gênant. Et en fait, quand je l'ai mis en mode performance, le truc, c'était génial, c'était fluide. Et vis-à-vis de la définition, de la qualité des textures, etc., enfin de ce que requiert le jeu, je pense que t'as pas besoin de plus. T'as des jeux où si tu te mets pas en reprojection, bah du coup tu vas perdre trop de détails et ça va te paraître trop carré, trop plat. Là, comme je vous l'ai dit, en termes artistiques, c'est tellement cohérent que t'as pas besoin de ça en fait. T'as pas besoin de ce ça a l'air un peu épuré quand même aussi comme jeu. Hein. Enfin, t'as deux couleurs principales, t'as le noir et t'as le rouge. Et en fait, ça joue quand même pas mal là-dessus avec l'éclairage et puis la colorimétrie. Ouais. Ça demande pas non plus d'avoir un niveau de détail extrêmement élevé. Quoi. Alors, enfin, je dirais que la lumière fait le travail en fait. Ouais, mais dans le même temps, t'as beaucoup de particules aussi. Ça tu flash vois, partout, quoi. Quand tu prends un petit GPU, donc c'est une espèce de cube de données qui vont te permettre d'améliorer tes compétences, que tu t'amuses à le faire tourner comme ça autour de toi, tu vois vraiment, il y a plein de particules dans le gun, tu vois carrément les particules d'énergie qui sont tes balles et tout. Enfin, il y a vraiment d'autres choses sur lesquelles ça va tirer là, sur la puissance. Mais c'est vrai que sur la partie graphique et artistique, quand tu regardes le fond, bah voilà, c'est des buildings, c'est très classique. Mais ça reste très néon, quoi. Ouais, mais je sais pas en fait comment expliquer le truc, c'est que t'es dans un truc cohérent. Tu vois, si je devais faire une comparaison avec Arizona Sunshine, le fond, tu le captes tout de suite, tu vois. Tu captes le papier peint, quoi. Ouais, c'est ça. Tu captes qu'il y a un problème, quoi. Alors que là, tout est cohérent et tu te sens vraiment bien dans l'immersion. Il y a un bon level design, en fait, qui te permet de croire en, on va dire, en la réalité de l'environnement. Pour rappel, c'est un jeu qui est solo narratif. Qui a une petite histoire, un peu de mise en scène, il n'y a pas spécialement de vie non plus, on est sur quelque chose où on est sur une ambiance un peu post-apo, ouais. un peu voilà un post-apocalyptique et un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans un The Last of Us. On va retrouver des pans de l'histoire, enfin l'histoire va être racontée par le biais de mots que tu vas retrouver un peu partout, on va dire dans l'univers. Last of Us, tu parles de la série ou du jeu? Attention, du jeu, hein, parce qu'il y a Lolo avec toi. Ah, non, je parlais du jeu. La série, quelle série? Cherche la merde. Non, je veux juste vérifier si son micro fonctionne. Ça va, Lolo? Ah, il marche. Et c'est bon, tout va bien. Ça met là. Du coup, ouais, je trouve que ce jeu, alors, de l'aveu même, hein, du développeur, pour le coup, ce jeu a pas été, on va dire, perçu à sa juste valeur et n'a pas connu un succès, on va dire, mérité sur la plateforme. La faute à pas de com. Je voulais en parler ce soir parce que bah, je pense, et comme tu l'as dit, Caviar, je pense qu'il mérite un peu mieux. Bah, Majo, c'est toujours un peu le même problème, c'est qu'en même temps, comme on disait tout à l'heure, la presse généralisée n'en a rien à péter de la VR, ça fait depuis longtemps qu'on le constate. Des jeux même qualitatifs, si c'est pas marqué Half-Life dessus ou si c'est pas des grosses licences qui sont portées en VR, même Sif en fait partie. On a plus entendu parler de Sif et on a plus vu de tests de ce jeu là sur la presse généralisée que Offline. Alors qu'il a eu une démo, ouais, en plus. Parce que c'est connu. Quand il y a eu une démo, il y a eu une certaine hype hein, quand même, oui. Quand la démo est sortie. Mais c'est vrai qu'à la sortie du jeu, plus rien. Et je crois que Gantz, tu le disais. C'est connu. C'est dommage. Mais leur tort, c'est qu'ils n'ont pas fait. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. C'est ça. C'est qu'ils ont voulu rester solo et malheureusement, c'est. On en reparlera après sur un autre jeu, justement, où VRSR, ils ont fait appel à un éditeur et ça a tout changé en fait. Oui. Et je crois que ce qui est dit dans la VR en général et du côté notamment de Meta, bon, on en parlera sûrement plus tard, je ne vais pas commencer à rentrer dans les hostilités maintenant, mais en fait, aujourd'hui, les jeux indépendants, on va dire qu'ils. Ce côté un peu promotion, ils le mettent un petit peu de côté ou ils le bâclent et en fait ça leur dessert à la fin en fait. Et c'est assez dramatique. Comme dans le cinéma en fait, il y a vraiment des ronds à mettre justement dans le côté promotion et si tu veux que ton jeu soit visible, t'es obligé de mettre des ronds dans la promo. C'est triste mais c'est comme ça en fait. Ouais, après il y a un truc quand même, c'est que Sif ça reste quand même une licence connue. Ouais. Oui. Une vieille licence. Ouais, mais c'est un studio qui a du poids aussi. Une licence mais connue. C'est, voilà. c'est justement pour ça que quand t'es un petit studio qui n'a pas de notoriété ou il te faut pousser dans un jeu, voilà, il faut arriver à te faire connaître et c'est vrai que ce genre de l'éditeur est là pour ça, il est là pour matraquer, il est là pour faire de la communication, il est là pour contacter j'ai justement quand même l'impression que c'est compliqué. Les influenceurs, puis Vertigo, ils sont bien installés dans la VR aussi hein. Fait plusieurs fois où voilà, ils ont des prestataires, tu vois, voilà, chez nous en France, c'est Playon France qui se charge de la partie RP, enfin c'est Ils sont partout quoi. Ouais. Ils ont pas besoin de. Ils font penser, du Steam, quoi. Ils font du Quest, du PSVR Quest, voilà, ils font un peu de tout ça quoi. Bon, je dis pas PSVR 2, du PSVR Quest. Attention. En tout cas, même après les mages. En tout cas, c'est une bonne pioche du coup. Donc si vous l'avez pas essayé, il y a la démo qui est dispo sur le store gratuitement. Donc vous pouvez. Ça donne combien de temps la démo? C'est quoi? C'est une heure, deux heures? Ouais, c'est la petite première heure, ouais. Je crois. Si tu prends ton temps, que tu observes et tout. Le seul conseil que je peux vous donner, et je l'avais donné dans le test également, c'est comme il n'y a pas de difficulté, si vous êtes du genre à tout fouiller dans ce jeu, vous allez vite rouler dessus au bout d'un moment. Donc en fait, vous allez ramasser beaucoup de GPU, ces petits cubes dont je vous parlais tout à l'heure, et vous allez débloquer vos compétences, en fait ça va vraiment être trop facile. Donc si vous aimez un peu la difficulté, achetez pas trop de compétences, fouillez pas trop. Alors je sais que ça peut être compliqué pour certains qui aiment bien, mais voilà. C'est vraiment le plus gros point noir que j'ai trouvé sur le jeu. Sinon, si vous aimez tout ce qui est post-apo, solo narratif, avec côté FPS, avec de bons impacts et un gameplay qui se renouvelle bien, foncez. Bah ouais, parce que c'est ça qui se démarque dans ce jeu-là, c'est que justement, c'est un vrai jeu avec une histoire, vraiment un background, un lore et tout. Si on fouille et qu'on retrouve toutes les petites notes, ça raconte quelque chose en fait. On n'est pas du tout sur un jeu, entre guillemets, où ça nous propose soit un tuto, soit un mode qu'on aurait sur un vrai jeu. Donc, pour le coup, il mérite beaucoup d'amour. Mais le problème éditeur est le prix. Hein, 40 euros, quand on parle de 40 euros pour un jeu VR, ouais, pour n'importe qui, un jeu VR, c'est 20 balles. Toujours pareil, est-ce que ça les mérite? Parce que largement. Mais largement. On pourra parler du Mamigro 26 jours et du prix des jeux, mais et, je dire 40 et il coûte euros, une demi-couille, lui. Hein. Il coûte 20 balles, je crois. 40 euros, oh. Aujourd'hui, c'est la moitié d'un prix d'un jeu traditionnel, on va dire, que tu payeras plein pot. Ouais, c'est vrai. C'est 4 kebabs. Voilà, c'est pas non plus... ah oui, ça a augmenté le kebab. C'est pas non plus excessif, quoi. Je veux dire, ouais, parce que c'est vrai qu'après, un autre point un peu noir aussi du jeu, c'est qu'au niveau rejabilité, une fois que t'as fini le jeu, t'as pas forcément envie de retourner dedans. Et qui plus est... Si tu veux aller récupérer toutes ces fameuses disquettes pour compléter le lore et avoir aussi le platine, t'es obligé de repasser par la sélection de chapitres, mais enfin de sauvegarde, pas de chapitre. Donc ça veut dire que tu vas prendre ta sauvegarde. Si te manque la quatrième disquette sur 20, tu vas reprendre à la quatrième et tu vas te retaper tout le jeu jusqu'à la fin. Tu vois. C'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie d'ailleurs sur la chaîne. Sinon je l'aurais fait avec plaisir, comme Gantz, tu aimes bien faire aussi. Parce que mais je comprends que du coup qu'il n'y ait pas de solus à l'heure actuelle. Parce c'est ça. Parce que dès que tu passes un moment, tu sais, dans les jeux narratifs comme ça, dès que tu passes à un moment charnier de sauvegarde, tu peux plus revenir en arrière. Ouais. Tu vois. Alors c'est. Donc, ouais. C'est essentiellement problématique, d'ailleurs tu parles de sauvegarde, ça me fait penser à une question. J'allais dire, c'est essentiellement problématique pour les chasseurs de trophées. Maintenant, ça n'enlève en rien, si tu fais une expérience, on va dire, linéaire, du début jusqu'à la fin, ça n'enlève en rien le plaisir que tu as pu prendre. Oui, bien sûr. Après, je parlais de ça par rapport aussi aux 40 euros, parce que forcément, un jeu double A, on attend aussi peut-être une certaine petite rejouabilité, au moins quelque part, soit dans la difficulté qu'il n'y a pas du coup, ou dans autre chose. Mais voilà, une fois que tu l'as fait, bon, tu le referas peut-être une autre fois, mais voilà. Alors je suis pas. Il y a pas la qualité du gameplay. Excuse-moi, Majo. Il y a pas la qualité du gameplay qui te pousserait justement à le refaire dans un an, dans deux ans, un peu comme Alix justement. Tu me poses la question. Oh. Bah oui. Ah oui, totalement. Non, mais oui, totalement. Déjà pour les disques. Non, je crois que tu disais Majo, parce que t'as dit Majo avant. Mais ouais, t'as dit Majo. Ouais. Je vais couper la parole. Regarde en bas. Ouais. Quand tu t'adresses à quelqu'un, regarde dans la direction. Ouais, carrément. Je compte le refaire. Bon, là, forcément, pas maintenant, mais déjà pour les disquettes, puisque j'ai envie de taper le platine dessus. Quand un jeu m'a plu, généralement, je le platine. Et ça a été un pur kiff. Justement, pour aussi essayer de le refaire, tu sais, en te mettant ta propre difficulté, tu te dis, tiens, je vais le faire Kogan, tu vois, des trucs comme ça. Alors, bon courage. Mais ouais, carrément. Okay. Le bestiaire est varié, justement. Parce que moi, j'ai fait que la démo, hein, donc. Pas trop. Mais au-delà du bestiaire, c'est surtout que les ennemis, comme je te disais, en fait, tu vas les trouver beaucoup trop weak, quoi. Au bout d'un moment, tu leur roules dessus, quoi. Donc il faut vraiment. Si je te dis, si tu prends le flingue, si tu mets ton viseur laser, tu rajoutes le viseur holographique dessus, c'est easy. Tandis que si tu mets pas ça déjà, là, tu galères un peu. Parce que des munitions, le jeu t'en donne. Il t'en donne en foison, t'en manques jamais, quoi. C'est vrai que sur la démo, c'est ce que j'ai ressenti. Hein, c'est que, le jeu, c'est pareil. Ouais. C'est pas pareil. À court. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a gêné sur, en faisant la démo, et j'ai lu qu'a priori, ouais, c'était le cas tout le jeu, c'est que t'as pas de PNJ, en fait. Non. J'ai vu qu'ils avaient expliqué que c'était un problème de finance. Hein, que, ouais, mais tu vois... Là, au niveau du budget, ils avaient ce souci là. Ça aurait pas été le même jeu. En fait... C'est un jeu où on essaye d'accentuer le fait que tu te sens seul. Alors, tu as la voix de la personne que tu as à la radio tout le long du jeu qui peut être même un peu saoulant. Donc déjà, tu vois, ça, t'as ce côté un peu humain qui est là et qui te suit. Mais le jeu, il veut vraiment que tu te sentes un peu solo, que tu sentes vraiment que c'est post-apocalyptique, qu'il n'y a plus rien à la surface de la Terre. Et donc, c'est une manière de te mettre en scène l'histoire aussi. Vie, et de pas, c'est une manière de mettre en scène l'histoire aussi et de pas simplement te faire lire des textes. Le fait d'avoir la voix qui t'explique pourquoi t'es là, qui tu es, enfin tu vois, ouais, te met ça. Un peu en situation. Exactement. Aussi, c'est de la mise en scène, on va dire, à pas cher, quoi, mais ça fonctionne. C'est ça le plus important, c'est que ça fonctionne. Et j'avais une question. Est-ce, techniquement, du coup, on est sur quelque chose opérationnel dès le départ, ça mérite quelques ajustements. Ah oui, justement, tiens, c'est vrai que ça, on en parlait de ça dans le Discord récemment, sur le fait que potentiellement ce serait bien de rajouter pour les tests une mention état du jeu day one. Je pense que ça pourrait être pas mal pour venir influencer la note et éviter d'avoir à refaire les tests 6 mois plus tard, parce qu'on a tous ici pas envie de le faire. day one, ça fonctionnait très bien. Il y a eu, je crois, un patch au tout début correctif, mais je sais pas ce que ça a corrigé, mais en tout cas le jeu fonctionne très très bien. J'ai pas eu de bug, je me suis jamais retrouvé à traverser la map, ce genre de choses. Enfin non, ça fonctionne, franchement, y a rien à dire, quoi. Ok, bon, en tout cas voilà, si vous voulez le tester, c'est dispo, il y a une démo, c'est 40 euros, c'est sur le store, et puis c'est bien, visiblement, voilà. Yes. Merci Caviar. On parlait de studios qui avaient besoin d'un éditeur. Il y en a un autre qui, lui, a connu un franc succès, qui a fait appel à un éditeur et qui a surpris. Alors, je vais dire surpris un peu tout le monde, oui et non, parce qu'on était quand même assez intéressés quand on avait vu les premières vidéos. C'est V-Racer. Du coup, V-Racer Overbike, c'est Gans, c'est toi qui as fait le test, du coup. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on rêve tous d'avoir, c'est-à-dire un remaster de Wipeout en version PSVR 2 qu'on n'a jamais eu et qu'on aura certainement jamais. Aujourd'hui, ce V-Racer, j'ai envie de dire, remplace Wipeout à merveille, quoi. Ouais, bah remplace après, on va dire que forcément il n'y a rien d'autre. Ouais. Oh, bah, il est toujours mieux que celui qu'on n'a pas, j'ai envie de vous dire. C'est ça, voilà, c'est qu'à défaut, voilà. Hein, c'est toujours, hein, t'as une place à prendre. Ils l'ont pris, et franchement, avec brio. Donc, petite présentation rapide, ouais, V-Racer, donc développé par un petit studio français, donc composé d'un seul développeur. Donc, ils sont quatre, hein, dans l'équipe, hein, donc, mais il y en a qu'un qui développe. Et donc édité par Impact Reality, qui est donc l'éditeur Flat to Vert. Et donc, jeu de moto volante. Donc, une fois que tu es en jeu, tu as vraiment l'impression d'être sur une moto. Hein. Tu fais pas attention si elle est roue ou pas. Et donc, à l'instar d'un Wipeout, tu as le mode combat où tu affrontes, je sais plus si c'est 5 ou 6. Hein. Donc, tu peux affronter soit des bots, soit des. Je crois que c'est 6. C'est 6 au total, du coup. Il me semble que c'est ça. Pourtant, j'y joue souvent actuellement, mais bon, je suis plutôt en mode solo, en mode course, time trial. Ce que j'adore, j'attends vraiment. Alors, bon, Caviar, tu disais que toi, t'avais du mal avec les sensations de vitesse. Mais moi, justement, ouais. Le mode vitesse maxi, justement. Mais c'est parce que j'ai pas été assez loin, donc je te fais confiance. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que le premier mode, c'est vraiment très lent, bon, ce qui est fait exprès. Hein. Et c'est vrai que voilà, moi c'est vraiment un jeu que je kiffe. Moi je me prends les murs, donc je sais pas si c'est ma conduite qui est mauvaise, mais pour l'instant je me prends les murs. C'est ça qui est sympa aussi dans le jeu, c'est qu'ils ont laissé le choix à tous les joueurs. En fait, t'as 4 ou 5 modes différents, quoi. Tu commandes en te penchant, donc là c'est vraiment avec le casque. Tu gardes la tête droite et en fait tu te penches pour tourner. Après tu as le mode. Du coup tu parles des modes de conduite, hein, parce que j'allais te demander si tu avais plusieurs modes de jeu. Donc ouais, il y a plusieurs styles de conduite. C'est ça, ouais. On est plus t'as soit motion gaming en fait, soit conduite manette, enfin joystick traditionnel. C'est ça, tu as le joystick. Donc tu peux te pencher et en plus avec le joystick, c'est-à-dire que si tu te penches, t'as un balancement plus fluide. Et si tu veux vraiment te pencher plus fort, tu peux également avec le stick. T'as aussi le mode, alors par contre le mode il faut des bras de... Le mode mal au bras. De Rambo. Le mode prend ton balai. Ils avaient confirmé, hein, ils ont... De toute façon c'est ce qu'ils disaient initialement, les développeurs, enfin le développeur, l'équipe, ils ont... Le mode de jeu préconisé c'est le mode où tu te penches. Mais par contre ils ont quand même laissé le choix, mais si ça tenait qu'à eux, ils n'auraient pas mis le joystick, ils n'auraient pas mis le... Ah ouais. La commande. Ouais, ah ouais, c'est... C'est un peu ce qu'ils avaient fait pour Fract, d'ailleurs, dans le petit passage neige. Ouais, en ski, ouais. Ouais, bon, effectivement. Mais là, tu contrôlais avec la tête et c'était plus là, pratique. Là, c'était un autre problème, c'est qu'il n'y avait pas de joystick à l'époque, donc pour le coup... Ouais, mais bon... Ils étaient un peu obligés de faire avec les moyens du bord. T'avais triangle, croix, rond, ça fonctionnait bien. Non, mais par contre, pour rebondir sur ce que tu dis, Gant, c'est s'ils n'avaient pas voulu mettre le mode joystick, je pense que ça aurait été un problème parce que. Alors, bon, après, c'est. Ah, ils auraient touché moins de monde, c'est sûr. C'est mon cas perso, mais. Enfin, moi, j'y joue pas en motion gaming, quoi. Je trouve que ce genre de jeu, c'est typiquement à la limite du motion gaming, et pour moi, ça revient à jouer à un jeu de conduite automobile, en fait, en motion gaming, en tenant le volant, quoi. Tu sais qu'il y a des gens qui jouaient à Mario Kart Wii avec la Wiimote, avec le petit volant, tu sais, comme ça. Injouable. Injouable, totalement injouable. Tu te faisais rouler dessus. Ouais. Le truc, faut le tenir, quoi. Ça marchait très bien. Non. C'est faux. Voilà, il y en a qui kiffent. Hein. C'est comme ceux qui jouent à No Man's Sky, tu sais, en prenant le manche à balai du vaisseau pour faire les gestes. Hein. Tu m'as dit que tu faisais ça aussi, Majo. Mais t'es obligé. Ah bon, tu peux pas le piloter? Ah non, il n'y a pas de pilotage de joystick, on est en... Ah non, c'est que des R-commandes. Oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, mais c'est compliqué, moi j'ai du mal avec ça. Ah ouais, c'est dur. En fait, alors, moi, j'avais pris l'habitude avec les PS Move à l'époque, et en fait, je me le posais sur la jambe, et ça faisait comme un joystick, si tu veux. Pour le coup, la forme était relativement bien pensée. Joystick. Exactement. J'en avais trois, pour le coup. Faut pas déraper. On a tous compris quelle manche c'était. Quand je fatiguais avec l'un... Non, et là, en fait, c'est un peu mieux, parce que le tracking du PSVR 2, forcément, étant bien meilleur que celui du PSVR 1, c'est plus stable, donc en fait, c'est un peu moins la galère. Voilà. Mais après, non, je suis de toute façon pas fan de... Et c'est pour ça que je pilote d'ailleurs très peu d'autres moyens de transport sur No Man's Sky, parce que je trouve que ce type de R-commande, en fait, moi, je suis vraiment pas fan, et il y a des véhicules pas de zone morte, quoi. Comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand tu dépasses, on va dire, la texture de ton volant, bah, du coup, tu vas faire le mouvement et il y a un décalage, du coup. Toi, tu vas aller à fond et au final, le truc s'arrête dans l'animation. Et du coup, tu te retrouves à faire un mouvement dans le vide et ton immersion, elle est cassée direct. C'est vrai que c'est très bizarre. Ouais, mais enfin, ouais. Ça reste la limite. Donc, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, proposer plus de choix en termes de type de conduite, ça reste une bonne option. Surtout qu'en plus, enfin... Je pense pas que proposer une conduite au joystick soit la manière la plus compliquée en fait d'adapter le jeu. Enfin, pour moi, ça reste quand même le plus naturel. Mais après, c'est bien qu'ils aient fait aussi cette partie-là de motion gaming avec le jeu. Quoi. Ça, surtout que ça permet d'éviter, de limiter le motion sickness. Le fait de te déplacer, de bouger physiquement avec le, tu suis la course, c'est vrai que ça réduit. C'est pareil, tu peux changer aussi l'inclinaison de la moto, tu peux régler. Ou soit quand tu bouges, ta visée, la moto suit avec, ou soit elle reste vraiment droite. C'est plus la ligne de vue ne bouge pas, et c'est uniquement la moto qui s'incline. C'est-à-dire que toi, t'as pas cette impression de te pencher, tu restes toujours même. C'est ça. Et c'est vrai qu'au début, je l'ai mis comme ça parce que j'avais un petit peu la gerbe. Et petit à petit, j'ai réduit pour gagner en immersion. C'est un gros mot, ça, faut pas le dire. Ça rend pas malade, la VR. Ouais. C'est comme tout, on s'habitue. Parce que au début, après, j'ai fait quelques sessions. Et puis, tiens, d'ailleurs. C'est l'inconvénient. Quand tu es au joystick, forcément, tu bouges plus. Donc, d'ailleurs, moi, il y avait une crainte que j'avais par rapport à la preview que tu avais fait. C'est justement par la suite, tu me dis que ça se complexifie, donc il y a de la vitesse. Et pareil, au niveau des circuits, est-ce que ça va dans tous les sens? T'as du looping, en veux-tu, en voilà. T'as certains circuits avec looping, mais ils ont limité. C'est dommage. Généralement, tu vas avoir un looping par course. Okay. Après ça, voilà, t'as c'est vrai que dans Wipeout, ça envoyait quand même. T'as des sauts, ouais, donc c'est moins violent. C'est dommage parce que je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, pour en avoir fait un ou deux, c'est top. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis, enfin, j'ai pas senti de malaise en fait à faire le looping. Finalement, c'est relativement. Non, tu parlais tout à l'heure de motion sickness et tout. Niveau sensation de vitesse, on est comment? Ah, c'est très bien. Clairement. Après, voilà, t'as trois cylindres différents, donc t'as 250, 450, je crois, 600. Et clairement la 600 est bien speed, hein, t'as une sensation de vitesse, donc forcément moi maintenant je repasse en 250, je trouve que ça se traîne comme Caviar y a essayé. Quand t'as l'habitude de faire un petit peu de jeu de vitesse, le 450 ou le 600 passe, mais ça va très vite. Certains circuits, je fais du time trial, et certains circuits c'est très compliqué. C'est vrai que t'aimes bien le contre-la-montre, toi. si tu les mémorises pas par cœur, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est presque comme des jeux de rythme musique. Hein. Tu mémorises tout, et après c'est la zone. C'est le corps qui bouge tout seul, quoi. Et il y a de la personnalisation aussi. Je me suis baladé un peu dans le jeu. Tu peux ton bike, tu peux mettre des stickers, tout ça. Ça a l'air bien foutu. Ouais. Tuto, tout ça. Ça c'est pareil. C'est un mode justement où c'est une Impact Reality qui a conseillé à Vertex Breaker de bien mettre en avant ce mode-là de personnalisation. Okay. Parce qu'ils savaient que justement ça pourrait toucher, donc sur les réseaux sociaux ils l'ont mis en avant, et c'est vrai que je suis sur leur Discord, il y a énormément de gens qui se sont amusés à customiser leur moto, leur tenue, mais limite il y en a qui ont recréé des véhicules de Wipeout. Mais ça c'est un truc dans tous les jeux vidéo, hein. C'est comme dans Hogwarts, quand tu fais ta salle sur demande, ils sont comme des oufs, hein, les Sims, quoi. Donc ouais, non, complètement, c'est cool. Et justement, en plus, bon, là le jeu, forcément ça fait quoi, ça fait peut-être 2-3 mois maintenant qu'il est sorti. Donc ça commence un petit peu à s'essouffler, et ils sont en train de bosser sur l'éditeur de track, où tu vas pouvoir créer tes propres pistes. Ah, ça c'est pas mal. Et c'est ça, clairement, ça va redonner un petit coup de boost et de la rejouabilité. Un peu à la manière d'un Trackmania pour le coup. Mais justement, ce que j'attends moi quand ils font ce genre de choses, j'en ai parlé d'ailleurs, je pense pas qu'on en parlera aujourd'hui, donc je vais le dire vite fait, sur la preview de Audio Trip que vous allez retrouver sur la chaîne. Il y a un éditeur en fait de sons, donc tu peux créer tes propres sons du coup pour les jouer à ta façon. Et en fait, le seul truc qu'il faut pour ces trucs là, c'est que ce soit partagé à la communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens peuvent te trouver grâce à ton idée PlayStation, mettre des notes sur ta track, et ensuite t'as une liste avec les best tracks, tu vois, et ça c'est génial parce que du coup le jeu un peu comme dans Dreams, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'il faudrait. Bah, c'est un peu l'alternative, on va dire, au roguelite, et au mode procédural dans un jeu vidéo, c'est de donner la possibilité en fait au joueur de se créer lui-même son environnement et d'avoir quelque chose, comme tu dis, de communautaire. Et que tu puisses partager. Ça rajoute de la durée de vie sans avoir besoin de développer plus, quoi. Enfin bon, hormis l'outil de base, évidemment, mais ça permet d'avoir un peu plus de contenu. Bon, bah, très bien. C'est vendu combien, Gantz, tu te rappelles? 28,99. Oh là, c'était moins de 30€, c'est donné. Niveau durée de vie, nombre de circuits, alors, nombre de véhicules. T'as un mode carrière. Qui se boucle on va dire en 3 heures, je pense 3-4 heures. Après, tu peux, si tu veux faire toutes les médailles d'or, c'est peut-être un petit peu plus long. Il y a encore du contenu à venir parce qu'il y a deux modes de carrière qui sont actuellement en coming soon à venir. Et après, c'est le multijoueur qui fait multijoueur. Ou après, si tu as un mode des courses weekly par semaine, ouais, où justement tu dois faire le meilleur temps sur 3 tours, un peu à la sur une course par semaine, un peu à la manière de ce qu'avait fait Gran Turismo avec ses épreuves hebdomadaires. En gros, ça change toutes les semaines, et c'est ça, ouais, c'est ça. Toutes les semaines, t'as un nouveau circuit et puis tu as 3 tours. Et qu'est-ce que tu gagnes? C'est le meilleur temps. Quelle est la récompense? Absolument rien. Formidable, le prestige, le prestige, voilà. Ça va, ça marche. Justement, je trust la première place sur le tableau depuis que les joueurs play ils sont arrivés. Et je me fais incendier sur le Discord par certaines personnes justement qui disent: ouais, tu joues au joystick, c'est un avantage. Wow. Jouer au joystick, ça, c'est quand tu commences à être bon, ça, que t'as ce genre de remarques. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, en fait, chaque voilà. Mode de jeu, une fois que tu le maîtrises, ça revient au même. Tu commences à avoir des haters, Gant. Ouais. Lance-leur des défis, lance-leur un défi sur Wildlands 2 là, sur les deux derniers parcours. Ouais, là, c'est... Là, je crois que ça va mettre tout le monde d'accord. Il y a personne qui. Ouais, j'y suis pas retourné depuis un moment, mais. Ah non, mais c'est vrai que oui, non, je suis, c'est bon, je suis friand de ce genre de, speedrun comme ça, de course. Et d'ailleurs, je pense que le jour où je débarque sur GT7, il y en a dans le Discord qui vont pleurer. Oh là, ça annonce. Bon, ben voilà, attends, pas assumer. Jamais. Ça clash. J'ai dit le jour où je débarque. Ça clash. Bon, ben écoute, merci Gant. Tu l'as jamais acheté en fait. Tu l'as jamais acheté. Non, parce que en fait, ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas le faire à la manette, ce jeu. Voilà, pour l'instant. Je comprends. Investir dans le matos. Préfère acheter un PC, hein. Voilà. C'est ma faute, c'est ma faute. Je vois pas de quoi tu parles. Après, le PC, c'est heureux, l'univers des simulations auto, en VR. Ouais. Après, je vais. Ah bah là, Gantz, il a le meilleur des deux mondes. Je vais demander conseil à Gif, et puis c'est bon. Ouais. Bon, bah merci Gantz, en tout cas. Bonne pioche, hein, on est d'accord. Ah, clairement, très bonne surprise. Hein, tu valides à 100%. J'ai eu très peur au début, hein, comme je l'ai dit dans le test. Je crois que c'était 2,7 gigas quand je l'ai téléchargé, et je sais pas comment. Comment il a réussi à faire la compression. C'est grâce au moteur Unreal Engine Meta. C'est 5.2 méta. C'est vrai que les derniers jeux qu'on a eu là, les très récents, on en a quand même un qui fait 500 mégas. on est vraiment au minimum du minimum. Ça veut rien dire après, des fois, hein, si c'est bien exploité. J'ai vu le trailer, c'est chaud, mais je suis pas sûr. C'est important. C'est important. bon, mais écoutez, il fait un giga 5. Lequel? C'est toi? Lequel? Mars Kitchen. Ah oui. Bientôt magnifique. Magnifique. Il a pété la caméra. C'est le jeu qui t'a fait perdre tous tes cheveux, ça. Non, je les ai. Hein. Ah oui, ça repousse. Depuis qu'il a arrêté, ça repousse. Merci Gans, en tout cas. mangez-en, comme dirait l'autre, si vous êtes fan de Wipeout, si vous cherchez une alternative. En attendant qu'il arrive, s'il arrive un jour, ce jeu est une bonne pioche. Du coup, on va changer de registre sur un jeu qui est beaucoup plus récent. C'est El Rocco qui s'en est chargé et qui va nous en parler. Un petit. Qui en a perdu sa voix. Oui, pas loin, pas loin. Comment dirais-je ? Un petit coup de cœur, j'ai envie de dire. Ouais. C'est City of Hunger. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est quoi ? Ouais. C'est quoi ? Ah bah, c'est mon nouvel organe quater. Donc, Lolo, je vais arrêter de te casser les boules. En plus beau. Avec celui-là. Ah oui, en largement plus beau. Alors, ce qui est bien, c'est que je suis hyper emballé par ce jeu, cet épisode 1, enfin plutôt double 0. Et je vais le critiquer beaucoup, mais par amour, en fait. Parce qu'il aurait mérité d'être mieux terminé, mais bon, voilà. Alors, City of Hunger, c'est quoi ? C'est un petit peu le Resident Evil 2 on mériterait, en fait, en VR. C'est un jeu qui est développé par un seul gars. Tu t'emballes un peu, Camille. La tête de Laurent, j'adore. Laisse le film. Non, franchement. Parce que, honnêtement, j'ai des arguments et je pense qu'on va pas me contredire là-dessus. C'est sur les points forts de ce jeu. Et notamment celui où il t'en met plein la gueule pendant tout le temps où ça dure. Voilà. Ouais. Tout le temps qu'il dure, il t'en met plein la gueule, il te met une pression de malade. Mais vraiment. Donc c'est développé par MVKO Studio, un studio d'une seule personne. Moi, le mec est pas emmerdé. J'ai eu très très peur au début quand j'ai vu le nom de base. J'ai cru que j'allais le mettre dans les scams de la VR. Parce que bon, le gars s'appelle Valdir de Fredla Vicente Trading. Je fais oh, oh purée. J'avoue. Oh purée. Et après, c'est AS MVKO Studio. Bon, d'accord. Alors bon, je fais quand même des petites recherches recoupées, voilà, s'il y a un lien avec ceux que je connais déjà. Bon. Ce qui est bien, c'est que personne ne le connaît, hormis lui-même, personne ne le connaît. Et ce gars-là, en fait, il a fait sa première heure d'un jeu que j'espère sortira. Ce sera un jeu format épisodique, FPS. Univers post-apocalyptique, contamination parasitaire. J'insiste, c'est pas de virus, machin, même si voilà, ses inspirations, il ne les cache pas. Et ça démarre direct. La musique est un peu forte. On a du mal à s'entendre. C'est vrai. Sur la vidéo, ouais. En vidéo, c'est très très dur au départ. Alors, c'est le jeu que tu peux pas présenter correctement, en fait. C'est parce que comme System Critical 2, il n'y a pas d'option de son. Y a, dans les options, tu n'as que New Game et Continue. Alors maintenant, il y en a un petit peu plus. Sur la Play, on peut le modifier, ça, non ? Ouais, mais si je descends le son du jeu, je descends la voix. Donc tu m'entends toujours pas, en fait. Ah ouais, oh putain. C'est génial. C'est pire. Et voilà, le bonheur. Donc moi je me suis dit allez vas-y fuck je vais gueuler et voilà le résultat. Et tu commences, tu démarres, alors on est un peu le hunk de Resident où t'es un militaire tout simplement, où t'es un peu en... tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop ce que le pilote il fait. Le seul truc que tu remarques c'est que c'est très sombre, alors le développeur il travaille dessus dans le cockpit de l'hélico et c'est très très sombre, je trouve même plus sombre que sur le trailer. C'est pour ça que je me dis qu'il va y avoir des améliorations futures. Il n'y a pas que dans le cockpit. Hein. Alors, dans le cockpit, c'est plus gênant que pour la suite. La suite, ça sert le jeu, ça sert le gameplay, ça sert l'horreur, en fait. Mais complètement. Même si je trouve qu'il aurait pu encore, mais voilà, ça fait partie des défauts qui font que le jeu, il aurait été encore meilleur dans son angoisse, en fait. Et dans ce petit hélicoptère, t'as un collègue qui tousse. Alors bon, en période de... voilà. Ça commence toujours comme ça. Il n'y a pas de soucis. Le Covidé, voilà, qui n'a pas son attestation. Le mec qui gerbe. Alors, quand il gerbe, c'est le son de la cité de la peur. Ça m'a bien fait rire. Et même qu'il l'a coupé à un moment où tu entends le début de la réplique d'Alain Chabat. Ah ouais, d'accord. Donc, ça fait. Donc, c'est assez drôle. Et puis c'est là que ça part. Hein. Bon, allez, vas-y, que je mords la jambe du collègue. Hop, il t'attaque. Et le truc déjà qui me frappe, c'est que c'est L'introduction, elle est génialissime en fait, parce que t'es dedans, tu te laisses faire. Ça n'a rien à voir avec. Il y a une touche, il y a vraiment une action en fait dedans. T'as pas l'impression d'être spectateur, de pas être vraiment là. C'est vraiment le truc te chope, te croque, tu fais voir, putain, tu t'écartes en fait. L'immersion commence direct et c'est fou. La présentation du jeu, quand tu chopes le parachute pendant que tu tombes de l'hélicoptère, t'as City of Hunger, c'est cinématographique en fait. Après le reste est moins cinématographique. Tu vois qu'il y a juste les buildings. Ouais, quand tu vois la ville d'en haut. Voilà. Il manque les routes. Alors c'est suffisamment sombre pour être à peu près crédible, quoi. On voit les buildings, on voit les fenêtres, on voit la lumière, on voit le feu. Il faut surtout pas éclairer la lumière. Oui. Je pense, mais ça sert énormément en fait. Mais il aurait dû ajuster à des moments précis du jeu. Ça va peut-être spoiler, hein, je le dis ça juste comme ça. Alors, on peut préciser, parce que tu dis ça va spoiler, le jeu dure une heure. Il dure une heure. Le jeu, alors il a duré une heure parce que la difficulté est mal calibrée à un moment, surtout vers la fin où tu te demandes où il y a des bugs. Bon, le jeu il est à son troisième patch. Je suis allé le voir à son deuxième patch, il avait pas réglé hier. Au moins il est réactif. Ah, le mec il est ultra réactif et ce qu'il améliore, ça il améliore vraiment en fait. Genre par exemple, il y avait que la rotation angulaire. Là maintenant, il a mis une fluide. Avec la puissance de la rotation, franchement voilà, les remontées il les écoute et puis il adapte assez rapidement. Et puis une fois que tu descends et que tu es dans ton quartier, on va dire, c'est là où ça commence. Alors le jeu ça va être un enchaînement. Tu vas devoir aller voir la première maison, ensuite c'est le début d'un petit chapitre. Après dès que tu es dans la maison, c'est une ambiance. Alors t'es dans la première, t'es plus dans une ambiance zombiesque, on va dire, où tu vois tu découvres un petit peu ce qui t'attend, le danger qui est devant toi, parce que bon au début c'est des petits zombies, c'est sympa et tout. T'es en premier contact avec les parasites et c'est comme d'habitude, la mise en scène est folle en fait. Tu vois, c'est pas comme je prends l'exemple de Reach où tu regardes derrière une vitre, tu vois un JPEG dégueulasse. Là tu regardes la vitre, tu vois les zombies qui sont dehors. Vraiment, et qui commence à vraiment se multiplier, quoi. Enfin, il y a un effort qui est fait, quoi. Ouais, et le côté sombre, en fait, c'est là que c'est pas mal. C'est parce que, bon, déjà, le personnage est lent, tu peux pas courir. Je trouve que, alors au début, c'était chiant, au final, c'est pas mal. Parce que ça. Ouais, je trouve que c'est bien. Ouais, ouais ça. Tu te sens, en fait, pression, tu te sens quoi. Vraiment. Voilà. La musique est très très bien, très cinématographique. Et c'est surtout que les zombies, quand il y a des effets de lumière qui sont très très jolis, les gyrophares, tout ça qui. Enfin, c'est beau. Là où il y a de la lumière, c'est franchement beau. Ouais. OLED, HDR, ça aide. Pas de Murat, mais des noirs, mais franchement de fous furieux. Et les zombies bien faits. Pas des zombies copier-coller. T'as vraiment une variété et tout. Et un petit peu plus. T'en as même un qui est. C'est le flic sur qui tu récupères ton gun. Le premier gun que. Enfin, non, le seul. Non, le premier gun. Et tu le revois un peu plus tard. Donc, sous une autre forme, c'est assez sympa. Et en fait, chaque maison, ça va être un petit peu un petit bonbon, en fait. Une ambiance différente. Tu vas avoir une ambiance zombiesque et tout qui va te stresser. Les zombies qui vont entrer en masse. Un effet de rouge, mais qui est très. Qui est vraiment pas mal, comme si t'avais du sang sur le casque. Et quand tu ressors, tu vois une survivante qui va dans une autre maison, et dans l'autre maison c'est une ambiance beaucoup plus horrifique, tension calme mais tension quand même, avec le fameux parasite. Et tout ça ça s'enchaîne. S'il n'y avait pas de bug, notamment celui où tu sors de la première maison, où tu traverses la map, tous ces petits trucs là. Ah, tu l'as pas eu? Non, j'ai pas eu celui-là. Mais, mais ça me fait marrer que tu dises s'il y a pas de bug. Parce que, même au-delà de ça, c'est que tu sais pas si le jeu, c'est parce qu'il est dans cet état qui te met dans ce stress et que tu te rends compte que tu sais même pas où est-ce que tu dois aller. Mais je crois qu'il y a de ça en fait. Et ça fait partie, tu l'as dit d'ailleurs dans la preview, de ces jeux comme Survivy où en fait, de par le fait qu'ils soient cassés, qu'ils soient pas hyper polish, ça rend de la difficulté. Je te prends un exemple. On n'a pas la possibilité de se baisser encore. Et j'ai dû, moi, régler la hauteur du plancher dans les paramètres PlayStation VR pour que je puisse récupérer des trucs au sol. Parce que quand j'ai frustré de pouvoir ramasser les flingues ou les trucs, j'étais là en mode... C'est stressant. C'est mais oui. C'est stressant. Ça rajoute. Ils avancent vite, ces cons-là. Ils sont lents, mais ils avancent vite. T'as un mode saisie de loin. Oui, alors je pense qu'il l'a ajouté. Il l'a ajouté avec... Moi, en canapé. Dès le début, je l'ai eu. Non. Non, pas en canapé, justement. Ouais, c'est un faut peu bizarre, viser, faut mettre... En fait, Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça le problème des jeux où tu dois bien pointer où ta scène dans le bon angle. Je trouve que c'est hyper galère. Il faut que t'attendes que le truc soit bleu pour pouvoir le saisir. Mais en attendant, tu te fais bouffer, quoi. Se mettre en surprise. Ah, ouais. Bah, justement, ouais, dans ma preview, bah, il y avait le marteau. Bah, c'est là où je trouve les premières armes, les munitions dans le coffre de la bagnole de police. Et bah, je fais tomber le marteau par terre. Et puis, quand je vais pour le ramasser, bah, je vois 6 pieds qui sont à côté. Ah! Parce que franchement, c'est un régal. Ouais, et c'est très dynamique et ça te met pas mal la pression sur l'apparition de. Ah, elle est partout. Et il y a beaucoup de zombies en fait. C'est des hordes. C'est vraiment une horde. Même, je dirais que ça. Elle est meilleure, la horde. Enfin. Elle est différente, mais que Walking Dead, Seth and Sinner. Surtout à des moments. Non, surtout à des moments précis. Je sais pas si t'as été jusqu'au moment caviar où. Tu ouvres le garage. Spoil. Ouais, si. Bah, juste avant, j'ai galéré. Purée, mais quand tu l'ouvres, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Une pression. Non, mais t'es bien content. Constante. T'es bien content qu'il y ait des bugs au final, au niveau des portes et qu'ils s'agglutinent et qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Parce que putain, s'ils arrivent à rentrer. Ah oui. Bon, faut faire gaffe parce qu'ils arrivent à te shooter derrière les murs et les portes. Je suis mort comme ça. Je suis mort comme ça. Ah voilà. C'est du survive. Alors, bah, c'est ce que je dis, c'est du survive mais en beau, en fait. Non, c'est un jeu qui mérite. En vrai, c'est un jeu qui mérite le détour, comme tu l'as dit. Il est pas parfait, mais en soi, il mérite de l'attention. Après, faut voir le prix. C'est quoi? C'est 12 euros et quelques. C'est 12,50 euros, je crois. 99, 13 euros. Bah, par rapport aux arnaques qu'il y a eu sur PSVR2 et même sur PC sur des jeux de shoot de zombies qui étaient vraiment dégueulasses, là, celui que. Je sais plus du tout comment est-ce qu'il s'appelait, ça se passait dans Aurore VR Adventure. C'est toi qui avais fait le test. Deadland, ouais, voilà. Les arbres, c'était du JPEG, c'était catastrophique au niveau des animations et puis des modèles. Celui-là, il donne carrément plus envie quand même. Hein. Bah ouais, mais surtout que t'as là un truc qu'il a récupéré de Killing Floor. Il y a le ralenti. Ouais, il y a du coup, ça marche plutôt. Oh la vache! Il a l'air super sympa. Quand tu fais popper les têtes, c'est jouissif. Par contre, c'est facile de viser à côté de la tête. Ah oui, lâche, c'est le mieux. Ah oui, franchement, alors t'es pas fatigué, t'es pas. Il y a pas de physique comme Seth and Sinner. Elle casse au bout d'un moment. Moi, j'ai eu mon marteau qui a pété à un moment donné. Ah bon? Ouais, il me semble, ouais. C'est un bug. Ah bah, moi, il est... Non, c'est un bug. Ou alors, il est passé à travers la map. Ah, moi, je l'ai bien gardé, hein. Je peux te dire merci à lui, hein. Parce que ça fait bien le ménage. J'ai fait à la hache. Putain, slash. Tu peux garder tes armes, d'ailleurs. Enfin, ton flingue, ouais, oui, mais. Ouais, t'as des holsters, quoi. T'as deux holsters et après, t'as tes mains. Et à la manière d'un Alix aussi, tu peux mettre au niveau de tes poignets, c'est ça? Non. Ah, ça, j'ai pas essayé, mais je pense pas. Si, je crois. Je pense pas. Il me semble que pas. Si, hein. Attends, c'est où? Si, je il l'ai semble vu. Que si, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Tu peux perdre ta lampe torche. On peut pas le faire. Si, on peut. Ah merde. Par contre, tu peux perdre ta lampe torche. Et ça, c'est galère. Ouais, ça, c'est relou. Si tu la décroches de ton crâne, tu peux la prendre en mode Resident Evil avec ton gun par-dessus et au-dessus de ton autre main. Mais si tu la fais tomber, bah, tu peux la laisser là. Ça, j'avoue. Il faudrait peut-être. Elle revient si tu l'as pas. Aïe. Aïe. Bon, en parce tout que cas... voilà, c'est franchement la petite pépite. J'ai honnêtement à chaque mise à jour, j'ai envie de refaire parce que je veux voir s'il a résolu les problèmes de certains moments. Il y a vraiment des 2-3 trucs qui vont pas. Là où ça m'a un petit, je vais lui écrire parce que là où ça m'a un peu saoulé, c'est justement le côté qui a un peu rebuté d'autres testeurs qui se reconnaîtront sans doute. C'est que bah, au départ, tu sais pas vraiment où aller. Et je trouve que c'est vraiment le truc. C'est ça, en fait, l'angoisse. Bon, c'est ça, l'angoisse. La zone n'est pas hyper grande non plus. Hein. Enfin, je veux dire, Non, mais le fait que tu puisses pas courir, le fait que ça soit lent, qu'il bah, y a quand même du monde. Hein, qu'il n'y ait pas d'ATH et qu'il n'y ait pas de point d'objectif. Enfin, si, oh, en, putain, en plus, hein. En vrai, il a rajouté une flèche. Il a rajouté une flèche sur la première maison. Ouais, je vais lui dire de virer tous. Il faut qu'il vire ça. C'est l'assistanat de ces dernières années, tu vois. Les mecs sont perdus. Ils savent plus comment ils s'appellent. Alors, je ne suis pas d'accord. S'il a rajouté une flèche pour l'avoir testé tout à l'heure, je ne l'ai pas vu. Ou alors il l'a viré dans le patch 3. Ça n'a pas fonctionné correctement. C'est le premier, The Host. La toute première maison. Je suis resté un quart d'heure. Un quart d'heure dans le... dans la rue au début. Et pourtant, je suis parti tout droit en fait et j'ai pas vu où fallait aller. Pourtant, dès que t'arrives devant le palier de la maison, ça popait, je tranchais. Sans mettre une flèche, normalement, dans le game design, tu rajoutes une lumière, c'est. C'est ça son problème. Une colorimétrie un petit peu. Un truc qui attire l'œil. Exactement. Et c'est ça son problème. Oui, parce que tu peux pas fermer les portes. C'est le level design. Tu peux pas les ouvrir ni les fermer, les portes. C'est vrai que ça, c'est un truc qui te manque un peu parce que quand t'as envie de te barricader dans une pièce parce qu'ils arrivent à fond la caisse. Le script. Ouais. C'est la porte, elle se referme toute seule et tout. Et puis oui, c'est ça le problème parce qu'il y a un moment donné, un petit peu plus loin, où tu sais pas trop où aller, mais après bon tu le découvres assez rapidement parce que bon ça reste quand même très linéaire, mais on va dire que le scénario qu'il a prévu te montre un petit peu où tu dois te diriger, voilà. Et il y a un moment donné, c'est un petit peu la faute où tu vois des flèches sur les murs, genre c'est pas de ce côté-là, c'est là que tu dois aller, et il te montre pas ce que tu dois faire. Tu le déduis, mais voilà, c'est le level design et... C'est de la survie, hein. Ça fait un peu Left 4 Dead. Left 4 Dead, quand t'arrives dans certaines zones, t'as des flèches, ça fait partie du scénar. Ouais, mais dans le type vraiment de jeu apocalyptique, avec le ton du jeu, je trouve que c'est une fausse note, un peu. C'est vraiment le level design, il doit te dire où est-ce que te le faire comprendre. Relativisant aussi sur le fait que le mec est tout seul. Quoi. Oui, le mec est tout seul. C'est des erreurs de jeunesse, on va dire. Après, à ce moment-là, on va dire que vu que le jeu est sombre, c'est là où il pourrait te faire comprendre que la solution, c'est pas de redescendre, c'est plutôt d'aller ailleurs. Et vu que c'est sombre et que tu vois pas vraiment les zombies qui sont en bas, si justement il y avait un petit peu plus de couleur, je sais pas, un truc qui prend feu et tout, et tu vois, tu fais « Ah ouais, en bas c'est la merde, on va tenter autre chose, on va aller un petit peu plus loin. » Et au final, il n'y a qu'une seule solution, c'est ça. Donc tu le déduis. Mais vu qu'il y a des petites erreurs, des lumières qu'il devrait en mettre un petit peu plus là, pour faire comprendre un petit peu aux joueurs où aller. C'est pas plus mal à la limite que ce soit un premier épisode, comme ça il se fait un petit peu la main dessus, il essuie les plâtres et puis... Toutes ces petits trucs là, ils vont remonter par sa communauté et je pense que ça donnerait en tout cas j'espère un deuxième épisode qui sera bien plus intéressant, quoi. C'est ce que j'avais demandé. Franchement, on sait combien d'épisodes sont prévus? Pas du tout, il est très ça dépend s'il si a encore quand il envoie des messages, c'est mois, une phrase, hein. C'est ça, c'est une phrase. Mais franchement, sans spoil, avec ce qu'il y a à la fin, oh purée. S'il fait un deuxième épisode ou alors un premier épisode, parce que là c'est plus un épisode 00, quoi. Honnêtement, ça va être une dinguerie. Ça va être une zinzinerie, quoi. Vraiment. C'est... Une zinzinerie. Une zinzinerie. c'est zinzinerie. Voire même, ça va dans un autre registre. Ça peut aller dans un autre registre. Et c'est très intéressant. Et c'est surtout que la fin, comparée à d'autres jeux, et ça peut faire une transition, si tu veux. Les derniers niveaux de certains jeux sont pas forcément les meilleurs, alors que lui, de bout en bout, même si ça dure une heure, il l'a fait. Il maîtrise les ambiances, il maîtrise les graphismes, il maîtrise les textures. Moi, ça me fait un peu peur que ça fasse. Pourquoi tu... Parce que je vais le défendre contre vents et marées. Ouais. C'est ça. Ah, d'accord. Parce que ça n'a rien à voir. Je regarde les animations. Graphiquement, ça n'a rien à voir. Mais d'accord. Il est quand même. Lolo, le petit robot. Non, ça n'a rien à voir. Mais graphiquement, ça n'a rien à voir. Les animations des zombies, je pense que. Alors, soit il a trouvé une banque pré-enregistrée de mocap d'animation. En fait, le côté positif, c'est un test de. Un jeu qui dure une heure, je vais en parler trois. Une heure. Pas loin. Non, en fait, le truc qui est un petit peu. Qui me désole beaucoup, mais bon, en même temps, quand je vois ceux qui mettent 8,8 sur 10 à Cosmodred, j'ai un petit peu une idée du gars, mais... sur Quest. Attention. Non, sur PSVR2. Ah bon, d'accord. Voilà, sur PSVR2. Non, non, c'est... PSVR2. En plus, c'est quelqu'un qui parle que du PSVR2. De toute façon, c'est pareil maintenant. Et, hein ? C'est pareil maintenant, de toute façon. Et qu'il n'y a pas de parole. Et qu'il n'y a pas de parole, il est sans parole. Et maintenant, il a son système de petites patounes, de petites pizzas. Et, mais on vous dira pas. Et il lui met c'est, une pizza, voilà, une pizza sur 3 ou 4, je sais plus. Et bah, il se fait défoncer là, il se fait défoncer par nos amis québécois. Et après, sur le PlayStation Store, j'ai été voir tout à l'heure. Purée, le nombre de une étoile, les gens ils ont pété un pont. Il y a 22% de une étoile, je crois. Bah, et après, c'est peut-être. Et t'as, c'est t'as, peut-être que t'as c'est plein un de 5 étoiles, hein, t'as rien entre les deux. Hein, mais... Ouais, mais après, bah, c'est soit 5, soit 1 en fait. C'est ça. Mais forcément, c'est pour. Bah, c'est ça qui est un peu dramatique parce que voilà, il y a des jeux qui mériteraient, je pense, en mon sens, de se faire défoncer parce que tellement que ça a été une hype, c'est un soufflet, on te fait gonfler la hype. Par exemple, comme pour Reach, hein. Reach mais il me laisse complètement mais de transition. Marbre. Sif. Non, franchement. Sif VR, un petit peu parce que moi j'affectionne la licence, transition. Mais. Voilà. Restons dans le sujet. Pour le comparer à un jeu qui, bon, je pense, est assez similaire. Propagation. On va dire, d'un point de vue, ouais, exactement. Oui. D'un point de vue durée de vie et d'un point de vue ambiance, par rapport à Propagation VR, Paradise Hotel, on est quand même. Enfin, j'ai l'impression. Ah, j'ai du mal à les comparer mais... quand même. C'est pas les mêmes jeux. On est en dessous, mais on est sur la même ambiance, durée de vie. Ouais, mais t'es sur Propagation, c'est 2 heures. D'un chapitre de Propagation, en fait. Ouais, mais Propagation, t'as un ton. Premier run, c'est 3-4 heures. Hein. Propagation, t'es sur un truc un peu plus histoire, narratif, plus posé. Là, t'es un truc en mode c'est de la survie. Il y a un petit peu de narration, mais on t'en voit plein la tronche, comme t'as dit Rocco tout à l'heure. Tain, c'est dès le début, ouais. On te lâche pas, et en fait, t'as jamais le temps de te poser, en fait. Il y a aucun moment où tu fais le check-up de tes missions. Ah, et puis, il y a un petit mini-jeu. Il y a un petit mini-jeu, il y a une borne d'arcade Resident People. Ouais. Ah oui, et People. En fait, tu joues à Resident Evil 1, en fait. Mais vraiment, le tout mais premier. Mais en regardant derrière toi toutes les deux secondes, quand même, parce que t'es pas bien. Est-ce que tu te dis, ça jamais. Ouais. J'ai fait le ménage avant, histoire d'être tranquille, parce que sinon, tu finis pas le jeu. Mais ah, parce qu'ils peuvent t'attaquer pendant que tu joues, du coup Si tu fais ménage, non. Avec la démarche du bonhomme, ouais, parce qu'il y a tout est scénarisé, donc une fois que voilà tu passes un certain stade, et il y a des zombies qui arrivent, tu fais le ménage, tu retournes sur la borne d'arcade et puis tu peux te faire facile 20 minutes 30 minutes de jeu au stick. C'est le jeu dans le jeu, ça rajoute de la Faut espérer qu'on ait des suites injouables possible. Ouais. Ah purée, je prendrai des nouvelles. Je prendrai des nouvelles de ce gars-là. Et je lui recommandais 2-3 petits trucs. Hein, mais après, sans le diriger non plus, mais le conseiller un petit peu. Quoi. Non, mais déjà, virer cette flèche. Enfin, je sais pas, on n'est pas dans Crazy Taxi. Tu vires ta putain de flèche. T'es sur un Survival Horror. Enfin, je sais pas, sur Silent Hill F, ils ont mis des flèches. Ils ont pas mis de flèches. J'y ai joué tout à l'heure, je l'ai pas vu. Ah, puis, bah, c'est pas comme si la map elle faisait 2 hectares, quoi. Mais non, mais t'as des mecs, mais le game over, ils le supportent pas, tu vois. C'est comme le non. Il y a des gens, ils supportent pas qu'on leur dise non. Ils supportent pas l'ennui. Il faut que ils soient stimulés tout le temps, sinon. Pourtant les zombies ils apparaissent hein. T'es jamais tranquille, jamais, jamais. Stimulé. Ah, c'est surtout à la deuxième, j'ai dit la mi-partie, la moitié de l'épisode, là ça envoie mais du pâté hein. tu accélères le rythme hein. Mais vraiment c'est physique quand même, moins physique que certains, moins physique que God of Reef sur certains niveaux, mais c'est surtout stressant, en fait. C'est dès que ça commence à arriver et que ça pète les vitres, et encore c'est tout est bien foutu, mais tout est bien amené. Et, c'est quand tu commences à te poser sur tes lauriers, à prendre le temps de respirer, que le screamer arrive parce que tu te retournes et il y en a un, il est sur tes côtes. Quoi. Et ça, c'est intéressant. Exactement. Ça, c'est intéressant pour le coup. Mais il propose plein de trucs, il a l'histoire, il a tout. Franchement, là, il a tout pour démarrer un épisode 1 et je pense qu'il faut qu'il fasse comme ça. Ça serait bien que ce gars-là essaye de postuler chez Wanadev, justement pour faire la suite de Propagation, parce que clairement, le mec, il a des références. Non, mais il a des références, il sait mettre en scène, il sait mettre de l'ambiance, il a des idées. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il a de l'argent ? Je sais pas si WanaDev vont perdurer dans la production VR console, enfin en tout cas support. Bon après non, je veux pas faire des clichés. Sale VR. Je veux pas faire des clichés, mais il a pas l'air d'être en Europe, le gars, vu le nom, mais bon, ça veut rien dire. Hein. voilà, peut-être que. C'est un nom de scène. Je sais pas, hein. S'il se fait de l'argent ici, peut-être que ça fait x12 là où il est actuellement, donc je sais pas. Bon, en tout cas, mais... si le jeu vous plaît, le prix, si achetez-le. Vous, si vous voulez la suite, voilà, achetez-le, envoyez le message que achetez-le. Vous voulez connaître la suite de l'histoire. Ça sera le meilleur moyen pour éventuellement. Mm. Voir un deuxième épisode arriver. Puisqu'on est dans le noir. Le prix. On l'a dit 12€. 12€ et quelques. 12€50. 12. Pour une heure. 12€. 12€. Puisqu'on est dans le noir, si vous me permettez, messieurs, on va passer sur un jeu qui lui aussi a un côté sombre, mais un peu plus discret et infiltration. C'est Caviar qui s'y est collé là aussi. Grosse production, puisque c'est Vertigo, je crois, qui édite, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Grosse promotion, on en a entendu beaucoup parler. C'est Sif VR, Sif, une vieille licence qui est remise au goût du jour et en réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça a donné pour toi Caviar? Ben alors moi, comme je le disais dans la preview, je suis pas du tout aux premières heures de cette licence, parce que déjà j'ai pas l'âge, un, et deux... Calme-toi. Prenez ça dans la tronche. mais en tout cas, merci Elroco de m'avoir partagé un petit peu les vidéos avant que je me lance dans l'aventure, pour pouvoir comprendre que FIF a été vraiment précurseur sur pas mal de choses sur les jeux d'infiltration et qui a été le papa spirituel de plein de jeux qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur le système de détection, les ombres, alors que les ombres on va en parler, qui sont du coup pas très bien respectées ici aujourd'hui, parce que tu dis les noirs mais au final je les cherche toujours. Les gris. C'est Christian Grey. Mais en tout cas, voilà, FIF VR, qu'est-ce que c'est? Donc on est un voleur qui va devoir arpenter différents niveaux et soit vous avez la possibilité, bien évidemment, dans les jeux d'infiltration d'y aller un peu en mode bourrin ou pas du tout. Donc je vous déconseille d'y aller en mode bourrin parce que le jeu n'est vraiment pas prévu pour, notamment sur son système de combat qui est affreux au possible. Et aussi l'animation des ennemis qui est catastrophique. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment plus dérangeant, c'est vraiment ces visuels où on retrouve une espèce de patte, je dirais Vertigo, parce que ça leur ressemble quand même, hein, d'avoir des gris comme ça, ou une espèce de voile, un filtre très bizarre. Je suis assez d'accord. Et au-delà de ça, on reconnaît de toute façon leur texture. Hein. Moi, quand j'étais dans le jeu, je trouvais que j'avais des mains énormes, les textures sont assez grossières. Donc je pense que tout ça, c'est de l'économie de ressources pour pouvoir tourner sur plusieurs plateformes. On vous dirait que c'est un peu une vieille rengaine et qu'on est toujours sur ça, mais pourtant, c'est la vérité. Donc voilà, FIF VR, il a déçu, il a eu beaucoup de bugs, il a eu beaucoup de patchs. Il s'est un peu amélioré, mais malheureusement, je crois que Gantz et Elroco, vous êtes allés au bout de l'aventure, ou en tout cas, toi, Elroco. Oh oui, j'ai fini. Et en fait, tu peux même pas finir le jeu, c'est ça aussi. Si je dis pas ça, tu peux finir. Si, on peut, mais si. Sans aucun problème, et c'est ça le problème, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Il est trop mécanique. Il est beaucoup trop mécanique, en fait, une fois que tu commences à comprendre les deux mécaniques du jeu. Et ben. Presque l'arc, t'as même pas besoin de l'utiliser, même si tu joues dans des modes de difficulté où c'est vraiment t'es complétiste, t'en as pas besoin. Et l'arc est iconique en plus, hein, qui est iconique de la licence, si j'ai pas de bêtises. Mais tu ne l'utilises quasiment pas, sauf, sauf pour peut-être les cordes, pour essayer de choper des trucs en hauteur. Ou pour brûler. Ouais. Ou essayer peut-être de se faire des défis, par exemple, comme terminer les niveaux sans assommer aucun garde. Tu peux aussi, c'est ce qui te permet de gagner un peu plus de points à la fin de la mission. Mais si tu joues venir sans être complétiste normalement, tu vois quand même vraiment les limites du jeu. Il y a zéro difficulté vraiment, c'est l'infiltration pour les nuls quoi. Mais personnellement, je l'ai trouvé quand même assez plaisant à terminer. Et puis même si t'es un petit peu dans des pantoufles quand tu parcours le jeu, tu prends quand même ton pied à essayer de niquer l'IA, à essayer de. Tu te sens fort en fait. Tu te sens fort, t'as pas de difficulté. Le jeu, moi je le trouve plutôt joli. Alors il est très très simple. C'est un jeu qui est développé sur Quest, pour le Quest, c'est-à-dire pour ne pas prendre beaucoup de place sur une mémoire interne. Ça se voit carrément, même sur PC. Hein. Mais bon, tu termines en 6 heures à peu près, ouais, 5-6 heures. Et est-ce que t'as la possibilité de. Parce que je crois que c'est quelque chose qui avait été. mis en avant. Est-ce que tu as la possibilité de choisir différents embranchements? Est-ce que ça se complexifie un peu dans les niveaux suivants? Alors oui et non. Oui et non. Vas-y, essaye, vas-y. Bah, ça restera toujours, tu arrives tu démarres du point A, faut aller au point C en passant par le B, C, D, etc. Et t'as quelques endroits un petit peu cachés, mais non, ça reste vraiment optionnel en fait de passer par d'autres endroits. Moi quand j'y ai joué, j'ai beaucoup comparé à Vampire Justice. Ouais, justement. Qui lui est autrement plus complexe, plus intéressant et plus recherché au niveau du level design quoi. Okay. Que Sif. En tout. Je l'ai commencé du coup, parce que je l'ai pas encore fait moi, Vampire, et suite à le fait d'avoir fait Sif, du coup, je l'ai lancé, et effectivement, j'ai fait le début. Deux salles, deux ambiances. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est un peu et le... pourtant, il est pas exceptionnel. Non, il est pas exceptionnel, mais juste, il est efficace. Ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais. Tout, Vampire. Ça a l'air plus vivant, quand même, Vampire. Ouais. Et il est en plus, il est un peu long, ouais. Non, plus vivant. Vivant. Plus violent, vivant. Vivant. Bah non, on est un vampire. J'allais le dire. C'est vrai, c'est pour ça que je comprenais pas. voilà. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire dessus. Ouais, niveau durée de vie, on est sur quoi? C'est du foutage de gueule, niveau... 5-6 heures. Les deux derniers niveaux, quand même. Il faut quand même le souligner. Recyclage. Le foutage de gueule a été multiplié par deux, et encore plus gentil quand tout était. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de test. Bugué. Il n'y a pas eu de test. Bon, on peut le faire là. Hein, Il tient absolument avec un verre. Non, justement, en vrai, je comprends. Si c'est trop cassé, t'as pas envie de le faire, quoi. À un moment donné. De toute façon, t'as quoi? T'as 7 niveaux, c'est ça? Et t'en as 5? Non, voilà, t'en as 5 en vrai. 5 originaux et 2 recyclages. De fin, c'est rien du tout. Mais le boss de fin violent, ridicule quoi, au possible, hein, par contre, vraiment, ça abusait. Le quoi? Je l'ai pas vu. Et toi, t'as vu un boss de fin? Ah, tu parles des runes où il faut poser la main, ouais, ça. Voilà, ok. C'est ça que t'appelles le boss de fin, d'accord. Okay. je crois que c'est 1 minute et 30 secondes. Alors, quoi, après, oui, c'est ça. Ouais. T'as fini. Est-ce que ça veut pas dire que les gens finissent pas leur jeu et que bon, finalement, le boss de fin, on s'en fout? Mais je veux dire, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme ça. Tu as un arc avec des flèches, avec un système en plus de... Tu peux geler tes flèches, tu peux les enflammer, tu peux faire plein de trucs. T'as un boss de fin, tu t'as pas besoin de ton arc. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait là, sur ce coup-là. Bah, les flèches de feu, hormis pour défoncer les bannières, certaines bannières, bah, c'est un objectif secondaire, hein, crame les bannières, machin. Objectif secondaire, du gars, t'en as pas besoin pour faire le jeu, quoi. Non, parce que c'est rare que tu rallumes un brasero ou un truc comme ça, mais... C'est même rare que tu l'éteignes, hein. Moi je n'ai quasiment éteint aucun. Si tu veux tenter une infiltration vite fait sur un endroit, si, ouais, c'est plus pratique. Il y a des niveaux qui sont mieux que d'autres, mais voilà, les meilleurs niveaux, et encore je dis, c'est pas des niveaux excellents, mais t'as ceux qui te permettent d'aller un petit peu plus, soit pas un peu à droite, un peu plus à gauche. Avec des possibilités même d'attaquer l'infiltration sur les toits, parce que tu peux grimper sur les gouttières et tout, donc tu peux ouvrir les fenêtres, ça marche plutôt bien. En fait, ce jeu-là, ouais, il tire sa puissance en fait sur deux niveaux grand maximum. Et c'est surtout le loot qui fonctionne très très bien dès que tu commences à... Enfin, si t'es quelqu'un qui adore ramasser... Si t'es un raton laveur, tu aimeras Sylvia. J'ai remarqué aussi, le jeu il joue beaucoup là-dessus. C'est un truc tout court, c'est juste ramasser des pièces, ramasser des gobelets, ramasser des cendriers. C'est Grab Simulator, quoi. Exactement. C'est ça. Mais... Ah ouais, quand tu veux faire le 100%, il y en a un paquet. Quel intérêt? D'avoir le 100%. Le platine. Ça touche un truc dans ton cerveau, en fait, comme tu dis. La collectionnite, quoi. Le sentiment de satisfaction. La dopamine. D'avoir accompli quelque chose. Ça stimule le raton laveur en toi, toi. C'est tout le truc des jeux mobiles, hein, finalement. pour revenir au fait qu'on dit que le marché se dirige dans cette direction. Les jeux mobiles, c'est de la dopamine injectée en direct. Et on te gratifie. Une fois, je tombe sur une pub, je sais plus c'était pour faire quoi. Pour faire un montage. J'utilise une appli que j'ai pas l'habitude d'utiliser, il me claque une pub, et là tu tombes sur les petits jeux à la con, et je me suis pris au jeu en fait, et j'étais là en mode, j'ai culpabilisé en mode. Ah ouais, que tu regardes, que ça tire sur des trucs. Mais oui, merde. Mais non, tu fais piéger. Ils savent comment faire, hein. c'est trap. Mais du coup, ouais, trop cher pour ce que c'est alors ce FIF, finalement, il est combien 40 euros. Il est vendu Il y a 40 euros aussi. Ah, 40 euros 40, je crois. Ouais, 30, baf en ce moment, 30 euros sur PC. Ah oui, non, mais attends, il y a la taxe Sony. Non, mais. On va dire que maintenant, en l'état, voilà. 40 ouais, en l'état, ça vaut. 40, c'est cher. Non, en l'état, c'est ça va. En l'état, ça va, on va dire. Ah, vous êtes pas d'accord. Ça dépend pourquoi tu vas, quoi. Bah, en fait, avant, je le mettais à 20 balles parce que c'était foutage de gueule complet. Après, maintenant, le jeu il fonctionne. Ah, maintenant qu'on peut le finir, du coup, il prend 10 balles. Parce qu'on parle de l'aspect survie, tout ça, mais du coup, l'histoire elle est intéressante. Enfin, genre, t'as été transcendé, il se passe quelque chose. Enfin. Alors, oui et non. Voilà, c'est ça aussi. Il y a des rappels aux anciens SIF. Ouais. Mais clairement, c'est pas pour. Enfin, le personnage principal que t'incarnes est pas sympathique. Transparent. Totalement transparent, t'es pas impliqué dans l'histoire. Le méchant est caricatural et vraiment, c'est du. Mmh. Ouais, c'est du méchant Vertigo, quoi. Méchant, je suis méchant, t'es pas gentil. Que tu commences à voir de loin dans des scènes où là, tu peux pas t'approcher, il peut pas te voir. Et puis après, face à face finale. Ah, mais il peut pas te voir. Ça fait un peu le petit. Ça fait un peu le petit bourgeois. Tu sais, le petit bourgeois qui a envie d'être méchant, qui veut faire sa petite collection. On je vais prendre vu, toutes les rues. On l'a déjà vu, ce méchant. Vu et revu, quoi. C'est... Ok. Non, c'est pas pour ça que tu le fais. C'est vraiment juste si t'es en manque de Dishonored ou de Vampire et que t'as envie de te faire un petit jeu en VR dans ce délire-là, c'est un bon palliatif, quoi. C'est, t'as ta petite dose, t'es content. Et, ouais. Bon. Mitigé du coup, et on est sur un El Rocco qui dit le prix est bon, sur un Sei qui dit non c'est pas bon, trop cher. Mitigé. Gantz, tu l'as fait toi? Ouais, tu l'as fini aussi. Ouais, je l'ai fait, ouais. Et toi du coup, pour trancher en 4h30, bon je l'ai un peu rushé le jeu, parce que j'ai fait pour donner un petit coup de main un petit coup de main Solus, qui au final le coup de main qui a servi à rien, mais ah bah ouais, mais bon ils ont sorti un patch au bon moment. Je l'ai fait sans chercher à tout collecter, je l'ai suivi l'histoire et ouais effectivement j'ai dit ouais 4h30 je l'ai fini et moi ce qui m'a interpellé c'est quand j'ai vu ta vidéo de Solus où là les noirs sur les captures sont noirs. Ouais. Si on avait ça en jeu, ça aurait été mieux. Mais c'est... Parce que là, en pas fait, dans t'es dans le noir, c'est gris, en fait. T'as l'impression d'être visible comme... tout le temps. En fait, les mecs t'as pas de système de lampe torche. T'as pas de système de lampe torche dans le jeu. Ouais. Et tu vois si tu es dans l'ombre ou si t'es dans la lumière en jeu uniquement avec le truc que t'as sur ta main. Et il y a que ça. J'ai jamais regardé, moi. Il y a que ça qui t'indique. Mais t'es obligé de le regarder et si puis, tu ouais, veux voilà. Vraiment fufu. Mais c'est ça, parce que tu peux pas te rendre compte en fait avec la lumière que t'as dans le jeu. C'est ça, si t'avais une vraie lumière, tu pourrais vraiment tryhard au possible sans regarder la montre et vraiment te dire ok, lui là il est bien dans l'ombre, c'est sûr qu'il me voit pas. Te tromper parfois, mais pas tout le temps. Là tu te trompes tout le temps. C'était bien délimité, toi. Un truc à la Splinter Cell à l'ancienne, tu vois, avec une zone d'ombre dans l'ombre, une zone dans la lumière, vraiment dans la lumière. Là c'est tout dans des. Voilà. Ouais, c'est des nuances de gris, quoi. Ouais, tu fais pas la différence si t'es dans la lumière ou pas. Ouais. Et le truc, c'est que l'IA est tellement conne qu'au final, même si tu te fais repérer, tu fais 3 mètres, tu vas te planquer dans un truc, et on te voit, hein, mais t'es juste en dessous, t'es sous la trappe, bah, les mecs, ils te voient plus. Ouais. Coucou, je suis plus là. Ah oui, ils te voient en face, t'es à 2 mètres 2, face à face, ils te voient pas. C'était le même problème dans Métro, il me semble, au niveau des noirs et tout, ce côté gris. Et on avait pareil. C'est bien pire dans SIF. Oui, c'est pire. Et on avait pareil. Ah oui, carrément. Ils ont 80 de FOV là, tu vois. Ah ouais. C'est que ça. Et on avait pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Phasmophobia, on avait une version, je me rappelle sur PC, on avait des noirs qui étaient noirs, et on avait un peu le même problème sur PSVR, où on arrivait à voir en fait. Oui. Souviens-toi, c'est quand on jouait ensemble, des zones qui étaient censées être complètement dans la pénombre, en fait, que nous on arrivait à traverser sans torche, en fait, et que toi, par contre, impossible. Je trouve ça bizarre, en fait, parce que c'était plus le quest qui était fait pour qui est beaucoup plus gris. Et normalement, on a été plus habitué vraiment au noir profond, quoi, en fait, avec le PSVR. Est-ce que c'est le jeu qui est calibré comme ça, tout simplement. C'est parce que j'allais dire, est-ce que le HDR est pris en charge, est-ce que l'OLED est bien aussi géré. Parce que, je pense pas. Hein. Pour prendre un jeu qui n'a rien à voir, Umami Grove. C'est noir. Hein. Ouais, bah ouais, il y a quatre couleurs. Les noirs sont noirs, hein, pour le coup. Et il y a pas de problème de filtre gris, de voile gris ou tout ce que tu veux. Et c'est un jeu qui est pas beau non plus. C'est réel. Oh, bah bon. Du coup, non, mais c'est pour ça. L'effet Resident Evil dans les Resident Evil, c'est un peu pareil. On a cette espèce de côté noir gris qui est pas vraiment noir pour certains passages en fait. Et j'arrive pas à savoir en fait comment c'est géré. Si c'est un filtre, une surcouche qui a été mise par-dessus, mais c'est vrai que c'est... Mais dans Resident Evil, c'est pas un problème, quelque part. Parce qu'il te voit quand même. Non, ouais, ça dépend. Ouais, mais ça dépend des... On va dire ça dépend des passages. Enfin, ça sert pas, en fait, le gameplay du jeu, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, voilà. Enfin, quand c'est arrivé, effectivement, c'était pas quelque chose d'indispensable. Mais là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, enfin... J'arrive pas à percevoir que les mecs qui ont essayé le jeu, ils se sont dit, bon, c'est bon, les gars, la pénombre, il faut qu'on se cache, ça va, c'est ok. Non, mais non, c'est pas ok, parce qu'on voit pas les zones par rapport au jeu normal. Mais parce que les mecs qui essayent les jeux, c'est les mecs qui les font, et les mecs qui les font, c'est des mecs qui jouent pas. Donc, en fait, c'est... Bien résumé. Exactement. Ouais, faire un t-shirt. Mais ils l'essayent quand même, enfin, je veux dire, ils y jouent, donc ils doivent bien se dire, putain, mais on te dit, va te cacher dans le C'est déjà trop dur pour lui. C'est déjà trop dur, tu sais, ils mettent de la lumière. Dur. Bon, enfin. Donc du coup, Michi, on n'est pas tous d'accord. On est sur du moyen, quoi. On est sur un milieu de gamme. À taper pas cher en promo. Voilà, à taper pas cher en promo pour ceux qui sont vraiment fans de la licence. Les vieux, du coup. Un cadre. on lui préférera plutôt Vampire, du coup. On va résumer ça comme ça. Ah, ben, sans aucune hésitation. Incomparable. Tant mieux. Vertigo Games, ils ont pas encore licencié. Ouais. Ah, parce que là, la qualité se dégrade. Chaque titre. L'éternel optimisme de Laurent. Bon, je... Non, c'est... Non, mais si je dis ça, c'est parce que Vertigo Games appartenait à Koch Media. Koch Media appartenait à Embracer Group. Embracer Group, leur action sur 5 ans, elle est passée de à peu près 760$ à $48 maintenant. En 5 ans, il n'y a pas de remontée, c'est une chute libre. Et que Embracer Group n'existe plus, donc il a été divisé en 3 groupes différents, 3 entreprises différentes maintenant. Et donc, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que je suis en train de regarder en même temps. Et les 3 entreprises, donc Vertigo Games, il fait partie de l'entreprise qui gère les AAA. Donc c'est bien ça possible. Jamais le remake des les AAA, ils vont essayer de remonter. Ils ont pas les épaules. Hein. ils sont où les AAA? Oulala. Non, c'est. Pas... Les AAA, okay. Ils en ont plein. Les Seigneurs des Anneaux, les Metro, les Tomb Raider, c'est des licences qui leur appartiennent. Non, au groupe. Ah oui. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, okay. Ah, non, pas Vertigo, ouais. Non. Parce que Koch Media et à Embracer. Ouais. Et ben, il arrive quand Tomb Raider. Et Vertigo, vu qu'ils font partie du groupe, ils sont déjà arrivés. C'est sur PSVR. Rise of the Tomb Raider, t'avais une version, t'avais une partie VR. Dans le musée, visiter le manoir. Attends, ouais, dans le manoir. Dans le château. Dans le manoir, le manoir Croft, tu pouvais visiter. Ok. La belle époque. Hein, ouais. Le cercle vertueux, une autre époque. On en parlera. Bon, du coup, merci beaucoup. Merci pour ce CIF VR. On va passer à la suite. Parler, je crois. Ouais, je sais, mais je meuble. A few moments later. On a donc dit au revoir à Steph, comme vous avez pu le remarquer. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écouteront aussi, vous entendrez plus sa voix avec son fort accent chantant qu'on adore ici. On va passer sur des jeux qui sont beaucoup plus attendus, donc fini les tests pour aujourd'hui, on va passer sur des jeux qui sont pas encore sortis, un qui est presque une arlésienne tellement ça fait des années qu'on en entend parler, et l'autre qui a pointé le bout de son nez au dernier State of Play. On va commencer par une petite news là sur Ace of Thunder qu'on attend avec impatience, enfin moi en tout cas... pour sa réelle, ce qui nous propose, et puis, les jeux d'avion, le dernier qu'on avait eu, c'est, j'ai oublié son nom, qui était sorti sur PC, Projet Wingman, qui nous avait vendu du rêve, pour le coup, avec une sortie PC où le jeu était intégralement en VR, du coup, avec sa campagne, tout ça, et annoncé PSVR 2, et puis en fait, sorti en plat, et une version PSVR 2 avec 6 missions, relativement longue, mais très mal optimisée, beaucoup de reprojections. Enfin, j'avais pas du tout été emballé par ce jeu. Enfin, très déçu pour le coup, parce qu'après, dans le gameplay, ça fonctionne quand même. Ça se jouait à la manette, je crois, de mémoire. Et du coup, Ace of Thunder revient avec une date de sortie, encore une, j'ai envie de dire. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne? On ne sait pas. C'est annoncé pour le 3 février. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Say. Ou Laurent, tiens, ça fait... Laurent, on t'entend pas beaucoup. Pardon, bah pour une fois qu'il y a un jeu qui peut m'intéresser, c'est celui-là. Ce sera peut-être même un des derniers qu'on pourra avoir, à mon avis, solide. Enfin bon, à ce qu'on en a vu, ça a l'air solide en tout cas. Il y aura peut-être des surprises. Mais oui, je l'attends carrément depuis un moment, celui-là. Je ne sais même plus depuis combien d'années on en parle, ouais. Ce truc. Il a été repoussé 3 fois, je crois. Ouais. Il devait sortir en 2025. Ouais. Et puis on n'a pas eu de S combat. Là, c'est l'occasion d'avoir un truc, de combat avion. Moi, en général, j'aime bien ce genre de truc-là. Et du coup, ben, je l'attends. Et c'est pas un jeu qui va sortir sur Quest. Hein, c'est un jeu PC console. Et puis bon, quand tu vois, ça a l'air d'être quand même bien foutu. Donc, moi, je suis chaud pour celui-là. Essaye, du coup, mais bien sûr, on aura peut-être de mauvaises surprises, hein, mais on verra quand il sera sorti. Mais en tout cas, oui, c'est un de ceux qui était sur ma liste. Essaye du coup. Moi du coup, en fait, alors je l'attends pas nécessairement. En fait, les jeux d'avion, j'aime bien quand c'est ultra dynamique. J'ai peur que les avions justement typés Seconde Guerre mondiale, ce soit un petit peu lent. Quoi. Il a l'air quand même plutôt joli graphiquement. Donc c'est Gaijin Entertainment qui s'occupe du développement de ce jeu-là. C'est eux qui ont développé le Free-to-Play War Thunder, qui est un trésor de guerre, notamment sur PC, qui a énormément de fans. Donc c'est des gens qui sont capables, enfin voilà, qui ont les moyens en tout cas de faire des jeux un petit peu poussés, quoi. Tu l'as testé ? De ce que j'ai vu, War Thunder ? Ace of Thunder, parce qu'il y a une version bêta qui était sortie sur PC, il me semble. Alors non, j'ai pas eu l'occasion de le tester celui-là. Par contre, War Thunder, lui aussi, a une version VR sur PC, où tu peux jouer donc avec tes petits tanks, tes petits avions, tes petits machins, tout en réalité virtuelle. Donc c'est un studio qui croit vraiment à la VR, quoi, et puis la VR de plutôt qualité, quoi. Graphiquement, ça a l'air quand même plutôt joli. On voit dans certaines vidéos qu'il y a des phases de décollage et je crois même d'atterrissage sur certaines. Ça peut être bien s'ils mettent en avant ce genre de choses là, parce que ça fait partie, je pense, des petits kiffs côté en VR de pouvoir atterrir ou décoller sans te cracher, quoi. On n'a pas trop d'idées encore sur le dynamisme, on va dire, des dogfights. Ça sera quand même, je pense, beaucoup plus long que ceux qui ont l'habitude de faire du Ace Combat. À voir ce que ça donne. Curieux, mais pas hypé plus que ça, en fait. Ok. Les autres, rapidement. Ouais. Ah, je suis un peu dans le même ordre d'idée que Sei. Hein. Les jeux d'avion, c'est pas spécialement ma cam. Après, il a l'air plutôt très très joli. Ils sortent pas mal de trailers en 4K et puis on voit que franchement, on peut coller la rétine, voilà, sur le trailer. Ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. C'est très joli. Et il n'y a pas de clipping, il n'y a pas de petites choses comme ça. Ça a l'air d'être très très bien. Après, il y a certains décors quand tu es en vol qui ont l'air un petit peu plus light que d'autres. Mais il faut voir. En tout cas, la proposition, elle est plus connaître. Hein. C'est, ouais. À voir. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a des informations qui ont fuité sur le type de contrôle que ça va être? Parce que dans certaines vidéos, apparemment, c'est du motion gaming. Bah voilà, motion gaming full, parce qu'au bout d'un moment on voit, tu sais, le gars en train de fermer son cockpit à la main, comme ça, en passant la main au-dessus de sa tête. Ouais, c'est dans les premiers trailers, mais justement, je voulais souligner ça. Il y a eu, alors, info ou un tox, je sais pas du coup si ça a été confirmé auprès des développeurs, mais il y aurait eu une fuite, comme quoi ils auraient remove le système de tracking 6 DOF, du coup, pour laisser penser que le jeu, du coup, ne se jouerait pas avec les sens. Mais je ne sais pas si ça a été confirmé. En tout cas, j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Maintenant, encore une fois, si c'est un jeu qui peut se jouer à la manette ou avec des contrôles plus stick, parce que je me suis demandé aussi si ce n'était pas une question de fair play, parce que forcément, c'est un jeu qui sera multijoueur. Hein. Je crois qu'il est même cross-platform avec, voilà. Parce qu'il sort en plat. Hein, donc, il me semble qu'il est cross-platform. Ça peut poser des problèmes avec la version flat. Hein. ça peut poser des problèmes d'équilibre. Donc je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste une question de développement. Mais en tout cas, il y avait cette interrogation alors à suivre. Bon, je pense pas que ce soit ça qui va déterminer si le jeu fonctionnera ou non. Moi, je pense que c'est un jeu, un style de jeu qui convient pas forcément à tout le monde, parce que c'est quand même un truc où t'as quand même la tête qui va dans tous les sens. Donc il faut que les contrôles, on va dire les options de confort soient aux petits oignons pour qu'ils puissent conquérir un public assez large, quoi. Mais en tout cas, on l'attend parce que effectivement, de ce qu'on voit, il a l'air très très joli. Vous parliez de dynamisme des avions, justement. Est-ce que ça serait pas pour ça que ça va pas trop trop vite non plus, que c'est relativement souple dans les déplacements, les vrilles et tout ça? Je pense pas que la vitesse ce soit quelque chose qui te fout plus la gerbe quand t'es un peu fragile là-dessus. Je pense même justement qu'avoir des mouvements assez lents, ça peut même être un petit peu plus gerbotron. Parfois, notamment dans des jeux où tu as la possibilité de régler la rotation de ton personnage, la rotation fluide, quand la rotation fluide est trop lente, là ça donne un truc un peu bizarre en fait. Ouais. Donc non, je pense pas, quoi. Je pense qu'effectivement sur ce genre de jeu là, et en plus ils ont l'habitude parce qu'ils ont quand même, comme je disais, fait War Thunder qui était full VR aussi. Ils savent aussi comment faire pour éviter que les gens soient mal à l'aise. Il y aura toutes les options de confort, en tout cas, je pense, qui seront optimisées, quoi. Après, j'ai l'impression, je suis pas inquiet là-dessus, parce que c'est vrai que plus tu montes, plus tu as l'impression de ne pas avancer. Donc, si tu as pas mal de phases de bombardement ou de trucs au sol, que tu sois dans un avion de chasse dernier cri ou dans un vieux coucou, je pense que tu auras les mêmes sensations de vitesse. À mon avis, il n'y aura pas une grosse différence entre un Ace Combat ou un... Après avoir, hein, c'est sûr. Mais... Moi, je suis optimiste quand même. Ah oui, je pense que de toute façon... Ah, ça peut être marrant. Ça se passe. Moi, quand je vois ce qu'un petit studio indé a pu faire sur un Ultra Wings, c'est vrai que je suis pas inquiet. Parce que pour ceux qui ont pu le tester ici, je sais pas si c'est le cas. Moi, j'ai joué un petit peu à ce jeu-là. Et en fait, une fois que, on va dire, la spatialisation et les mouvements... sont gérés. Après, c'est qu'une question de graphisme, quoi. Ultra Wings 2, bon, voilà, on perd un peu en immersion parce que du coup, on est sur quelque chose de très très limité, mais sinon, ça fonctionne très très bien, quoi. Ça fonctionne très très bien. Ok. Par contre, c'est un jeu hybride. Oui. Ouais, il me semble. Hein. Oui. Il me semble que c'est un jeu qui sort en plat et optionnel, et en VR aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que je me rappelle que ça avait posé problème. Ça avait posé problème justement pour l'aspect crossplay en fait. Voilà. On disait qu'il y en avait, il y avait une partie qui risquait d'être plus avantagée que l'autre. Alors je me rappelle pas laquelle, très honnêtement. Je pense que le joueur plat risque d'être plus avantagé que le joueur VR dans le sens où il y a quand même une vision plus large. Surtout pour regarder derrière. Ça risque pour la vision, mais pour les contrôles, par contre, un joueur en VR, tout le monde n'est pas super bon dans le maniement. Ouais, c'est vrai. Mais un jeu comme ça, à la manette en VR, à mon avis, tu défonces les platistes. Je pense que ça risque d'être à la manette. Ouais, il y a moyen, à mon avis. Peut-être. Ok. Les platistes joueront à la manette aussi. Tu regardes à ta droite, le mec, il est obligé de bouger sa cam pour regarder à droite. Ouais. Sauf que Gantz, voilà, c'est ça, c'est quand t'es en VR, t'as pas bougé ta tête, tu bouges la tête, c'est bon, tu... Ouais, mais t'as quand même une vision globale plus large, si tu veux, quand tu joues à la manette en flat. Enfin, en tout cas, pour ceux qui jouent à la troisième personne, on va dire. Ah oui, d'accord, c'est vrai que ça peut être compliqué. Si oui. Tu veux, où tu vois ton avion, je pense que là-dessus, le joueur plat risque d'être un peu plus avantagé. Ouais. Jouer en TPS à un jeu d'avion, c'est des cheaters, c'est des gens qui n'ont pas de goût. Je joue pas avec des gens comme ça. C'est pour profiter de la carlingue, des reflets sur le métal, tu vois, brillant, tout propre. Du ray tracing. Exactement. Ray tracing. Et en parlant de. Comme les gens qui jouent à des simulateurs de bagnole comme ça, avec des setups de fou, des playsites, comme on discutait tout à l'heure, des volants retour de force, dernier Chris Thrustmaster, et puis qui jouent. Avec la caméra derrière la voiture, tu... Ah ouais. Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça, les gens? Pourquoi vous faites ça? J'avoue. Puisqu'on parlait de ray tracing, est-ce qu'on parlerait pas de on va dire, d'une des plus grosses surprises qui nous a été donnée de voir en cette fin d'année 2025? Et d'ailleurs, le seul jeu VR, on va dire, officiellement annoncé à un événement où il y aura une communication PlayStation, donc le dernier State of Play qui était au mois de septembre, c'est Flight Simulator. 2024 Microsoft, monsieur. 2024, oui, alors parce que bah, effectivement, la politique Microsoft aujourd'hui, c'est de sortir ses jeux partout, notamment sur PlayStation, puisqu'il y avait à peu près que là qu'ils n'étaient pas. Est-ce qu'il y a encore une politique Microsoft? Et, faire de l'argent. Comme toutes les entreprises, mais du coup, visiblement, ça leur réussit, parce qu'ils n'ont jamais aussi bien vendu que depuis qu'ils sortent sur les consoles PlayStation. Donc. Pour le coup, et j'ai envie de vous dire, nous ça nous réussit aussi parce qu'on nous annonce quand même quelque chose d'assez, important. Voilà, enfin, impactant, on va dire, en termes d'annonce, cocasse. Dans le sens où ça reste une licence historique, très connue, qualitative, de par sa réal et de par son gameplay. Et donc, c'est Flight Sim qui est sorti très récemment sur PS5, flat, et qui arrive donc. Et a été annoncé le développement de sa version PlayStation VR 2. Voilà. Ouais, attention, je fais une petite aparté, vite fait, je te coupe, à ne pas confondre avec Delivery Flight Simulator. Qui a changé de nom depuis. Qui a changé de nom, je pense qu'ils ont dû se faire rentrer dedans, en fait. Ils ont changé de nom parce qu'à la base, ça s'appelait Flight Simulator. C'était exactement pareil. Ah, ils ont rajouté, d'accord. Son joueur. Voilà, donc allez, n'hésitez pas à aller voir le petit dossier d'El Rocco, qui est c'est dans lesquels il nous envoie. Il y a 2-3 semaines. Je dirais 3 semaines, 3 émissions. Il y a Léon Kennedy qui est avec sa pétition. Voilà. De toute façon, il en sort toutes les semaines, donc dans chaque news, un nouveau. Oui, c'est vrai. C'est l'inondation. Hein. Bon, c'était la petite aparté. En ce moment, je vais faire comme ça. Du coup, vous me dites, les gars, quand je peux faire mon. T'as vu, hein? C'est agaçant. Non, mais n'hésitez pas. Moi, je vous laisse, il n'y a pas de problème. Donc, Flight Sim, pour revenir au sujet de base, Flight Sim, inattendu, on est d'accord. Inattendu, quand on connaît maintenant, comme tu disais, la politique de Microsoft de tout sortir sur. Sur PS5, non, c'est pas de la science-fiction de le voir tomber sur PlayStation 5, de l'avoir sur PSVR 2 alors qu'il est aussi sorti sur PSVR 2 sur PC, ce qui est en général, on le sait, pas gage que ça sorte aussi sur console en VR. Oui, c'est une bonne surprise, oui, c'est bien. Et puis en plus, c'est un classique, quoi. Il est sorti en 2024, la version 2024. Asobo, oui. Voilà. Du studio Asobo, donc studio français. Qui ont fait Plague Tale. Plague Tale, tout à fait. Et qui ont fait de la magie un petit peu sur ce jeu-là en termes de réalisme, quoi. Alors, la surprise, enfin, peut-être pas surpris qu'ils sortent du coup en plat, mais j'avoue que la petite mention PSVR 2, moi je me dis, mais qui a payé, quoi. Enfin, il y a un truc derrière, c'est pas possible. Enfin. C'est quand même. On dit souvent Sony ne soutient pas, etc. Mais ça sort quand même sur un State of Play. C'est quand même, je pense, de leur fait. Donc, ça soulève quand même la question de est-ce que ça n'a pas été poussé en interne à un moment donné. Je vais rajouter un petit détail sur l'annonce, parce que je regardais tout à l'heure, évidemment, pour me remettre un petit peu à jour. J'ai beaucoup aimé la manière en fait dont ils te passent le trailer, ils te disent ça arrive à telle date et tout, et puis t'as un petit blanc, il se passe rien, l'image bouge plus, et puis là hop, PlayStation VR support comics, comme si c'était hop, attention vous êtes pas prêts les gars, et ça arrive. J'ai trouvé ça marrant. Bon après c'est peut-être moi qui me fais des films aussi, mais si plusieurs jeux pouvaient faire ça. Je me suis dit putain. C'est ce qu'on attendait pour Requiem. Ça faisait un peu la petite cerise sur le gâteau, donc j'ai trouvé ça marrant. Et puis il y a eu des déclarations aussi, justement dans le PS Blog, je sais plus où justement les devs d'Asobo disaient que Play était très intéressé par la VR et c'est pour ça qu'ils ont aussi voulu porter leur jeu sur le PSVR 2. Donc. C'est Sony qui rentre en contact avec le studio pour demander. Voilà, c'est ça. Enfin, y avait une info comme ça. Merci Lolo. Mais si tu peux nous donner plus de détails du coup sur l'info c'est un article qui est paru je sais plus où dans où le mec travaillait chez Asobo, mais c'est un article en Angleterre je crois, et le mec disait dans son, il a juste glissé une phrase au milieu de son interview en disant qu'il y avait bien quelqu'un de chez Sony qui avait poussé un de chez Sony qui était fan de simulation de vol et qui arrêtait pas de les harceler en disant quand c'est que vous l'amenez sur Sony tout ça. Et au final, il en a parlé à sa direction lui a dit non, direct, donc la direction de Sony, hein, L'on dit non, on ne financera pas ça. Et au bout d'un moment, il a forcé, il a laissé tomber le truc. Et son patron de chez Sony est revenu vers lui en disant, tu sais qu'on était, que tu m'avais parlé de ça, bah maintenant on est bien OK. Et c'est parti comme ça. Ok, ça marche. Ok. Faisons ça. Que s'est-il passé en fait Mais les mecs, Jim Ryan est parti. Entre les deux. Incroyable. Voilà. C'est peut-être ça. Bon, Concorde n'a pas marché, les gars. Du coup. Il faut leur donner un bonbon, là. Oh là là. Non, mais c'est le bon bonbon. Hein. Il fallait taper fort sur une licence qui parle. C'est sacré bon bonbon parce que Fly Sim, c'est une licence historique. Hein. Ça existe depuis que la 3D filaire fonctionne sur PC. C'est historique, vraiment. Et c'est un jeu pour les férus de simulation. Et quand même, il ne faut pas faire peur un petit peu à ceux qui sont plus habitués aux jeux arcade. Il y a moyen aussi d'en profiter, même sans être pilote chevronné depuis avec une formation de 15 ans. Quoi. Ouais, tu peux c'est vrai que ça reste niche. Quoi. Ça reste un peu niche quand même. Ouais. Ça reste niche, mais c'est quand même accessible pour tout le monde. Si tu arrives à décoller. Tu arrives à décoller. Atterrir. Atterrir, c'est autre chose. Alors, ça reste niche, mais c'est aussi un bon moyen de voyager pour ceux qui n'ont pas l'occasion. Un peu de frais. Il faut quand même acheter un casque et tout ça. Ah, je sais pas si. Alors, en espérant, c'est pas moins cher. Quand même. Si tu pars de zéro. Non, plus sérieusement, c'est vrai que la réelle du jeu en fait est réputée pour être bonne, en tout cas dans sa version d'origine. Il y a aussi le moyen, il me semble, sur PC et sur Xbox, de booster un peu la partie technique en étant connecté au cloud. Je ne sais pas si cette fonctionnalité sera également possible sur la console, mais bon, je pense que si. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si elle l'est, mais je pense que si, il n'y a pas de raison. Juste pour expliquer ce truc-là, en fait, la carte est chargée de base sur ton disque dur, avec des textures et sans mise à jour de la map. Le fait d'être connecté, en fait, ça te permet d'avoir des bâtiments qui sont plus réalistes et une carte beaucoup plus détaillée, en fait, et surtout sur certaines zones spécifiques. Un peu comme Google Earth, sauf que c'est pas tout. Asobo, on en parlait de ça. En fait, le jeu, à la base, quand il l'avait conçu, donc la dernière version, c'est un jeu qui faisait 150 gigas, je crois, ou peut-être même plus, c'est un truc qui était énorme. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est pas possible, parce que là, on va arriver à 200 gigas à force d'en rajouter, tellement c'est des maps hyper réalistes. Et au final, ils ont foutu toutes les textures dans le cloud. Et du coup, le jeu, maintenant, je crois qu'il pèse plus rien, en fait. Et c'est là où je m'interroge concernant la PS5 et les gens qui auront de mauvaises connexions. Alors peut-être on va tout simplement charger les textures sur le cloud et les mettre sur notre disque dur et ça marchera comme une horloge. J'espère que ce ne sera pas en temps réel et qu'on n'aura pas des trucs qui vont clipper. Alors non, du coup, c'est vraiment le cloud, c'est instantané. C'est-à-dire que en fait, c'est soit tu es connecté au cloud et tu profites de la partie technique la plus élevée, soit tu n'es pas connecté au cloud et du coup, tu as que la version de base qui est chargée sur ton disque dur. Quoi. Mais tu sais pas du contenu supplémentaire que tu vas télécharger qui va améliorer ton jeu. Enfin, moi, je ne l'ai pas compris comme ça, en tout cas. En tout cas, le poids du jeu, il a été réduit. Il est passé de 150 à peut-être 20 gigas, quoi. Un truc comme ça. 20, je te trouve vachement optimiste. Hein. Je pense qu'il sera un peu plus lourd que ça. La taille d'Arizona Sunshine 2. Oui, mais il faut que je te retrouve l'article justement qui parlait de ça. Ils ont tout modifié justement pour ça. D'accord. Je te le cherche, je vais te le dire. Bon, enfin, en tout cas, bonne pioche. On est quand même sur un jeu premium, hein, à taux plein, donc à 79€. Là-dessus, pas de surprise. Donc, on n'a pas de date, évidemment. On n'a pas non plus de fenêtre. Hein. Ça se travaille. Donc, on espère au mieux pour cette année. Au pire, 2027. Je pense pas que ça prendra plus de temps que ça. À savoir, pour les prix et les offres qu'il y a sur ce jeu, en tout cas, si on compare à la version PC, donc taxe Sony non comprise, hein, le jeu de base est proposé à 80€ dans sa version standard. La version deluxe avec donc des appareils supplémentaires, ça monte vite. 109€, pour pas dire 110. Ça monte très vite. Premium Deluxe Edition, 140€. Et l'Aviator Edition, 120€. Donc, si vous êtes un gros fan de Coucou, etc., il y a moyen de se faire plaisir, parce qu'après, la liste est quand même sans assez énorme. Ouais, voilà. Si t'as le Otas et si t'es bien équipé, même si t'as les moyens de t'acheter un V1 pour ton fauteuil, ça peut être pas mal. Alors déjà la standard édition elle est déjà extrêmement extrêmement complète hein, mais après c'est pour les vraiment les fous furieux. Par contre il y a des trucs comme par exemple sur la premium deluxe, t'as les Boeing 787, 747, des avions vraiment mythiques quoi, qui sont pas du coup dans la version de base. C'est un peu dommage. Mais donc voilà, c'est un petit peu le syndrome simulateur en fait sur PC, que ce soit le simulateur de bagnole ou simulateur d'avion. T'as la version de base. Et si tu veux mettre des ronds, tu peux vraiment faire claquer ton PEL pour tout avoir quoi. Alors tu parlais du gameplay tout à l'heure, donc c'est très simu, comme on le disait, mais il y a aussi plusieurs entre guillemets modes de jeu. Si j'ai bien vu dans le trailer, tu peux être, tu peux avoir des hélicoptères, donc des avions, tu peux avoir les canadaires, tu peux avoir des avions de chasse. Il y a toute une typologie d'avions avec différentes missions, donc ils ont, enfin il y a aussi un gameplay qui est quand même entre guillemets relativement varié, ça reste du pilotage d'avion. Donc ça aussi c'est plutôt sympa d'avoir différents modules. Je sais pas comment ça va être géré par contre en VR pour zoner quand tu vas devoir par exemple avec le Canadair pardon, lâcher la flotte sur un feu ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment ça va être géré pour voir en dessous, tu sais, si ça va être au jugé. Tu dois avoir moyen. Bah c'est comme en vrai en fait hein, le gars qui pilote son Canadair, soit il a une fenêtre pour pouvoir viser, soit oui, c'est vrai. Au talent quoi. et au niveau des et au niveau des commandes et au niveau des commandes au niveau des commandes je me demande, je l'ai essayé mais vraiment c'était il y a fort longtemps, vraiment au tout début quand il était sorti, je l'avais essayé en VR et ça m'avait pas convaincu. Sur ma 3090 il ramait sa mère, donc je l'avais pas essayé après. Et il me semble que tout le cockpit, mais peut-être que je dis une grosse connerie, mais il me semble que tout le cockpit en fait était tu pouvais le toucher en fait avec tes tactiles, avec tes ouais, petits doigts virtuels. Tu peux bouger. Donc en fait, t'as un ouais. bouton, t'as un bouton pour lâcher la sauce avec ton Canadair, y a pas de problème quoi. Du moment que c'est visible sur le cockpit. Ça y est, j'ai l'info. Tu peux toucher. Ah. Alors Lolo, vas-y. Alors, je vous dis mot pour mot ce que les. Alors attends, c'est qui a interviewé? Ça doit être les gens du studio, hein, d'Asobi. Asobo. En 2020, le jeu pesait déjà 120 gigas lors de son lancement en téléchargement. En 2023, j'ai constaté que le nombre d'installations atteignait 300 gigas. Notre feuille de route de contenu prévoyait tellement de nouveautés que nous allions dépasser le téraoctet. J'ai alors dit, il faut faire quelque chose. Nous avons donc décidé de créer Flight Simulator 2024 et d'adopter le concept d'un client léger. Notre client ne pèse désormais que 8 gigas. Au lieu de tout stocker sur votre disque dur et d'alourdir considérablement le téléchargement, nous avons opté pour le cloud. Attends, le client et 8 pas... gigas. Ouais. Ouais. Notre client ne pèse désormais que 8 gigas. Ça me paraît extrêmement peu. Ben, oui. Oui, mais je veux dire. Et c'est qui passe? Et donc, ouais. C'est cette version qui sont. Donc, nous avons passé beaucoup de temps à optimiser le jeu pour la PS5 et nous assurer que la manette fonctionne parfaitement. Et c'est bien cette version-là qu'on aura sur la PS5. Parce que ça signifie, Laurent, que si tu n'as pas de connexion Internet sur ta PS5 ou si ça tombe en panne, ton jeu, tu ne peux pas y jouer, quoi. Clairement. Et c'est pour ça que dans le Discord, quand tout le monde s'est emballé, j'ai dit Calmos, attendez que ça sorte. Parce qu'au départ, dans la toute première version sur PC de Flight Simulator, il s'appelait pas 2024, il s'appelait juste Flight Simulator au départ, il me semble. T'avais quand même une bonne grosse installation avec quand même la base de la planète, on va dire. Et des principaux aéroports qui étaient bien détaillés. Et puis le reste, après, c'était plus moyen, quoi. Quand tu étais en même temps à plusieurs kilomètres du sol, ça se voyait pas finalement, mais tu avais quand même la base. Ça faisait pas 8 gigas hein, oui. de données, hein, c'est sûr et certain. Et ben là, là apparemment, cette version là, et c'est ce qui me m'inquiète hein. en fait, c'est que ça double tranchant. Voilà, et donc la personne qui a déclaré ça, c'est Jörg Neumann, donc responsable de Microsoft Flight Simulator. Et il s'occupe de l'équipe Xbox qui a porté Microsoft Flight Simulator sur PS5. Okay. Et d'ailleurs, il parle des débits. Je crois qu'en dessous de 120 gigas, c'est compliqué. Quoi. Là, effectivement, wow. il y a marqué que la connexion internet est requise. Donc, ça a l'air c'est vachement requise. Hein. 120 gigas, c'est pas tout le monde qui l'a. Quoi. Enfin, 120 mégas, je veux dire. Ben, oui, 120 mégas. Je trouve pas le poids du jeu, du coup, sur la fiche. Donc, je cherche, mais. Je vous mettrai le lien de l'article, mais c'est un truc qui est sorti il y a plusieurs mois, ça déjà, et je l'avais mis de côté. Alors, sur PC, configuration requise 50 gigas. Ce qui n'est pas énorme en plus pour ce genre de jeu-là. Et, c'est quelle version ? C'est la version 2024, la même que sur, prévue sur PS5. Fly Sims 2024. Alors, je sais pas pourquoi il a dit ça. Enfin là, il le dit noir sur blanc que son truc, c'est tout dans le cloud. Ouais. Ok. Donc je sais pas. Je vais vous mettre l'article comme ça. Ouais, connexion internet haut débit, voilà, qui est vraiment quasi obligatoire quoi. Falloir brancher l'Ethernet sur vos PS5. Ouais. Ou alors, il y aura un bouton pour charger les textures avant de commencer à jouer. Ce qui est possible, hein, comme plusieurs PC qui chargent les shaders avant le lancement, ça sera peut-être la même chose. Et du coup, ils arrivent à résoudre les deux trucs. Il prend un package en fait, justement dans la zone où tu veux commencer à décoller et puis toute la zone autour. Et puis bah, peut-être, je sais pas. Parce que j'imagine le mec qui achète ça, et puis qui, une fois qu'il veut y jouer, que sa connexion n'est pas suffisante, avec la politique de remboursement de Sony, il va être heureux. T'as téléchargé. C'est pour ça que pour ce genre de jeu, il faut quand même avoir un minimum de texture et puis de matière sur ton jeu de base pour pouvoir y jouer et en profiter, même si ta connexion, elle est, je sais pas, à couper. Ça peut arriver, quoi. Sinon, c'est la douille, quoi. Ah, une sacrée douille, hein. Avec ton pack à 140 balles. Mais ça reste ce qu'il appelle le client. Ce terme-là, il appelle ça le client. Qu'est-ce que c'est, le client ? Un client, en fait, sur PC, ouais. En général, c'est une sorte de launcher, en fait, spécifique à ton jeu. Par exemple, t'as pas mal de jeux chinois qui utilisent ça, ou des MMORPG principalement, qui te mettent une petite fenêtre sur Windows. T'es pas encore dans le jeu, tu peux configurer ton jeu, et Hitman aussi le fait, il me semble, sur PC. C'est ça le client, et ensuite tu vas lancer ton jeu à partir de ce client là pas à partir de Steam, pas à partir d'Epix, mais à partir de ce client là C'est lui qui prend la main, en fait, justement, sur les transmissions de données, d'accord. Internet et ce qui va arriver sur ton ordinateur ou ta console. Donc, il va falloir un compte Microsoft, du coup. Ah, il y a des chances. C'est sûr. Je suis désolé, Laurent. Jamais. Moi, jamais. Bon, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle au global. On va pas se leurrer, c'est une grosse licence qui arrive. Ouais. Ça envoie un beau message. Et moi, perso, j'ai hâte de mettre les mains dessus. Je suis fibré, donc tout ira bien. Vivement, voilà. On vous en dira plus quand on en saura plus. Mais pour l'instant, pas plus d'infos. Bien, messieurs, si... On a fait une transition, on a parlé des jeux qui n'étaient pas terribles, on a terminé par un jeu qui était très beau, très ambitieux, on a fait du middle. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit bilan, là, parce qu'il y a eu des... Voilà, ça se frotte déjà les mains. Il s'est passé tellement de choses en 15 jours, là. C'est assez impressionnant. Des choses qu'on savait plus ou moins, mais qui envoient quand même... un message fort, du moins dans l'industrie VR gaming, et surtout il y a des langues qui se sont déliées. Voilà, il y a pas mal de développeurs qui parlent, qui sont en contradiction même les uns avec les autres, donc c'est plutôt intéressant à évoquer sur l'état du marché. Donc, comme on disait, Lolo a fait un dossier qui est sorti il y a 3 semaines maintenant. Sur le bilan en fait de l'état de la VR gaming aujourd'hui, et ça rebondit en fait, enfin c'était en amont de ces infos qui sont arrivées, alors plus ou moins annoncées, mais on savait pas, on va dire, de quelle ampleur ça allait être, et du coup si tu veux nous en parler un petit peu, Lolo, le de ton dossier, revenir un peu sur le sujet, et puis on va faire un petit peu écho, on va faire un petit tour de table après sur ce que ça a donné, les avis de chacun. Donc le premier dossier qui est sorti il y a 3 semaines, c'était plus, j'ai plus voulu faire à la base un historique de tous les événements qui s'étaient passés pour montrer que Meta n'était pas tout blanc dans l'histoire, notamment avec les fondateurs d'Oculus. Ils n'ont pas été virés, à part Palmer Luckey qui lui a bien été viré. Bien qu'il ait annoncé qu'il partait, il s'est fait virer de Meta. Et donc c'est un petit historique qui explique tout ça pour montrer un petit peu peut-être les mauvais choix qui ont fait que, bah, bien sûr, ils ont arrêté de soutenir le marché PCVR. Ils ont racheté les studios, les studios de Lone Echo par exemple, qui n'a pas pu faire Lone Echo 3, et ils les ont renvoyés de l'autonome. Toutes ces histoires-là qui a conduit à l'état actuel du marché. Alors pour info, il y a un deuxième dossier qui va arriver certainement dans la semaine qui vient. Alors le premier dossier, il durait une heure, le deuxième, il va durer à peu près 40-45 minutes, qui complète tout ça. Parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas dit en une heure. On savait que Meta avait de toute façon l'intention de virer une partie des personnes qui gèrent Horizon et également une partie Quest. Alors là où c'est important, c'est qu'on savait que ça allait arriver, mais ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient supprimer 30% de leur effectif de la section. Alors c'était quoi ? C'était la section Horizon, je crois. C'est Reality Labs, je crois que ça s'appelle. Là, c'est Reality Labs qui vient de perdre 10%, donc 1500 personnes viennent d'être sur 15 000 employés en tout, donc 10%. 1500 personnes viennent d'être licenciées, dont trois les plus gros studios à mes yeux de Meta, qui étaient alors je sais plus le nom. Il y a Sanzaru Game, Sanzaru Game qui a fait Sanzaru Asgard Wars, qui était le jeu de lancement du Quest 3 et qui a fait donc Asgard Wars premier sur PC. Voilà. Et également le studio qui a développé Resident Evil 4, pas le remake, hein, celui du Quest, et puis également Deadpool VR. Donc c'était quand même des jeux assez ambitieux pour un casque autonome. Donc moi, ce que je me dis maintenant, c'est que... Alors entre-temps, il y a eu encore d'autres rebondissements, parce qu'il y a Palmer Luckey, c'était la personne la plus improbable qui allait parler de ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un de chez Meta qui, suite à une annonce comme ça, bien sûr, il y a tous les développeurs, tout le marché de la VR est en panique. Je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une réaction de Palmer Luckey à ce moment-là, parce qu'on ne l'a pas entendu communiquer sur Meta depuis des années, et quand il communiquait sur Meta, c'était pour les fracasser en général. Notamment quand Mark Zuckerberg avait sorti ses lunettes, il s'est foutu de sa gueule avec ses lunettes et il a dit que ça marchait pas et que c'était une catastrophe. C'est des gens qui s'aiment pas, il s'est quand même fait virer, il a été en procès contre ZeniMax pour vol de technologie quand il était encore chez Oculus. Zuckerberg a failli payer 2 milliards d'euros, ça s'est fini avec un chèque à l'amiable avec ZeniMax pour pas payer les 2 milliards. Il s'est fait virer, il s'est vraiment fait lourder. Après, si vous regardez un peu sur internet toutes ses interviews, il n'était jamais vraiment très sympa avec Meta, et il y a des moments on sentait qu'il se retenait même. Et là tout d'un coup, ça fait un petit moment, hein, mais là tout d'un coup, il arrive avec son petit cheval blanc pour protéger Meta, parce qu'il a tout le marché de la VR et pas mal de développeurs sur le dos qui sont pas contents. Donc forcément ça fait réagir. Tu dis, mais pourquoi lui? Parce que ça aurait pu être n'importe qui de chez Meta qui fasse un communiqué ou qui vienne... Et non, c'était Palmer Luckey, qui est quand même le créateur principal d'Oculus. Mais il a dit ça certainement parce qu'il croyait en ce qu'il disait, parce qu'il croit vraiment à la politique de développement de la réalité virtuelle par Meta. Moi, je pense que c'est ça. Non, du tout. Du tout. Du tout. Non, non. C'est justement tout l'inverse. Sans déconner. C'est justement ça que je ne comprends pas dans son intervention. C'est que les mots qu'il dit, c'est exactement l'inverse de ce qu'il disait il y a quelque temps. Par exemple, quand il parle de Meta qui ne veut plus gérer les casques VR comme des consoles. C'est justement pour ça que Brendan Irib et les 7 d'ailleurs ont quitté Meta et Facebook. C'est justement parce que Meta voulait en faire une console de jeu. Et c'est la raison qui les a fait partir de chez Meta, à part Palmer qui s'est fait virer. Et là, tout d'un coup, il annonce que c'est super parce que Meta, maintenant qu'ils ont viré tous ces studios, ils vont arrêter de faire comme s'ils étaient Nintendo. Ça n'a ni queue ni tête. Alors après, tu cherches parce que tu te dis, mais pourquoi il dit ça, quoi? Tu t'aperçois qu'en fait, ils sont en contrat, en partenariat, mais dans l'armement, au niveau de l'armée américaine. En 2017, quand Palmer Luckey a quitté Meta, il a monté une entreprise qui s'appelle Enduril. Enduril qui était financée par Palantir, une autre entreprise qui fabrique des logiciels qui est très controversée comme entreprise. Si vous cherchez un petit peu sur Internet Palantir, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube. Donc il a monté ça. Donc lui, maintenant, il s'occupe de tout ce qui est armement en mer, terre, même souterrain, avec des armes qui peuvent traverser je ne sais pas combien de kilomètres pour défoncer. C'est ce qu'on a vu en Iran. Enfin, c'est tout un tas d'armements qui sont toutes assistées par IA. Qui c'est qui fournit l'IA? C'est Mark Zuckerberg. Et alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que vu que celui... En fait, c'est... Quand il est parti, Palmer, il a récupéré que 2 milliards de dollars. Hein. Et avec ces 2 milliards, il n'avait pas assez de ronds pour monter une entreprise d'armement. Que 2 milliards. Donc, le milliard... Que 2 milliards. Ouais. Et le souci, c'est que il faut trouver des fonds quand tu montes ce genre d'entreprise, parce que la moindre arme coûte une fortune. Et puis surtout, il faut des chaînes de fabrication, tout ça. Donc, la personne qui est derrière, c'est le fondateur de Palantir. Et d'ailleurs, il n'est pas patron de Enduril. Ils sont quatre co-fondateurs. Et sur les quatre co-fondateurs, il y en a trois qui sont de Palantir. Et Palmer Luckey, c'est le seul qui ne l'est pas. Palantir, c'est un logiciel espion qui a vu le jour après les attentats du 11 septembre. Les Américains se sont dit, mais merde, comment on n'a pas pu venir, on a fait pour ne pas voir venir des mecs qui montent dans des avions, qui détournent les avions, qui nous foncent dans nos tours. Et c'est de là qu'est sorti un logiciel en fait, qui récupère toutes les informations qu'il peut trouver sur Internet. Il va récupérer votre carte bancaire, il va récupérer vos données de téléphone, il va récupérer les informations des caméras dans les villes. Et à partir de ça, de toutes les tous vos messages, tous vos mails que vous envoyez, tous vos SMS que vous envoyez, il se fait une base de données géante. Et grâce à cette base de données, le logiciel en fait va dire, la personne qui détient le logiciel va dire, je cherche telle personne. Et le logiciel, lui, il va récupérer toutes les infos. Il va dire, la carte bancaire, elle a été utilisée là à telle heure. Cette personne a été détectée avec cette caméra à telle heure. Et il va créer une map qui va dire, la personne que vous cherchez, elle est dans cette zone-là. Et du coup, t'envoies l'armée après, t'envoies les drones et t'as plus qu'à la récupérer. Le souci, c'est que Palantir, elle ne fonctionne qu'avec des infos. Et qui c'est qui vend des infos? C'est également Meta et Facebook. On sait qu'avec Cambridge Analytica, ils avaient fait fuiter toutes les informations de Facebook de 87 millions de personnes. Donc, tout ce beau petit monde, en fait, ils sont tous copains. Ils tournent ensemble. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant que finalement, ce soit Palmer Luckey qui soit intervenu là-dessus. Donc, c'est un peu politique, parce que c'est vrai que maintenant, les chefs de GAFAM sont un peu politiques. Ça peut poser des questions sur... sur les données. Ce qui est effrayant, petit peu effrayant, c'est que vu que t'es reparti justement pour faire une vidéo reportage sur cette histoire-là, sur cette déclaration, plus tu creuses, ça part de la base d'une déclaration sur la politique jeu vidéo de Meta, sur le Quest, un truc qui nous concerne. Ah. Plus tu creuses, plus ça pue la merde hein, quand même ton truc. Hein. C'est exactement ça. Exceptionnel. C'est parti bêtement avec Gans. On était en train de discuter, je crois, sur le Discord, et on a dit tiens, pourquoi il dit Meta ne m'a laissé aucune info pour ça. Ouais, c'est là que je suis parti. Parce que c'est vrai que dans son message, il dit Meta ne m'a pas, Meta n'est pas au courant et ne m'a pas demandé de dire. La petite phrase à la fin qui. Voilà. C'est louche. Tu dis. Tu le prépares. Ouais. Et du coup, quand tu commences à chercher, en rigolant, je dis, de toute façon, il est pote avec Zuckerberg. Tu tapes Luckey Zuckerberg, t'as rien. Tu tapes Enduril Meta, boum, t'as la photo des deux en train de se faire des bisous. Dis, c'est bon. Bingo. Des bigots avec des grosses queues, hein, quand même. Hein. Bingo, on a trouvé. Tout ça. Et la VR, du coup, dans tout ça. Et la VR, et le jeu vidéo, alors, bon. Eh bien, justement, pour en revenir à la VR, parce que c'est ça qui est quand même important, enfin, on ne va pas partir dans des grands débats militaires. Je voulais quand même vous rappeler que l'armée américaine... en mars, Donald Trump a signé un vous allez voir, on va retomber. Bon courage. En mars, Donald Trump a signé un décret Il a signé un décret qui autorise, je ne sais plus quoi, le transfert d'informations et tout ça, mais qui maintenant donne, en fait, Zuckerberg, s'il veut vendre ses données, en fait, il n'y a plus de loi qui vont l'envoyer en prison, en gros. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que, alors ça m'a fait beaucoup rire, c'est que l'armée américaine a décidé de nommer 4 personnes de l'industrie américaine. Donc il y a Bosworth, donc le Buzz de Meta, il y a un des directeurs de OpenAI, il y a un des directeurs de Palantir, et le quatrième, je ne sais plus qui c'est. Et ils viennent d'être nommés colonel des armées. Donc ils sont maintenant militaires, et ils ont accès au Pentagone et à des choses comme ça. Donc on est face à des gens qui sont privés, qui n'ont pas été élus et qui ont des accès de dossiers classés top secret. Voilà. Et donc le jeu vidéo, alors, c'est quand le développeur de Legendary Tales, il a fait un énorme trade que je vais reprendre dans le dossier. Hein. Il a fait un énorme speech sur X disant que ça s'était mal passé avec Meta, tout ça. Et à un moment, c'est marrant parce qu'il dit de toute façon, Meta se fout des joueurs VR. Ce qu'il veut, lui, c'est récupérer des données et les traiter. Et c'est là où j'ai tilté quand il a dit ça. J'ai dit putain, ça retombe encore avec l'histoire de l'armement. Juste pour rappeler la petite histoire de Legendary Tales, en fait, c'est un jeu qui à la base était prévu sur Quest, qui a été entre guillemets développé pour le Quest, et quand le dev a voulu le vendre à Meta lui aurait dit non, vraisemblablement. Du coup, il est parti sur une autre plateforme, sur le PSVR 2 en l'occurrence, et en fait, ce qui lui avait mis la puce à l'oreille, c'est quand il a demandé au mec qui était venu le voir pour signer le contrat pour son jeu, il leur a demandé ce qu'ils en avaient pensé. Et il lui avait dit oui, très très bien, on a beaucoup aimé, mais par contre, c'est quoi un RPG, un action RPG, voilà. Un action RPG. Et il a dit, quand ils m'ont posé cette question, j'ai compris qu'ils n'avaient pas joué au jeu. C'est exceptionnel. Et les mecs étaient responsables de la section jeu chez Meta quand même. Ils ne savaient pas ce que c'était un action RPG, ils n'ont jamais joué à son jeu. Il a même parié sa vie qu'il était sûr que personne chez Meta n'avait joué à son jeu. Et donc ce mec-là, il commence à parler de tout ça, et à un moment, donc, il parle des données, et après il parle d'un autre truc qui m'a aussi intéressé, c'est quand il dit qu'ils se sont servis des joueurs pour développer en fait la recherche et développement, mais qu'en fait ils en avaient rien à foutre des joueurs. Et c'est marrant parce que quand tu vois en fait tout ce que sont en train de monter Anduril et Meta en ce moment ensemble, donc sous la panel de Palantir, donc c'est 3 groupes un peu, finalement toutes les technologies développées, parce que c'est vrai que Quest et Meta ont développé énormément de technologies, elles sont toutes utilisées dans les caméras d'identification de migrants, les casques de militaires aussi, ils ont des casques avec de l'AR intégré, grâce à ça leur projette dans les yeux, ils voient à travers les murs en fait grâce à ces casques, c'est toutes des technologies de Oculus et de Meta qui sont maintenant disponibles. C'était pas Microsoft avec HoloLens qui avait le marché pour ça ? Oui, bah là, je crois que c'est en train de changer. Alors, Microsoft sont aussi associés à Anduril. Attends, tu dois passer de bonnes soirées avec eux, je pense. Tu dois bien te fendre la gueule. Hein. Eh ben, en tout cas, c'est intéressant parce que tu trouves plein de trucs, tu dis putain, j'ai aucune idée de tout ça. Et quand tu creuses un peu, que tu cherches, tu lis beaucoup d'articles, après tu te dis putain, ouais, finalement, ouais, ok, d'accord. J'ai donc, compris le système. Tout ça pour dire que changement de cap, en tout cas pour l'affectation des ressources. Alors, ce qui fait peur maintenant, c'est pour ça, je sais plus qui en a parlé en disant. Il y en a beaucoup qui disent que Reality Lab a cramé 70 milliards, ce qui est vrai. D'ailleurs, les journalistes disent que Reality Lab, à part cramer du fric, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et c'est là où je me demande maintenant s'ils n'ont pas cramé ces 70 milliards dans l'optique de revendre ces technologies à l'armée, qui, elle, va leur rapporter beaucoup plus que 70 milliards, je peux vous le garantir. Et du coup, en fait, Meta n'a fait qu'un placement. Et c'est rare, parce que d'habitude, ça va quand même dans le sens de l'armée vers le civil. Ben là, j'ai l'impression que des technologies qui ont été développées dans le civil sont en train de partir dans l'armée. Donc, ça fait le sens inverse. Mais du coup, je ne suis plus du tout inquiet pour ces 70 milliards. Ils vont virer tout le monde. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant qu'ils ont les contrats, à mon avis, c'est pas bien barré, quoi. Parce que tu étais inquiet en vrai. Jamais j'ai été inquiet pour les 70 milliards, mais là maintenant, je vois, je pense. En fait, c'est des mecs qui pensent globalement. Ils pensent sur les revenus de l'IA, ils pensent sur les revenus. Ils pensent pas qu'il y a cette branche qui doit gagner cet argent pour être autosuffisante au niveau de ses revenus. C'est vraiment une pensée de groupe. Et du coup, quand ils dépensent 70 milliards là, ils savent qu'ils vont pouvoir le réinjecter ailleurs. Et voilà. Clairement, ça n'est pas et ça n'a jamais été des faiseurs de jeux vidéo. Oui, on s'en doutait en vrai. On a retiré le voile. Le développeur de Legendary Tale le dit clairement. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils ont acheté des studios, pour le coup. C'était pour avoir une proposition. Et enfin, on l'a toujours dit, quand t'as pas le talent, t'as l'argent, si tu veux. Donc, si t'as pas les moyens de fonder un studio et que tu sais pas développer un jeu, ben, t'achètes des gens ou tu payes des gens qui sont capables de le faire. Après, enfin. Encore une fois, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise politique, tout le monde le fait. Enfin, Microsoft l'a fait, PlayStation le fait, bon, Nintendo le fait pas, ils sont leur propre studio. Après, on est passé dans une période, je me rappelle plus quand c'était 2000, à partir de 2017, 16-17, quand le Game Pass a commencé à être annoncé, là où ça a été l'euphorie, ça rachetait à tour de bras, c'était 5 ou 6 studios par an qui étaient rachetés et mis sous la coupole d'un éditeur ou d'un constructeur. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le mauvais plan, parce que tous ceux qui sont arrivés justement sous l'épaule, on va dire, de tous ces groupes, qui sont relativement imposants, hein, que ce soit PlayStation ou Microsoft, il y a des coupures, quoi. Il y a des fermetures, en fait, et il y a des pertes de talent, parce que l'argent n'est plus là au sein du groupe, sur un secteur d'activité. Et en fait, il faut faire des choix, et les choix ne sont pas forcément liés on va dire au talent ou au succès d'un jeu, et ça c'est ça qui aujourd'hui est problématique et dramatique, parce qu'on est sur un marché qui déjà a du mal à se développer, et si en plus en fait on lui ferme la porte par le biais des studios qui sont capables, qui ont une expérience et une bonne qui plus est, parce que bon, Sanzaru c'est bien ce qu'ils ont fait, Camouflage a pas fermé puisqu'ils ont été rachetés par Metal à ceux qui avaient fait Iron Man et qui ont sorti Batman récemment, ils étaient partis pour faire une suite, finalement vraisemblablement il y aura pas de suite. Il y avait aussi un jeu Harry Potter, si je dis pas de bêtises, dans les bacs, qui a été annulé. Donc ça veut dire que non seulement il y a des studios qui ferment, mais ceux qui sont encore là, leurs projets ils sont mis en stand-by. Donc ça veut dire quoi, si tu possèdes des studios qui ne développent rien, bon à terme ils vont être dissous, ces studios. Voilà, ils vont partir ailleurs. Ça va faire comme ceux qui ont fait Expedition 33, c'est des anciens d'Ubisoft, ils sont barrés, ils ont fait leur truc, ils ont cartonné. C'est meilleur plan, en tout cas, et la meilleure chose. C'est justement ce qui est en train de se passer dans l'industrie. On en parlait tout à l'heure, j'ai pas pu regarder toute la vidéo, mais il y a eu chez un de nos concurrents américains un podcast avec le très regretté. Confrère, on va dire. On est tous de la même famille. Il est aimé, il est pas aimé, bon, peu importe. En tout cas, il fait du bruit et c'est bien pour le média, on va dire ça comme ça. Mais voilà, Shuei Yoshida qui était invité et qui disait qu'il était aujourd'hui consultant pour des nouveaux studios qui ont émergé et qui sont ni plus ni moins des studios qui se sont construits avec des anciens d'autres studios qui ont été dissous ou absorbés. Du coup, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça va prendre du temps, ça va redémarrer un petit peu les moteurs, mais pour le meilleur, je l'espère, en tout cas. Alors, rien de secret, rien disparaît, tout se transforme, quoi. Les développeurs de Expedition 33 le disaient d'ailleurs quand ils sont partis d'Ubisoft et qu'ont monté ce truc, c'est que c'était devenu presque ingérable. Des structures qui sont devenues tellement grosses, qui sont cotées en bourse, pour la moindre petit truc, il faut avoir 15 validations au-dessus et 15 trucs, et c'est de l'administration, et finalement une petite équipe est beaucoup plus. On voit qu'avec 10 millions d'euros, ils ont fait Expedition 33, ils sont 40, et ils arrivent à choper 9 Game Awards. Donc c'est une bonne leçon, et tout à l'heure je parlais d'Embracer Group qui avait carrément dissolu son groupe pour faire 3 entités, et c'est peut-être. quelque chose qui va arriver maintenant, c'est que des entreprises qui vont arriver tellement, ils vont s'apercevoir que finalement, par rapport à des entreprises chinoises, ils sont plus compétitifs parce que déjà au niveau des tarifs, mais également au niveau de la taille, et peut-être qu'ils s'aperçoivent que trois entités, finalement, ça peut être plus intéressant et ça fonctionne mieux. C'est plus petit, ça avance plus vite. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire justement à Ubisoft. Là, ils ont annoncé que Ubisoft Global, ça n'existe plus. En fait, ils vont être divisés en cinq groupes différents. Voilà. Qui vont se concentrer justement sur certaines licences et voilà qui vont ils vont mettre des paliers sur la production. Alors, ouais, sur certaines licences, sur certains secteurs, c'est un peu plus large, c'est le mobile, c'est ouais. Le développement d'intelligence avec party, l'intelligence artificielle, les jeux en monde ouvert et le reste quoi. C'est ça. Ouais. Ce sera pas sur Prince of Persia. A priori non. Ce sera pas le remake non. A priori non. Non. Pour revenir à ce que disait Caviar tout à l'heure là sur le renouveau des studios pardon et ce que tu disais aussi Sei, moi je suis un peu plus pessimiste quand même parce que je suis d'accord sur le fait que bon voilà comme le cas des devs d'Expédition 33, ils s'émancipent d'un gros studio, ils montent leur petit studio et tout, mais ils sont sur un marché on va dire qui est encore en évolution. Et Expédition 33, on se paluche en tant que Français dessus. On fait beaucoup de bruit dessus. C'est la belle histoire. Hein. Parce que pour un studio justement qui arrive à cartonner comme ça à ce point-là, et avoir un retour médiatique aussi positif, t'en as plein qui essayent la même chose et des talentueux aussi. Hein. C'est les fameuses règles des 3% comme la start-up. Quoi. Voilà. C'est... Ouais. Oui. Donc du coup voilà sur un marché qui génère de l'argent, là on est sur, enfin on parle de VR, bon, on sait que c'est compliqué quoi, et comme tu disais tout à l'heure, Yoshida l'a un peu, lui aussi a un peu mis l'accent là-dessus en disant que bon ben malgré le fait que la VR est 10 ans aujourd'hui, elle a encore besoin de soutien de la part de ceux qui sont censés la recevoir. Le message envoyé avec la fermeture de ces studios, alors on a déjà aussi celui de PlayStation depuis quelques temps, alors et si on revient encore en arrière, celui d'Xbox et tout ça, bon, qu'on se traîne, mais je veux dire, PlayStation freine sa com sur son PSVR 2 en aujourd'hui ne le traitant, bon, je pense qu'il a toujours été un peu traité comme ça, mais vu la quantité de jeux, ne le traite plus comme un accessoire que comme une console à part entière. Meta s'affranchit de ses propres studios et met en avant même officiellement qu'ils vont laisser la place aux studios third party, donc en gros nous on arrête et puis on laisse la place aux autres. C'est finalement un peu la même philosophie que ce que fait PlayStation depuis quelques années maintenant, celle avec laquelle pardon on n'est pas trop d'accord. Est-ce que vous pensez réellement, il y a deux écoles je pense, mais est-ce que vous pensez réellement que c'est un bon message ou un bon move en fait pour le futur quoi? Non. Clairement pas. Non, moi l'état de l'AVR en ce moment et l'état du JV global me dégoûte au plus haut point. Raison pour laquelle, entre autres, ça et puis le manque d'énergie, etc., j'ai décidé de partir de VR for Player, je t'avoue. Voir des choses. Ah, tu t'en vas? Ouais, je m'en vais. Ouais, je me casse, vous me cassez les couilles tous. Non, en fait, voir vraiment l'état de la VR en ce moment, ils avaient de l'or dans les doigts, ils en ont rien fait, alors que les solutions n'étaient pas si compliquées que ça, c'est-à-dire ne pas fragmenter le marché VR et le marché plat. Mais ça, c'est des choses qu'on a répétées encore et encore et encore à écouter les 120 émissions qu'il y a derrière. J'avais donné ma vision un petit peu. On rabâche la même chose depuis. Mais on rabâche les mêmes choses. Et franchement, ça m'a fatigué au bout d'un moment. Et Nicolas Doucet le disait aussi. D'avoir toujours les mêmes poncifs. Et justement, à Nicolas Doucet, j'ai réécouté la dixième émission de Tournée VR quand il posait la question à savoir qu'est-ce que vous voyez justement pour l'avenir de la VR, est-ce qu'il pourrait fonctionner. En fait, on a tout de suite parlé d'hybridation. C'était en 2018. Ouais. 2018. Mmh. On lui a déjà dit il avait dit on va peut-être passer à côté de quelque chose de génial. Bah ouais. Et qu'il avait peur que justement Sony passe à côté de quelque chose de génial. Et c'est exactement qu'il avait des infos qu'on n'avait pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Et justement, de se mettre des limites justement dans le développement VR, de se foutre des limites de hardware avec, avec tout ce marché autonome qui a complètement phagocyté globalement ça, le marché. Tout ça pour s'affranchir d'un câble. Tout ça pour s'affranchir d'un câble, ce qui était une bonne idée au départ. Ce qui était une bonne idée au départ. Et puis et tout ce qui se passe. Non, c'est, c'est pas le matos le problème, hein. C'est la politique derrière. Ouais. Et tout ça en fait, voilà, moi me dégoûte en fait. Et effectivement, j'essaie de me montrer plutôt optimiste justement quand je vois des exemples comme les développeurs d'Expédition 33 qui arrivent à faire quelque chose et certains développeurs même VR qui arrivent à rentrer dans leurs frais, en tout cas un minimum. C'est cool, mais ça aurait pu être tellement différent et tellement beaucoup plus verdoyant le marché de la VR que ce que c'est maintenant. Là pour le moment, le marché pour moi, il est en. Il n'a pas en quasiment en phase terminale, quoi. Vraiment, je vois pas d'espoir en tout cas. Moi, je vais nuancer un petit peu parce que du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais, Majo. Je suis énervé, toi, ça y est. On n'a pas l'habitude. Pardon. Par rapport à la communication de Sony qui a été freinée ou même inexistante, je sais plus. Alors, où est-ce que j'ai vu cette info, mais quelqu'un disait que, je crois que c'était sur X, que en fait, vis-à-vis du comportement de Meta, Sony aurait gardé un comportement plutôt prudent. Alors, on peut décider de le voir comme ça, hein, ça peut être du déni aussi, mais ça fait écho aussi à ce que moi je vois tous les jours, parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, je travaille du coup en parallèle dans la réalité virtuelle, j'ai cette chance, qui est de la réalité virtuelle loisir indoor, où j'accueille des gens qui viennent faire des parties. C'est l'instant promo. 7 joueurs, dans du free roaming, ouais, voilà. Je sors ta carte de visite, caviar. mais en fait ce qu'il faut aussi retenir, c'est que bah, voilà, on parle souvent de data, il y a des choses qui se disent, des influenceurs, de la spéculation, etc. Mais tout ce qui est toujours, pour moi, vraiment à prendre en compte, c'est le direct. Et j'ai la chance du coup d'avoir une salle qui fonctionne et des centaines de personnes par mois en front avec qui je discute. T'as toujours souvent un groupe de 5 personnes, donc t'as un gars qui connaît bien la VR, il a un casque chez lui, très rarement un PSVR 2, plus souvent un Quest. Mais en tout cas, il vient faire de la VR avec ses potes pour leur faire découvrir, parce qu'en fait le gars, même lui étant censé être un ambassadeur de la VR, il sait pas comment en fait... montrer ce média magnifique à ses amis. Du coup, il les amène ici. Et en fait, quand tu discutes avec le gars, tu te rends compte, si t'as de la chance, qu'il a un PSVR 2, tu dis, mais du coup, t'as vu, il y a Hitman qui est sorti. Et même ce mec-là ne sait pas, en fait, qu'il y a Hitman qui est sur ce casque, quoi, tu vois. Et c'est un truc de fou. C'est un parce truc de fou. Parce qu'il n'écoute pas VR for Player, voilà, ouais, tout simplement. Déjà. mais ça montre bien que ouais, la communication... Enfin, en tout cas, là où je suis un peu moins pessimiste, c'est que je me dis que la VR a encore toute son acquisition à faire. Maintenant, plus on avance et plus on se dit que ça va être de plus en plus compliqué, en fait, puisque bah, l'argent se crame, les studios, les talents s'en vont. Oui, ça mettra du temps à redémarrer. La VR a sa communication à faire, t'attrapes pas des mouches avec du vinaigre. Et t'as vu, enfin, moi, c'est quand Laurent m'a fait le screenshot du store PlayStation, PSVR 2, mais putain, ouais. Mais t'as l'impression d'être au ça fin craint. Fond de l'App peur. Store et alors que quand tu tapes PlayStation VR 2 sur tu tapes PlayStation et VR, je crois, sur Google, j'avais mis le screen dans notre conversation il y a quelques jours, les jeux qu'ils mettent en avant pour le coup sont pas dégueux, quoi. Oui, Sony, les jeux qu'ils mettent en avant sont bien. Par contre, faut pas les classer par ordre de sortie. Ouais. Mais les ordres de sortie, c'est ouais, parce que c'est 2022, 2026. Si, vraiment, si mais dans l'autre sens. C'est du scam en fait. C'est du scam. Tu les tripes hors de sortie, mais de la sortie la plus ancienne à la plus récente. Bah, c'est ça. Attendez, là vous parlez du store. Les scams, ils ont pris toute la première page. Vous parlez du store là. Ouais. Toi c'est le blog. Toi c'est le blog. Ouais. PlayStation Direct. Non, toi c'est le PlayStation Direct. Ouais, c'est ça. Quand tu tapes, ouais. Et tu défiles, bah ouais, tu vois du horizon. Ils ont fait une super page, super bien présentée. Ils ont sélectionné leurs jeux et globalement, tous les jeux sont bons. Sur le store également, hein, c'est 95% d'hybride. Voilà. Et en plus, oui, c'est vrai. Et par contre, c'est vrai que même quand tu vas dans le store, le vrai store, et que tu tapes juste PSVR 2 sans faire de tri, c'est pareil, ils te mettent, je crois, les meilleures ventes. Oui. Et du coup, tu as quasiment tous les gros titres qu'on connaît, quoi. T'as du Resident qui sort, du Gran Turismo, des trucs comme ça. Voilà. Et donc voilà, juste pour compléter ce que je disais là-dessus, notamment tu le disais tout à l'heure, le câble Majo, il y a eu toujours cette guerre entre Meta, Play, etc. Le fait qu'on justifie que Meta ait donné l'accessibilité en cassant le prix, en coupant le fil. Moi j'aime bien dire qu'ils ont coupé net les vivres à la VR d'ailleurs en faisant ça. Merci Meta. Mais en tout cas. Quand j'ai une personne qui vient et qui kiffe sa session VR et qui envisage d'acheter un casque, les deux choses qui reviennent toujours, c'est « Ok, mais est-ce que je vais être malade ?» Ça, toujours. Voilà, ouais. Parce que bah il y a cette ça, c'est un problème. Voilà. C'est un et la problème. Deuxième chose, c'est mais du coup, c'est un peu moche, non? Parce que du coup, c'est un problème. Fait, la personne cherche de la qualité. Oui, mais du coup, quand on nous dit oui, mais les hardcore gamers, vous avez pas raison. Les gens, ils recherchent pas du triple A, ils recherchent pas des graphismes. Bah, pourtant, moi, les gens que j'en passe, hein. Ils cherchent à rêver. Oui, c'est ça, en fait, finalement. On cherche à être transcendé, c'est tout. Oui, et alors, remettez-vous en 2016. Rappelez-vous en 2016, quand la VR est sortie, quel rêve ils nous vendaient, en fait. Moi, je sais pas, c'était sortir du boulot, je mettais un casque et je me retrouvais à nager au milieu des dauphins, je me retrouvais sur Mars en train de me battre dans Farpoint, je me retrouvais Mars Kitchen. En train de faire... Voilà. Le souci, c'est que maintenant, tu te retrouves dans des mondes en carton, donc t'as même plus envie de l'enfiler, ton casque. Et déjà, c'est pénible de mettre un casque, en plus. Quand t'es pas dans ton propre salon mal rangé. Voilà, mais en tout cas, toutes ces histoires de câbles et tout, c'est des problèmes qui viennent ensuite. En premier lieu, la personne, elle met son casque, elle kiffe. Et après, on se pose la question de « Ah, est-ce qu'on peut alléger le truc ? Est-ce qu'on peut le rendre plus grand, accessible ?» Et là, aujourd'hui, on est. Enfin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cherché à t'immerger dans un monde à l'origine. Ensuite, on a cherché à te sortir de ce monde immergé et faire venir le monde dans ton monde. Et aujourd'hui, on est complètement parti sur autre chose où, en fait, l'immersion du monde, on s'en fout. C'est détruire le du monde. Traitement d'information. Oui, c'est ça. C'est l'évolution de la VR. C'est ça. C'est un peu ça. Merci. Détruire le monde, revenir dans le monde et détruire le monde. Voilà. Elle est parfaite. Merci Meta. Ah oui, il faut dire merci Meta. Merci Meta. Ouais, on a aussi. Je vais en parler. On a aussi, alors on pleure sur l'hybridation quand même des jeux plats en VR. Je sais ce qu'il va dire en plus. Depuis, ah ouais, ouais. Depuis des on années. On sait tout ça. J'ai vu et 2018. Entendu. 2018. J'ai vu et entendu qu'aujourd'hui, il y en a qui incitent quand même à faire l'inverse. Oh oui. C'est-à-dire, les gars, développez vos jeux VR en plat. Histoire de toucher un maximum de joueurs, en fait, et c'est l'avenir, et c'est comme ça que vous arrivez à avoir des revenus. Ok. Ta gueule. Voilà. Je peux pas le dire autrement. Je pensais qu'on débattait, là. Mets ton doigt accusateur devant la caméra. Toi, y a là. Pas, y a pas... Écoute-moi bien. Toi. Sans aucune animosité, en fait, je peux pas le dire autrement. Bien sûr. Je peux pas m'entendre dire. Je veux dire, on est très bien placé autour de la table pour se dire ça fait des années qu'on pleure, ça fait des années qu'on nous dit mais non, le motion gaming, c'est l'avenir. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça la VR. Au final, c'est pas... les mecs sont plus désespérés que nous, quoi. Parce que Ouais, non, mais c'est... Enfin, et puis surtout, enfin, attends. Du coup, les jeux plats en VR, c'est pas des vrais jeux VR, c'est des mods. Oh là là, je suis tellement pas d'accord. C'est pas bien, les Game Awards, c'est pas des vrais jeux qui ont gagné. Enfin, bref. On l'a trop entendu, ça. On l'a entendu. Et aujourd'hui m'entendre l'argument inverse, en fait, être sorti en disant « Bon, ben, vos jeux VR, vous les adaptez en plat. » Putain, mais aujourd'hui, tu prends 80% du catalogue et de ce qui sort, ça n'est pertinent que parce que c'est en VR. Tu sors ça sans réalité virtuelle, ça n'a aucun intérêt. Les gens, ils voudront toujours pas mettre un casque. Hein. Ils le feront sur le téléphone. Ah, le jeu. Non, mais en plus... Ça va plus vite. Non, en plus, mais c'est pire que ça, c'est qu'ils nous ont déjà pourri notre catalogue PSVR 2 et PSVR. Maintenant, ils veulent pourrir nos catalogues PCVR et console, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeux là quand ils vont arriver en plat? Ça va faire 5000 jeux qui vont débouler comme ça, quoi. Non, mais rien, c'est-à-dire qu'un jeu qui est 500. Déjà vendu 10 balles en VR sur un store parce que bon bah parce que c'est pas terrible et puis parce que ça vaut pas plus cher, enfin ça vaut pas beaucoup plus, quoi, tu vois. Mais tu te dis, bon, le mec, il se dit, attends, oh putain, oh, vas-y, on fait une version standard, on va cartonner, tu vois, on va le vendre deux fois plus, on va se faire des couilles en or, mais je veux dire, quel va être le gameplay? Un truc qui aurait été plus intelligent, il y a eu très peu de jeux comme ça, hein, sur le PSVR 2, il y en a un, alors je sais même plus, je crois qu'il est dans les démos, je sais même plus, mais qui pourrait être le truc le plus intelligent à faire avec ça, ce serait de faire un jeu où tu peux jouer avec quelqu'un qui est assis sur ton canap et qui est à la manette, et il y a une collaboration entre la partie VR de la personne qui joue en VR et la personne qui joue à la manette. Là, ok. Astro Playroom. Ils l'ont fait sur plusieurs jeux, ça. Ouais. Mais là, ok. Oui, mais Playroom, ça, et il y en avait d'autres. Le jeu dans l'espace, là, Laurent, tu sais, où tu tu pouvais mettre les pièges sur ton téléphone portable pour la personne qui jouait oui. en VR. Oui, le oui. roguelite. Ah, et le truc jeu. Où tu devais te libérer oui. De quelque chose, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Là, t'en avais un qui avait un gros manuel où il faisait alors attends, qu'est-ce que tu vois ? Ok, quelle référence tu as ? Un truc de bombe. Ouais. Ah ouais, et c'était Keep Talking and Nobody Explode. Je crois que oui. Heureusement qu'on a des anciens. C'est oui. Incroyable. Je me rappelle. Mais ouais, j'y étais. 2018. C'est moi. Non mais c'est vrai que c'est quand même la tristesse quoi. Enfin, je... Alors je vais prendre voilà, je cherchais un exemple depuis tout à l'heure, mais un Dig VR. Voilà. En parlant des vrais jeux, un Dig VR en plat. Honnêtement, est-ce que ça vous fait pas rêver? Non. Voilà. Non mais je même... veux le jeu de la. Mais même en VR, le jeu de la top. Mais t'en avais le jeu de la qui... top sur ma PS5 Pro. Du coup, pigeon vert, mais comment t'en tu fais un de Dig VR qui cassait des bouches, avec là, une simulation comme ça. Ah, mais c'est construction. Je veux Gorilla Tag sur la PS5 Pro. Ah ouais, mais tu fais des routes. Ça existe en plus. Ah oui. De quoi possible. Gorilla Tag. Parce que je dis ça pour rigoler, mais ça se trouve. Non, mais après, il y a des contre-exemples aussi. Non, mais Gorilla Tag, c'est un vrai jeu. Ils avaient sorti non, mais Among en plat Us. Sur la PS5. Ah, ah ouais, Among Us. Ah non, non, je crois pas. Hein. Ouais, Among Us, c'était un jeu en 2D. Ils l'ont fait en VR, 3D, en VR en 3D. Et ensuite, ils l'ont ressorti en 3D plate. Oui, mais ça, c'est parce que la VR te donne des bonnes plates. Mais tu vois, enfin, c'est. Et ça a marché, hein, plus, hein. Ça a marché. Ouais, mais de base, c'était quand même un jeu plat. Donc, mais oui, bien sûr. Mais oui, ça change complètement le gameplay, tu vois. Non, mais il a bien évolué. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on a évolué nous aussi, hein, parce que quand en PSVR, on avait des jeux qui n'étaient pas forcément. Il y avait certains jeux qui n'étaient pas forcément extraordinaires, mais ils arrivaient à nous charmer. Et même tout ce côté un peu dessin animé, le côté graphique simplé, polygonal et tout ça, des fois, ça choquait pas sur certains jeux. On en a eu plein des comme ça, mais le problème, c'est qu'on en a tellement bouffé. Que maintenant c'est presque un standard. Le truc, putain, tu le vois arriver, voilà, tu t'en peux plus parce que tu dis c'est pas possible quoi. Et c'est vrai que quand le PSVR est sorti, moi ce qui m'a toujours épaté, c'est les premiers temps du PSVR, c'est qu'il y avait une diversité de gameplay et d'idées, mais c'était un truc de dingue. On avait des jeux plats qui retransformaient, je me rappelle encore comment il s'appelait, avec l'ours, la bière, où tu étais dans un théâtre, The Lost et Beer. Tu jouais en The Lost Beer. Et tu étais dans un théâtre et tu jouais à un jeu plat sur un écran de 20 mètres devant toi qui était une scène en fait. Et quand il se passait des choses dans le jeu plat, il y avait des interactions VR qui te sautaient dessus, des éclairages qui changeaient. Et rien que ça, ça faisait une autre façon, c'était une autre idée. Et des jeux comme ça, avec il y avait le truc de zombies aussi. Bloody Zombie. Bloody Zombie. C'était pareil, c'était des jeux qui payaient pas de mine. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit putain, mais un Rayman comme ça, mais je suis comme un Bloody Zombie, pour le rappel, c'est un beat'em all en 2D. En 2D. Tu vois juste, en VR. Tu juste la caméra en fait sur le côté de l'action, vraiment à l'ancienne, et ça fonctionne du feu de dieu. Vraiment, ça fonctionne ultra bien. Pourquoi j'ai jamais il se posait essayé, pas ça, de questions. Il se posait pas de questions. Mais ça rendait super bien. Ouais. Il se posait pas de questions non plus avec la première personne, la deuxième, la troisième. Ils en avaient rien. Ah à oui, foutre. Ils s'en foutaient. Ils faisaient un jeu à la troisième personne. Theseus, ça marchait quoi. Tu sais le jeu qui était vendu un peu comme God of War. Un jeu italien. Et je l'ai refait sur PC là, mais c'est trop bien quoi. C'est vachement bien. Ouais. Et toutes ces idées-là, elles n'ont jamais été exploitées. Maintenant, tu te bouffes du roguelite qui n'existait pas sur le PSVR d'ailleurs, parce que les roguelites sont arrivés sur le PSVR 2 maintenant. Alors maintenant, on en bouffe. Et on entend encore, même sur le Discord, un TPS, ça peut pas être bien en VR. Mais si, mais essayez les gars en fait. Bah, ça existe depuis le début de l'année en fait. Alors, moi je l'ai toujours dit, ça dépend du jeu. Oui. Je répète, un jeu comme God of War, je le vois pas en VR. Mais moi, bien sûr que bah, si. Tu parles du God of War le nouveau. Ouais, les deux derniers. Oui, les deux derniers. Oui, la mise en scène, le côté. Ouais, c'est trop cinématique. Parlé, mais le jeu vidéo, il est devenu trop cinématique aussi. Mais le même système que, par exemple, Dante Inferno, ça passe. Ça passe crème. Non, je pense franchement, c'est une barrière, Majo. Non, mais ça fait longtemps que tu le dis, je pense. Pas que... sur ce jeu-là, je te dis, la mise en scène a trop d'importance dans le rythme, dans la narration. Et je pense que le mettre en VR tel qu'il est aujourd'hui, le jeu ne sera pas le même. Tu n'auras pas le même ressenti. Je crois qu'il est modé hein, sur PC. Tu repasses en VR sur PC. Tu repasses en cinématique grand écran, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans? C'est comme tous les jeux, en fait. C'est ouais, comme mais tous les jeux, en fait, Majo. Tu perds ce côté plan séquence, parce que si tu passes en cinématique, tu passes d'un moment où tu es à un endroit, et en fait, tu sors. Ouais, ça peut faire une petite barrière et d'immersion. Ouais. Et du coup, le principe du plan séquence, c'est que t'as pas de cut. Donc là, mais forcément, tu n'as pas de cut. Les God of War, tu es la caméra. Hein. Tout était, si tu n'as pas de cut en plat, t'as pas de cut en VR. Oui, mais. La mise en scène oriente ton regard, si tu veux. C'est ça qui est important. Ah oui, et dans le plan séquence. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça dépend du jeu. Mais moi, pour moi, un jeu où il y a énormément de mise en scène en plat, tu peux pas l'adapter en VR parce que tu peux pas orienter le regard là où mais tu veux. Mais R4, c'est un peu le ça. Le joueur, il regarde. Alors, RE4. RE3. Oui, mais les cinématiques d'RE4 Remake sont en plat, si tu veux. Ouais, en plat, ouais, bah c'est ça, c'est ce que je te disais. Oui, mais donc t'as un cut, puisque forcément ouais, toi, tu passes pas de, cut, quoi. De la VR à. Mais du coup, la mise en scène n'est plus la même, c'est ce que je dis. Quand tu passes sur un. Enfin, le principe de God of War, c'est que c'est un jeu en plan séquence. Le plan séquence, c'est que t'as pas de cut. Du début à la fin, t'as l'impression qu'il y a un mec qui suit l'action avec une caméra à l'épaule. Voilà. Et pourquoi c'est ça sera pas ta tête directement dans l'univers qui suivrait pas l'action? Parce que tu ne peux pas orienter le regard du joueur VR là où tu veux qu'il regarde. Forcément, il va regarder à 360 degrés. Donc, comme un plan séquence en 2D, la caméra te dit de regarder là où tu dois regarder. Tu peux rajouter des petits signaux, ce genre de choses, tu sais. Je ne sais pas si tu te rends compte d'un truc. Sur les jeux modés, après, pas sur les trucs officiels, je ne sais pas si tu te rends compte d'un truc. Quand ta caméra, dans ta mise en scène, bouge en 2D, quand elle change de plan, ta tête... oui, VR, elle bouge aussi. Change. Il te demande pas ton avis en fait si t'es en mouvement ou pas. Hein. Non, mais par contre, t'as ta quand vision même la change. Mais t'as quand même la capacité de regarder gauche droite. Et tu peux. Par contre. Bon, mais pas dans. Par pas contre, dans, le, dans pas dans ta jeu. Position zéro. Ta position zéro en VR de ta tête en fait ne change pas. Il suit justement le mouvement de la caméra. Ça, je suis d'accord. Mais le fait que tu peux avoir un travelling en VR si tu veux. Le fait que tu puisses regarder derrière toi. En fait, pour moi, c'est un problème. Parce mais ça, c'est pas une question de plan séquence ou quoi que ce soit. Parce que dans tous les jeux, c'est comme ça. Tu as un plan dialogue entre personnages. Par exemple, dans Red Dead Redemption 2, l'intro, justement, est bien pour ça. Ça te cadre une scène, ça cut, tu vois les personnages derrière. Ça regarde, ça te montre les personnages. Je vais te prendre un exemple récent. City of Hunger, sans spoil, bien sûr. Tout à l'heure, ça date d'il y a 3 heures. Hein. Oui, parce que ça commence à faire un petit peu long. du coup, je suis content que t'en reparles. Je suis en train de me faire défoncer par les zombiacs. Et en fait, comme tout s'enchaîne, il y a littéralement un PNJ, je vous dis pas lequel, à un moment donné, qui est là. Et en fait, je me tourne ma tête, je me rends compte qu'il est en train de se faire bouffer. Mais si j'avais pas tourné la tête, je l'aurais pas vu. Mais t'es sur un jeu VR d'origine. Ça, c'est une mise en scène VR, ça. Ouais. C'est une mise en scène VR. C'est pas pareil. C'est différent encore. Ouais. Juste imaginez-vous, faites God of War, relancez-le juste 10 minutes, voyez comment c'est monté et narré, et je vous dis, imaginez-vous avec ça en ayant la possibilité de regarder droite-gauche. Je vous assure que l'impact, il sera pas le même. C'est sûr. Comme tous les jeux, Majo. La prochaine Gantz, fois que j'y joue, je ferai attention. Mais c'est pour ça que je dis que tous les jeux sont pas adaptables. Elle fonctionnait pas. Tu peux aussi faire des ralentis et demander à un joueur de regarder à un endroit avec un faisceau lumineux et ensuite le ralenti repart. Il y a plein de jeux qui jouent. Oui, mais dans ça, ces cas-là, tu retravailles tout le jeu. Oui, ça c'est sûr. Bah, ça c'est sûr. Et c'est que ce soit plan séquence, que ce soit God of War ou n'importe quel jeu en 3D, en TPS, où il y a des cinématiques. Tous les Resident Evil, quand je vous en avais parlé au début où je m'essayais au mode sur PC. Je vous ai dit, tu vois l'envers du décor. Oui. T'es hors du cadre. Tu vois tout ce qui se passe, tous les bugs justement, qui sont à l'extérieur, que dans les ficelles. Oui, ou les PNJ qui sont en attente derrière. Exactement. Avant de qui se mettent à figer ou qui sont enfoncés dans le sol. Les bras en je trouve ça très voilà. Exactement. Ça, tout ça, il faut trouver un système effectivement. Mais tu vois la boîte aux lettres justement est une bonne solution. Mais oui, c'est sûr que tu vois les ficelles, quoi, en VR. Non, mais le but, si tu fais un vrai truc, c'est que tu les vois pas. Dans les Resident Evil, tu vois pas les ficelles. Enfin, dans les R4, un tu truc vois tout pas bête. Les ficelles. Pourquoi pas flouter Hitman, le tu les vois pas. Pourquoi pas flouter le tour. Ou alors tu fais comme les caméras 360 qui avaient passé un temps, ou que tu pouvais replier sur elles-mêmes, et du coup... T'as l'ombrage. Non, t'avais soit le choix de filmer à 360, soit le choix de filmer à 180 degrés. Et au final, tu te retrouvais en fait 180 degrés par rapport à ta tête qui est ronde. Tu avais un truc comme ça, mais quand tu tournais là, tu étais dans le noir en fait derrière. Mais tu avais vraiment l'impression d'être dedans parce que c'est comme si tu étais devant un énorme théâtre et que tu étais sur la ligne en fait, la ligne de la scène. Et du coup, tu as l'impression d'être dedans quand même, mais tu peux pas regarder derrière toi. Après, et finalement, pour un gamer avec une manette qui se met dans son canap, de proposer un casque léger qui coûte pas grand-chose à 180 degrés en 3D sur un environnement, mais bien sûr, quand tu bouges la tête, ça peut, bah, rien que ça, déjà, ça pourrait être un truc en plus. Ouais, un game changer. Il faut vraiment que les joueurs plats trouvent en fait un intérêt à se mettre ça sur la tête et se disent ouais, c'est mieux que si j'étais faire sur la jouer télé. Les joueurs plats. Ouais. Les faire essayer. Et sur une bonne licence, parce que même les joueurs plats, hein, y a quand même des petits soucis. Après, on peut... ils ont quand même des licences, on va dire, phares de base. Après, tout ce qui sort à côté, c'est vraiment de l'anecdotique. Mais là, Expedition 33, ça parle pas beaucoup. On peut dire quand même que beaucoup de grosses licences sont en train de tomber. Hein. Enfin, Call of va pas bien. Oui. Ubisoft, enfin Ubisoft va pas bien. Assassin's Creed Shadows, c'est une catastrophe. Vraiment. Et ça me fait mal de le dire. Hein. J'aime bien cette licence. Hein. Pareil. Bah, mais techniquement, c'est de la merde en bas sur PC. Même le dernier. Hormis les visages, et les animations, du coup, parce que c'est vrai que les animations. Non, en fait, il y a vraiment des gros problèmes techniques qu'ils n'arrivent pas à réparer depuis plusieurs mises à jour maintenant. Un truc tout con. Hein. Tu avances dans le jeu, dans le décor, tu avances, au bout d'un moment, les textures vont plus se charger. Parce qu'ils sont incapables, sur leur moteur, de gérer un espèce de goulot d'étranglement de la mémoire. Il faut que tu achètes plus de RAM. Ouais, ça doit être ça. J'ai que 64 Go de RAM. C'est vrai que je suis un peu ledge. non, mais c'est un problème vraiment récurrent dans beaucoup de configs. Un problème qu'il n'y avait pas dans Assassin's Creed Valhalla. Et là, ils n'arrivent pas à régler le problème. Et c'est injouable. Les missions, quand tu parles à un PNJ, elles sont montées jusqu'à 22 secondes chez moi. Tu parles au perso, puis après, il se passe rien pendant 22 secondes. Putain. Ah, c'est long, hein. Non, le jeu est cassé sur PC. C'est les petits studios, il faut qu'ils se fassent la main. C'est les petits studios, c'est vrai, voilà. Mais apparemment, sur PS5, patcher, ça marche très patcher, bien. Ça sera patché. Sur PS5, apparemment, ça se passe très bien. Mais sur PC, la vache, c'est dur de l'aimer, ce jeu. Comme quoi. Donc voilà. Le monde à l'envers. Le PC est toujours mal aimé. Mais pour en revenir au TPS, c'est faisable. Tu prends un Astro Bot ou même un Ven. Ça existe. Les jeux de plateforme, t'es bien à la manette derrière ton personnage, ça fonctionne parfaitement. Les gars, vous prêchez, celui qui montre ça super, c'était Lucky Style. Aussi. Il était sublime. Parce que lui, il te montrait vraiment. Il avait des différences de gameplay, il passait un petit peu à la Mario tout en restant en 3D. Puis après, c'était un TPS normal et tout. Il montrait vraiment tout ce qui était possible de faire dans un seul jeu. Si je peux les faire en VR, hein, je suis désolé. Après, j'entends totalement ce qu'il y avait dans le reportage de Laurent. Je me suis pris 2-3 petits coups dans le foie à certains passages. T'inquiète pas. Mais moi, je fais partie vraiment des joueurs inconséquents. Et si je peux y jouer en VR, j'y joue en VR. Au jeu plat. Et Stellar Blade, tu vois, par exemple, j'y ai pas touché une seule fois en plat. Les Resident Evil, je ne les ai pas touchés une seule fois. Elle m'étonne pas. La vanne. Tu m'étonnes. De toute façon, il y a un truc qui est bien avec la VR, c'est que même quand elle se loupe, quelqu'un qui est acquis à la VR, il est acquis à la VR. C'est-à-dire qu'il a essayé son jeu en VR, c'est plus jamais possible. Et ça, c'est tout le monde qui le dit sans exception. Les jeux de course, c'est le pire. Tous les mecs, c'est indéniable. Encore, je sais plus qui en parlait dans le Discord aujourd'hui, qui a dit j'ai fait essayer à mon pote, il est ressorti de chez moi, il a dit il a passé commande, quoi. Le panier Amazon, il était plein. Donc, les jeux de course, quand t'as essayé, tu peux plus jouer différemment. C'est en plat, c'est pas possible. Fini. Ouais. Moi, perso, c'est les Resident Evil. Ah oui, non, mais voilà, on peut faire la liste. Hein, les Resident Evil, le village, ah bah le 9, même pas le touché 9, avec pas un. Prêt, hein. Un bâton, mais par contre en VR, je parle pas de Dimitrescu, hein, je parle vraiment de tout le reste, tout ce qu'il y a autour, hein, y a pas que ça. Mais même le premier screamer avec le loup quand t'es sous la maison, la vache, mais jamais tu cries ou quoi, ou t'es surpris en plat, c'est impossible. Beneviento. Déjà l'univers est à chier, bref, après c'est perso. Mais la dernière trilogie, oui, si le 9 mais alors, il n'est pas en place, il ne sera pas sur mon armoire. Quoi. Typiquement, alors je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a fait en non-VR, mais Resident Evil 8 non-VR, c'est à chier. Ben non, moi c'était... C'est ce que je viens de dire, c'est nul. C'est à chier, c'est injouable. Non, mais même pour un Resident Evil, si tu veux, on est d'accord que par l'histoire, par le gameplay, bon, ça ne brille pas non plus, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas... C'était obligé de le faire en, une partie en plat. Le nouveau Resident. Non, mais en termes d'ambiance, de survival, de, tu sais, de oh, même de gameplay. Enfin, quand t'as commencé à jouer en VR avec les contrôles VR, tu sais, c'est limite tu oublies comment jouer, avoir un shoot avec un stick, quoi. J'étais une bite totale quand j'ai fait le 8, parce que justement, je savais pas qu'il allait arriver en VR, que je l'ai fait après le 7. Le 7, je l'avais fait en VR. J'ai fait le 8 en non-VR, mais j'étais dégoûté. Moi, j'ai été obligé de faire le mode mercenaries là pour débloquer, parce que je l'ai platiné, j'ai débloqué toutes les armes et tout. Et j'ai dû, en fait, le mode mercenaries n'était pas en VR. Et du coup, j'étais obligé de faire ça. C'est en plus un mode où tu es obligé de timer. Tu sais, tu es obligé de tuer tous les ennemis vite pour avoir le rang SS et débloquer ce que tu veux débloquer. Et ben, j'ai dû m'y reprendre en 15 000 fois parce que ben, j'étais en plat et que j'avais fait le jeu tout en VR, quoi. Pareil pour le 7, quand j'ai commencé la VR à l'époque, j'ai commencé Resident Evil 7. Après quelques semaines après, il m'annonce le mode et tout, je fais mais quoi et tout, je commande un PSVR 1, je le relance dessus et je fais mais pourquoi j'ai pas joué à ça dès le début en fait, parce que c'était rien à voir, ça n'avait rien à voir en termes d'expérience. Ouais, il était incroyable le 7. Ah ben. Et tu vois le 9, c'est clair, j'ai découvert en VR. Le 9, j'y toucherai pas. Le 9, j'attends. Voilà. J'attends. Alors, souvenez-vous de Village, on était au bord du suicide quand même parce qu'ils avaient quand même on était sûr qu'il allait pas être VR le 8. Il y avait eu, on n'était pas dans la même configuration. Il y avait eu des prises de position de Capcom, ils n'avaient pas lâché une info. Quoi. Mais ils aiment bien faire du ça. Du coup, à la fin. Mais c'est le 4, par contre, non. Le 4, on l'a su quand même. Non, le 4, on l'a su. Trois mois après, c'est ça ouais. Non, le jour J. Non, on l'a su avant. On l'a su avant qu'il sorte. Ils ont annoncé le Village et à la fin de l'annonce de Village, il y a eu une image en disant prochainement Resident Evil 4. C'était un set of play ou un truc comme ça. Ah ouais, mais pas en VR. Mais pas en VR, ouais. Non, pas en VR. Ils ont vraiment fait une VR content coming et on se posait la question de ce que c'était. Ah oui. Oui, mais sur un set of pour. Ça c'est sur un set of où Resident Evil 4 avait déjà été annoncé, mais il n'était pas encore sorti. En fait, c'est entre les deux où le mode vert a été annoncé. Juste avant vraiment la à la fin, février, je crois. Février, et c'était sur un gameplay. Parce que Philomène va vous corriger, si vous vous trompez. Alors, si vous avez la date, voilà, c'est ça. On va faire comme ça. Dites-nous dans les commentaires. Laurent est parti en mode vert. Décrivez-nous la situation et comment ça s'est passé. Voilà. J'ai le visuel, j'ai l'image, je m'en rappelle, mais je ne me rappelle plus à quel moment ça a été publié. Si, c'est un State of Play. Moi aussi, je l'avais parce que justement, c'est là où j'ai dit le Capcom Showcase. Je peux acheter. Un délire comme ça. Et ce qui était plus fou, c'est qu'ils ont publié cette image qui a duré 3 secondes hein, parce que ça a été super rapide. Et rappelle-toi, c'était VR content et on se prenait la tête de savoir si on allait avoir un jeu de canard en VR. Tiens, d'ailleurs, Et le lendemain, cette image, elle était plus nulle part. Ils avaient retiré les trucs, et on était en panique. On disait merde, c'est quoi ce délire? On en pouvait plus là. On en pouvait plus. Et du coup, on avait fait des captures le soir même pour avoir l'image et on l'avait publié sur le site d'ailleurs. Cette image. Là aujourd'hui, d'ailleurs, les gars, d'avoir de l'espoir, on l'a eu. Hein. Là d'ailleurs, on s'en fout. Justement, quid des vendettas et consorts de se faire entendre en tant que joueur, les commentaires, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Moi, parce que faut le faire, ça fait pas de mal. Faut le faire. Hashtag no PSVR 2, no buy. Ou alors ça, l'effet inverse, il nous casse les couilles. Non, mais après, c'était la merde à l'époque. T'as nos confrères américains qui disent qu'il faut le dire de manière positive. Bon, moi, il faut plutôt pas faire de no buy. Bah, si. Oui. Attends. Si, voilà. À l'américaine, toi, tu critiques, mais avec le sourire, toi. Donc, c'est pas. C'est pas notre façon de faire, nous, en France. You are a fucking motherfucker. Voilà, la révolution, nous, tu vois. Bah, tu me vends pas ce que je veux, je te l'achète pas, en fait. C'est aussi simple. Voilà, ça, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est clair. C'est ça, oui. Mais bon, franchement, j'aime bien les phrases courtes. RE9, il va se vendre quand même, hein, de toute façon. Ouais. Il va faire un carton. Ah oui. Oh, oui, c'est sûr. Ça, là, il y a eu quand même des vagues sur la chaîne YouTube de PlayStation quand ils ont publié le trailer de RE9. Au départ, en fait, il y a eu 4500 commentaires sur la vidéo du trailer. Et le problème de la VR, c'est que c'est au moment où les youtubeurs ont commencé à dire il faut aller dire de réagir. En fait, si tu regardes l'historique des commentaires, tu as une petite ligne jaune sur le côté de ton ascenseur qui t'indique, en fait, quand tu fais une recherche sur tous les commentaires que tu as chargés, il va te mettre partout sur la ligne, il va te mettre des points où est-ce que ça a été demandé. Donc tu tapes PSVR 2 ou tu tapes VR et tu t'aperçois qu'en fait, sur les 3500 premiers commentaires, il n'y a quasiment pas. Et à la fin, tu as une masse, c'est tout rouge. Donc en gros, ça a été une grosse vague qui est arrivée d'un coup sur la fin quand les youtubeurs et tout ça spécialisés VR ont commencé à en parler. Alors que c'est vrai qu'on devrait les harceler en fait tous les jours, toutes les semaines. Tu poses un petit com. Ça serait plus efficace parce qu'au moins ouais. La ligne elle serait rouge de partout quoi. Je sais pas si ça serait vraiment plus efficace. De toute façon, si c'est pas prévu dans le budget, en général. Exactement. Ouais. Exactement. Surtout que ça a quand même un gros doigt d'honneur aux VRistes parce qu'ils nous ont mis les deux vues cette fois-ci. T'as la troisième et t'as la première. Et ils parlent de la vue FPS comme la version la plus immersive. MDR, n'importe quoi. Non, mais ils déconnent. Ouais. Ouais, sérieusement. Mettez-vous à la place de Capcom. On leur a payé 5 millions de dollars pour Resident Evil 7. En fait, c'est des enfants gâtés, quoi. On sait pas combien ça a coûté pour Resident Evil 4 et Resident Evil 8. Et maintenant, ils vont jamais se dire « Ah, oh, Sony veut pas nous donner des ronds, on va le faire nous-mêmes. » Mais non, eux, ils attendent. Non, non. Ouais, parce qu'ils savent qu'ils vont pas récupérer beaucoup de pognon derrière aussi. 40 balles le patch. Ouais, c'est ça. Franchement. Ouais, mais s'ils en vendent 200 000 à 40 balles, les 5 millions qu'ils auront loupés... Parce qu'eux, dans leur tête, ils vont pas se dire « Ça va nous coûter 500 000, on va gagner 750 000. » Ils vont se dire « Sony aurait pu nous donner 5 millions. » Donc, ils vont rien faire. Ouais. Ils vont attendre. Et en tout cas, sur PC, il y a donc les modes de Lucross qui étaient des modes payants. Lucross qui avait eu des soucis à l'époque avec les modes VR de Resident Evil 2. Red Dead Redemption 2. Redog. Voilà, et GTA 5. En gros, parce qu'il vend ses modes et du coup, Alors, il vend pas ses modes, mais il faut être abonné à son Patreon. Il faut être abonné pour avoir les mises à jour de ses modes. C'est ça. Et du coup, CD Projekt a fait la même chose là. Malheureusement, après, est-ce que c'est un bon signe ça ? La légalité, il fout là-dedans. Attends, Laurent, vas-y. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a Lucross qui a fait un petit tweet là sur le message en fait qu'il a essayé de faire passer à CD Projekt. C'est par exemple, moi, je vous propose de vous le faire en fait. Le mode officiellement sur votre jeu et pour que tout le monde puisse en profiter et pour que vous puissiez le proposer aux joueurs. Et clairement, CD Projekt lui a répondu que ça ne les intéressait pas. Même si on le sait, ils interdisent le mode pour des raisons légales parce que voilà, c'était moyennant finance que tu avais accès à ce mode-là. Mais ils ne veulent pour rien proposer derrière. C'est exactement comme Take-Two. C'est sur PC, il l'a passé en mode gratuit, son mode. Non, là pour le moment, en tout cas, c'est l'autre. Là on est le 24 janvier, il a tout viré pour le moment en mode vénère, quoi. Ben, ce qui est compréhensible. Hein. Parce qu'en plus, sur X, maintenant, il s'est fait pourrir, justement, il s'est vraiment fait pourrir, en fait, les gens qui gueulaient parce qu'il faisait payer le mode, quoi. C'était lamentable, quoi. Vraiment la poubelle lunette. Voilà. C'est toujours comme ça. Mais alors, moi, je suis un peu tiraillé quand même, bah parce oui. que tu vois, j'en ai parlé pareil sur Twitter avec Rames, où il a publié qu'il y avait des mises à jour sur le mode VR de Resident Evil 4 et tout ça. Et je lui ai posé la question objectivement, je lui ai dit, est-ce qu'on n'est pas à la limite de l'illégalité, dans le sens où en fait t'as une version officielle de quelque chose t'as une version officielle d'un jeu VR qui existe déjà, et en parallèle t'as un mode gratuit de ce même jeu VR qui existe aussi. Et pour moi, pas sur la même plateforme. Mais je m'en fous, c'est le principe d'une exclusivité. Ah. Dans ces cas-là, je veux dire, rien ne t'empêche de développer une AP de Mario sur PC ou sur les autres consoles sous couvert que ça n'existe pas, si tu veux, sur les autres plateformes. C'est le principe d'un contrat d'exclusivité, c'est ce qui fait marcher une économie. Donc là, pour le coup, quand on est sur ce genre de situation-là, pour moi, le mode, il ne devrait plus exister. Maintenant, le cas de Lucross, c'est de la revente détournée. Le mec, même s'il a un Patreon et c'est de l'abonnement, il utilise les licences d'autres personnes, si tu veux, et le travail d'autres personnes, et il se l'approprie, entre guillemets, même si c'est un mode, il se fait des ronds avec. Pour ce coup-là, je suis d'accord. Et là, on est sur de la limite. Donc, le mec, il fait l'énervé, il a tout enlevé, tu vois. Moi, je serais lui, bon alors après il en a peut-être fait un et son beurre, hein, je comprends aussi, mais bon je serais lui du coup, bon bah tu dis bon bah très bien, j'ai gagné ça jusqu'à maintenant, ok, je vous laisse le reste gratuit et puis terminé. L'autre qui fait Predog, c'est Predog, ouais. Celui qui fait UEVR, il demande rien. Et lui, il a sorti un truc qui est encore plus important que ce que fait Predog. Mais tu vois, Gantz touche plus de jeux en tout cas. Tu dis Gantz, il a bossé dessus. Il mérite d'être rémunéré. Je suis totalement d'accord avec toi. Qu'ils le vendent par contre sur un moyen, par un moyen détourné, en profitant du travail des studios, je trouve ça super limite. Mais il peut pas le vendre. Et pourtant, je suis à 100% pour lui. C'est ce qu'il a fait, Majo. Il se fait de l'argent. Non, mais je veux dire, il peut pas le vendre de manière légale. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Ils le vendent pas de manière légale. Et c'est ça qui est limite. Il faut revaloriser le travail de ces modeurs officiellement. C'est tout. Les studios, les éditeurs, tout le monde leur tourne le dos alors que les outils existent, le savoir-faire existe. Ils pourraient justement faire en sorte de policher un petit peu tout ça, ce qu'essaye de faire justement Flat to VR. Ce n'est pas fait. Et puis même, c'est de la marque employeur, c'est de la marque d'entreprise, marché du jeu vidéo de la sorte. Prend que les mauvaises décisions. Clairement. D'ailleurs, c'est pas Predog est directement en lien avec Flat to VR. Hein. Oui. Quand tu vas sur le GitHub de Predog, tu as directement le Discord de Flat to VR. C'est leur Discord où tu as où tu trouves tous les modes. Flat to VR, c'est finalement la structure idéale pour ce genre de truc, parce que c'est une entreprise normale. Ouais. Le souci, c'est comme tu disais tout à l'heure, si Flat to VR, ils vont passer la porte chez CD Projekt Red, ils leur disent bon, on veut faire votre jeu, vous nous donnez l'accord d'utiliser la licence, on vous fait le jeu, vous vous récupérez 50% des ventes. Et ben eux vont dire non. Ah oui, c'est clair. Alors qu'ils n'ont rien à faire, ils vont faire tout le boulot, et ben ils vont dire non. Et pourquoi ils disent non? C'est dingue, quoi. Parce qu'ils ont envie ils veulent garder le contrôle aussi de leur image de marque, parce que c'est trop important aujourd'hui pour ces grosses entreprises, et ils peuvent pas prendre le risque aussi de laisser l'image de marque de Cyberpunk. Que le portage soit fait. Ça reste quand même un gros studio. Il y a Witcher 4 qui arrive. Les mecs peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont annoncé récemment. Pardon, qu'en plus, c'était fini, quoi. Ils font plus de mise à jour sur Cyberpunk 2077, c'est terminé. Donc. C'est pas pour en développer. Non, mais encore une fois, c'est parce que la VR n'a pas l'importance qu'elle mérite. Faire des rééditions. De toute façon, c'est très simple. Enfin, aujourd'hui, le contrôle, oui, c'est ça. La mentalité de ce genre d'entreprise, et c'est pour moi ce qui a un peu, on va dire, tué le marché, c'est la rentabilité à court terme. C'est de chercher absolument à faire des centaines de millions La VR n'est pas la réponse. sans être la réponse, c'est qu'on n'a pas laissé le temps au marché de s'installer de manière... Enfin, c'est un peu ce que disait Laurent d'ailleurs dans sa vidéo. On n'a pas laissé le temps au marché de s'installer, et beaucoup disent, à juste titre, que c'était pas rentable à l'époque. Mais en général, quand tu commences à faire quelque chose, tu perds un peu d'argent. C'est un marché naissant. Et après, tu t'arranges pour que ça devienne pérenne et que le marché soit viable et qu'il soit intéressant, quoi. Et en fait, là, comme on disait tout à l'heure, le marché a été éclaté. Il manque de rentabilité ou pas assez de rentabilité. Et du coup, fermeture des vannes, ça sert à rien qu'on se fasse chier, on va gagner 10% de ce qu'on a investi. C'est pas intéressant, allez, on arrête tout, on reste sur ce qu'on sait faire, et puis terminé. Et aujourd'hui, pour moi, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que tous ceux qui ont investi, ils ont vu que soit ils gagnaient rien, soit ils gagnaient pas assez. Du coup, ils ont arrêté, et c'est là où on a eu l'émergence de tout ce qui est arrivé aujourd'hui, de studios qui ne connaissent rien, qui n'avaient pas d'expérience, et qui ont acquis leur expérience avec ce qu'on connaît aujourd'hui, et comme des éditeurs là, comme Vertigo, qu'on ne connaissait pas, et qui ont monté comme ça, qui sont censés normalement se tirer vers le haut. Mais bon, on stagne parce que, après, il y a eu le côté hardware qui a en plus rajouté une couche sur le fait de, du coup, on n'a pas besoin d'investir. Le développement coûtera un petit peu moins cher parce que, un peu moins compliqué, application facile. Et puis même avec tous les moteurs de jeu qu'on a aujourd'hui, et tu parlais on a les applications, on a les moyens de le faire et tout. Moi, je me souviens encore que tu parlais du moteur d'Ubisoft, le Snowdrop, qui avait des applications, des fonctionnalités justement pour favoriser le portage d'un jeu normal en VR. Unreal Engine qui pareil avait dans sa nouvelle itération directement dans le moteur, je veux dire tout ça aujourd'hui aucun ça intérêt ça ne sert à rien Voilà. Et, enfin, et c'est même plus mis en avant aujourd'hui dans les. Enfin, j'en entends plus parler en tout cas. Dans les nouvelles productions ou dans les nouveaux moteurs qui arrivent. Quoi. De toute façon, pour rester sur un. Unity d'ailleurs. Pardon, excuse-moi, Kader. Et après, je te laisse la parole. Unity d'ailleurs devait implémenter une fonctionnalité pour le rendu faux réel sur le PSVR. Je sais pas si c'est fait aujourd'hui. Donc. Ouais, donc je disais. Pour rester sur un avis positif quand même sur la VR au sens global, moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où je travaille, c'est comme ça. Hein. Ça monte. Les studios qui créent des expériences culturelles, type visite de musées contemplatifs, même des trucs un petit peu en free roaming, etc. Ça crève le plafond, ils sont tous en croissance. Donc je suis assez... Je suis pas inquiet. Maintenant, ce sera le rebond de la VR gaming qui va bien falloir avoir lieu un jour. Quand est-ce que ça arrivera, j'en sais rien. Mais la VR est loin de crever. Même si elle est encore moquée aujourd'hui, bah c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est juste nous qui souffrons parce que on vieillit et puis on a envie de jouer, quoi. On a envie de voir des trucs. Surtout qu'on est équipé chez nous. Mais justement, je pense c'est important de mettre en avant ta vision, Kaf, parce que mine de rien, toutefois, tu vois directement le ressenti des joueurs et leur intérêt. Et je pense que ce que tu fais dans ton boulot, c'est la meilleure porte ouverte justement en ce moment. Le meilleur commercial pour la VR. Ouais. Ça sera pas du dégueu d'application du scam comme on peut avoir sur PSVR 2 ou encore pire sur Quest. Et tu peux leur montrer des choses de qualité avec du matériel de qualité, avec des sensations qu'ils retrouveront pas forcément plus chez eux s'ils veulent investir, parce que quand même t'as aussi les trucs à la Eva où tu cavales dans tous les sens, ils pourront pas forcément le faire ça dans leur salon de 10 mètres carrés, mais par contre c'est super important justement d'avoir des métiers comme ça et de pouvoir montrer. Après il y a des enjeux, hein. Là par exemple y en a qui sont persuadés dans le marché avec les gens avec qui je discute, les acteurs etc, les studios, qui sont persuadés que l'exploitation des salles en dur sont en voie à disparaître pour laisser place à une fusion avec le cinéma. Parce que c'est pareil, le cinéma a été à demi-mot dans la VR, il y a un truc à faire, et à un moment donné, si ça fusionne pas, aucun des deux survivra non plus, tu vois. Donc en fait, ça va bouger, ça bougera toujours. Alors, le truc, c'est comment, quoi, on sait pas. Pour avoir une expérience un peu différente de celle que tu avances, tu parlais d'Eva, ça y est, tout à l'heure. Je sais qu'il y a certaines salles qui galèrent à être rentables et qui sont obligées de faire des événements professionnels. J'ai des infos sur ça, si tu veux. Hein? J'ai beaucoup d'infos sur ça, si tu veux. C'est juste que le cahier des charges Eva est devenu extrêmement compliqué pour les franchisés. Ils en demandent toujours plus. Et là, on va dire que c'est plus de la culture entreprise. Ils sont leaders, donc ils font un peu n'importe quoi. Et bien, c'est un peu le cas toujours dans les marchés, tu me diras. Mais c'est aussi de là que ça vient. En attendant, ils ont des manques de rentabilité, ils sont obligés d'avoir des activités annexes au sein même de l'EVA, hein, parce que il y a personne, ils n'y remplissent pas suffisamment, je veux dire, pour être rentable, et du coup ils font d'autres trucs, si tu veux, d'autres activités au milieu. Ouais, totalement. Bah là, ils ont sorti une dernière expérience que j'aimerais bien tester, qui a l'air assez folle. Le kart. Ils ont développé ça en 2 mois en bêta, les mecs, et ça marche apparemment super bien. Donc voilà. J'aimerais bien tester ça. Ouais, on sera peut-être un petit team building vers 4Player. Eh, peut-être. Merde, je fais plus partie de l'équipe. Ouais, c'est pas grave. Mais si, tu es toujours parti. On peut te refaire un petit contrat. Il y a 2-3 jeux de merde à tester, si tu veux. C'est si on doit partir un week-end, on y va tous ensemble. Hein, ouais. Voilà. J'aurai un pass invité. Exactement. Le guest. Tu devras être accompagné, hein, tu pourras pas te déplacer tout seul. C'est vrai. Bon, messieurs, est-ce que ce serait pas l'heure de faire un gros bisou? 3h20, de se coucher. 3h20, on va peut-être aller faire dodo, parce que moi je me lève dans le temps là, en fait. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un gros bisou et un gros câlin à Sei, et de le remercier surtout pour toutes ces années en tant qu'éditeur, parce que j'ai commencé comme ça, il faut le rappeler. Et ensuite j'ai participé à cette magnifique aventure avec toi. J'ai appris beaucoup de choses, je t'ai beaucoup fait chier aussi, et je m'en excuserai pas parce ça que c'était drôle. Pourquoi tu es au passé? T'étais pas mal aujourd'hui. Tu continues à me faire chier, t'inquiète, hein, parce que je continue de chier après. À distance. Ah ben on sait pas, est-ce qu'il y en aura un autre, on sait pas, enfin en attendant, en tout cas celui-là... Votez dans les commentaires, c'est déjà la réponse. Celui-là c'était pour... Il faut qu'il y ait des news aussi. Hein, exactement, alors c'est vrai, c'est là où je voulais en venir aussi. Celui-là c'était pour te remercier, et puis voilà, dire aux gens que tu... que tu nous quittais, mais aussi pour dire pourquoi est-ce qu'on n'en fait plus aussi souvent, parce que bah, comme tu l'as dit, ça prend du temps. Vous avez vu, on a un peu changé, on va dire, l'orga, chacun un petit peu son truc. On essaie de se répartir les tâches un peu comme on peut avec le temps qu'on a, puisque on le répétera jamais assez, je pense, mais on est bénévole, voilà, on travaille à côté, on a nos vies en plus de tout ça, et c'est pas toujours facile de lier les deux, voire les trois, si on rajoute le côté professionnel, et la famille, et enfin, le côté professionnel, ouais. Et ça. Et donc du coup voilà, on essaye de récupérer des infos, mais comme vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de choses, même sur 2 ans où on n'a rien dit, on a essayé de récupérer des trucs, et bon, c'est pas toujours facile quoi. Donc du coup, est-ce qu'on en fera d'autres? Peut-être pas, on sait pas vraiment. En tout cas, une chose est sûre, et pour ma part, et j'espère que c'est la même chose pour vous, messieurs, j'ai été ravi de vous revoir ce soir, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble. Et, et ça fait toujours plaisir de discuter, parce que mine d'eux, on rigole. Voilà. On est un peu triste, mais malgré tout, on s'amuse. Ah, mais c'est le train de l'émotion. On pleure, on râle, on chouine, on rigole. Exactement, c'est toujours dans la bonne humeur. On dit ce qu'on pense, mais toujours dans la bonne humeur. Et ça, c'est important. Alors, donc, si je peux faire un petit message juste avant de partir. Mais bien sûr, je t'en prie, coupe-moi la parole autant de fois que tu veux, pas de problème. C'est vrai, ça me fait bien plaisir. Et encore, je t'ai pas tout mis, tout ce que je voulais te mettre. C'est vrai, je trouve que t'as été particulièrement sage. Non, j'étais très cool. Non, je tenais juste à remercier Laurent, évidemment, pour m'avoir accepté dans VR for Player. Et puis tous ceux qui ont participé au podcast, tous les nouveaux, tous les anciens même. Pour moi, ça a été plusieurs années vraiment de pas mal de boulot. Ça a pris quand même pas mal de temps. Je m'occupais vraiment de la prod, d'à peu près tout dessus en fait, mis à part les articles sur le site. Mais par contre, ça a été une super aventure, des super rencontres, des gens toujours intéressants avec qui discuter. Même des confrères, comme on dit, et pas des comment t'as dit tout à l'heure, Cave, des concurrents. Non, des confrères qui ont eu l'occasion aussi de venir dans l'émission, les développeurs évidemment, des rencontres, moi, de gens que j'idolâtre totalement, avec qui on a pu discuter et puis échanger vraiment de façon naturelle et comme si c'était des potes en fait. Il y a que dans ce type d'émission là dans un podcast qu'on peut avoir ce genre d'échange. C'est pas vraiment de l'interview, c'est la discussion. Ça devient des potes instantanément en fait. On apprend énormément de choses. Et puis merci à tous aussi pour votre participation. Merci infiniment aux auditeurs aussi, ceux qu'on a pu rencontrer à la PGW. C'était en 2023 déjà. Il y a longtemps. Hein. Putain, ça date aussi. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exact. Bon, vous deux. Ouais. et voilà, et puis un énorme remerciement voilà à tous ceux qui ont vécu autour d'un VR de près ou de loin, juste par les oreilles, ou qui sont venus nous voir sur YouTube, et puis voilà quoi. C'est pas parce que je pars fâché, c'est juste que ce marché ne à force de râler on s'épuise, voilà c'est ça, et l'énergie y est moins, donc voilà, moi je souhaite longue vie en tout cas au podcast, si Majo trouve la formule, histoire de pouvoir la produire peut-être un peu plus simplement. Et puis voilà, encore un gros remerciement. Je vais pas chialer hein, parce que je suis un bonhomme. Mais le cœur y est en tout cas. Je vous fais tous des gros bisous les gars. Je ne serai jamais à ta hauteur, Sei. Voilà. Jamais. Monsieur, ouais, carrément. Jamais. le grand sage. Ouais, tu parles. Bon. Toi, je me suis rasé en plus. En tout cas, merci beaucoup messieurs, merci encore à toi Sei, et je vous dis pas dans 2 semaines parce que je veux pas faire de promesses que je ne pourrais peut-être pas tenir, mais je vous dis à bientôt, enfin on vous dit à bientôt, en tout cas vous nous retrouverez sur la chaîne, ça changera pas pour toutes les previews, les tests et les dossiers, parce que Laurent est chaud bouillant. J'ai toujours dit, tant qu'il y a des choses à dire, je les note de côté, et quand j'ai suffisamment, je balancerai des dossiers. Tu vois, là, je vais en balancer 2 en 15 jours. Et nous, on est contents. Et nous, on teste des bouses. Si tu veux vanner les joueurs PC et les modeurs sur PC, vas-y, hésite pas. Hein, je... Ah bah oui, il y a un troisième dossier du coup il là. Prend, il prend. 5090, il s'en fout, il prend. Bon, sur ce, à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Et puis pensez à liker les notes sur les applications de podcast et tout ça. Pouce en l'air. On n'oublie pas. Ouais. Voilà. Et puis évidemment, je compte sur vous pour faire un petit message à Sei. Pour tous ceux qui l'ont suivi depuis le début, ça lui fera plaisir, je pense. Soyez corrects. Et puis, merci. À plus. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut, messieurs. Bisous. Tchuss. Ciao, ciao. We'll be right back.